Bonjour à toutes et à tous, je suis ici pour vous parler de la ressortie en salle de The Killer de John Woo, ressortie en salle en 4K par Metropolitan. Alors, The Killer arrive souvent dans les listes lorsqu'on cherche les listes des meilleurs films d'action de tous les temps, et pour cause. Alors John Woo, vous en avez déjà parlé pour évoquer À toute épreuve lors de sa ressortie en 4K il y a de cela quelques semaines. À toute épreuve, qui est peut-être le film le plus absolu, le plus définitif, le plus total de John Woo, que ce soit dans sa narration, que ce soit dans son formalisme, dans son approche d'une certaine esthétique du cinéma d'action. Mais je pense que The Killer va toujours rester mon préféré dans les films qu'il a fait, notamment dans sa période hongkongaise. C'est-à-dire que si on prend les films les plus marquants de cette période-là, il y a évidemment une Balle dans la tête, il y a eu le Syndicat du crime 1 et 2, il y a eu The Killer, il y a eu À toute épreuve, mais je pense que si Une Balle dans la tête est son plus, ce qu'on appellera son, peut-être un de ses plus excessifs, si le Syndicat du crime est, je pense, son plus concis, notamment sur la narration, si À toute épreuve, excusez-moi, est son plus symbolique, son plus puissant, notamment par la place qu'il occupe dans sa filmographie, je pense que The Killer est mon préféré, que ce soit purement par ses scènes d'action. Commençons par cette approche-là. En termes d'action, The Killer est beaucoup plus resserré que À toute épreuve. À toute épreuve, quelque chose de très excessif, finalement. On peut penser à tout cet épilogue dans l'hôpital qui va durer quasiment 30 minutes, 30-45 minutes, qui monte en tension, qui va finir par se solder par une espèce d'apocalypse au sein même de cet hôpital, avec au cœur de cette séquence, ce dispositif du plan séquence merveilleusement utilisé au cours d'une scène d'anthologie. The Killer est beaucoup plus... est moins excessif visuellement, mais n'est pas moins fou et n'est pas moins ambitieux. On peut penser, évidemment, si je peux permettre de spoiler dans une moindre mesure, à la séquence de fin autour d'un lieu hautement symbolique pour John Woo, notamment en raison de sa religion, et autour d'un lieu qui va devenir véritablement le théâtre, presque dans un sens tragique, mais proche d'une certaine idée de tragédie grecque, avec cet absolu, cet excès mis en image, ce chaos organisé, ce chaos dansant, ces séquences où chaque personnage, chaque balle, chaque élément du décor devient quelque chose de friable, quelque chose avec lequel la caméra peut interagir, avec lequel le montage va jouer, avec lequel le spectateur lui-même, finalement, va danser d'une certaine façon. The Killer est pour moi l'un des objets les plus magnétiques sur cette idée-là, notamment par le rôle de Chow Yun-fat, parce que si dans Hardboiled il jouait un inspecteur, alors un inspecteur hardboiled entre guillemets, mais un inspecteur, justement, c'est cette idée un peu cette idée de ce fantasme presque de l'inspecteur un peu dur, qui a besoin d'être en flirt avec la loi, flirt permanent avec la loi. Et The Killer sur une fat un rôle que je trouve infiniment plus romantique, cette idée de deux personnages qui sont les opposés l'un de l'autre, mais qui se retrouvent autour d'un amour commun pour un même personnage féminin, l'un naissant d'un amour protecteur, les deux n'est finalement naissant d'une forme d'amour protecteur, mais pour des raisons très différentes. Je trouve que c'est un film d'une beauté vraiment vraiment extrêmement impressionnante, avec en plus ces cadres et cet usage de ces décors qui est toujours renversant, Hong Kong devenant vraiment une ville de cinéma sans pareil. Et pour revenir à cette notion de l'action, à ce personnage de Chow Yun-fat, je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement beau et qui est extrêmement fort émotionnellement. Là où Hardboiled me touche par son symbole, The Killer me touche par les émotions qu'il va amener, jusqu'à peut-être me faire verser quelques larmes, je n'en dirai pas plus. Dans sa dernière séquence, véritablement, je pense que c'est un des films, avec peut-être Syndicat 1 et Syndicat 2, les plus puissants émotionnellement de John Woo. Et on sait que c'est quelqu'un qui est attaché à ses émotions, à cette idée de surplus presque d'émotion qui va transparaître à l'écran. C'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment, vraiment énormément dans ce film-là. Et si The Killer peut en décevoir certains par la naïveté qu'il va déployer, je trouve au contraire que cette naïveté est une de ses plus grandes forces. Également, c'est un film que je trouve extrêmement important par l'influence qu'il a eu aujourd'hui. On peut penser à beaucoup de... Enfin, aujourd'hui, on a la chance de vivre dans une époque où le cinéma d'action est aussi divers que capable de proposer de grandes choses, et par grandes choses, j'entends vraiment dans le sens le plus noble du terme, à savoir des films qui vont être tout bonnement sidérants. Encore une fois, j'ai déjà parlé longuement à ce micro de The Raid, mais je pense que aujourd'hui, globalement tout le grand public peut s'accorder sur le fait que la franchise de cinéma d'action qui a le plus popularisé, enfin repopularisé le genre et surtout redonné ses lettres de noblesse au genre, notamment avec une considération accentuée sur les cascades et sur l'idée de faire des choses en dur, ça va être John Wick de Chad Stahelski et David Leitch. Alors, John Wick, si on remonte vraiment à l'origine de la saga, c'était assez original parce que c'est un film qui date de 2014 avec Keanu Reeves, qui était très chouette, hein, mais qui, je pense que personne n'aurait pu se douter que, voilà, 3 ans plus tard en 2017, avec John Wick 2 et ensuite encore 2 ans plus tard avec John Wick 3, et jusqu'en 2023 avec John Wick 4, la franchise deviendrait véritablement un pivot du cinéma d'action moderne, deviendrait une véritable franchise, ayant donné 5 films aujourd'hui avec Ballerina et une série, et deviendrait quasiment un marqueur culturel à elle seule de ce à quoi doit ressembler le cinéma d'action aujourd'hui. J'en prends pour témoin le nombre de John Wick-like qui ont pullulé ensuite sur les plateformes. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, la peine là n'est pas notre sujet. Quelques exemples peuvent être les deux Tyler Rake qu'on peut trouver sur Netflix, les deux Nobody dont le deuxième est sorti récemment par Timo Giacinto, Kate également sur Netflix, Gunpowder Milkshake, Bullet Train. C'est un film qui a eu véritablement, on peut le dire aujourd'hui, une influence sur ce qu'est un film d'action moderne aujourd'hui, notamment un film d'action, ce qu'on qualifiera de film d'action mainstream, en tout cas à Hollywood. Mais ce serait oublier qu'avant John Wick, il y a eu tout le cinéma de John Woo, et il y a eu The Killer. Et The Killer, véritablement, si John Wick a su influencer une part du cinéma d'action américain moderne, The Killer a influencé tout le cinéma d'action du monde. N'importe quel réalisateur d'action aujourd'hui va citer The Killer, que ce soit en influence ou que ce soit en citation extrêmement directe. On peut notamment penser à ce qu'a pu faire Gareth Evans, évidemment réalisateur de The Raid 1, The Raid 2, Havoc et Gangs of London, qui notamment sur la promotion de Gangs of London évoquait l'influence du cinéma d'action de John Woo, évoquait le fait que c'est cette image qu'a infusé John Woo dans l'action, cette idée de mélanger une violence extrêmement viscérale, extrêmement graphique, et une certaine idée du romantisme presque extrêmement naïf dans l'approche narrative que qu'on va donner à l'ensemble du récit, qui a influencé ces films. Le The Killer de John Woo, ce n'est pas juste un film, c'est un véritable marqueur culturel qui devient d'autant plus important lorsqu'on réalise à quel point quasiment bientôt 40 ans plus tard, le film datant de 89, The Killer fait partie de tous les imaginaires qu'on peut avoir, et par tous les imaginaires, j'évoquais évidemment le cinéma avec John Wick, mais si on prend le jeu vidéo, avec notamment l'une des icônes de cette idée de flic hard-boiled les plus marquantes dans son domaine, on peut évoquer Max Payne, les deux jeux de Remedy, donc Max Payne et Max Payne, The Fall of Max Payne, qui sont cette histoire de flic un peu à la hard-boiled, toujours en flirt permanent avec la loi, qui va être un peu dur, qui va un peu mordre sur la barrière légale, mais qui va également surstyliser toutes ces séquences d'action avec cet élément de gameplay qui est le bullet time. Ça vient de John Woo, ça vient de The Killer. Bref, c'est un film absolument exceptionnel, et si je peux toucher un petit mot sur le remake que The Killer a eu, alors par John Woo également, mais qu'il a eu l'année dernière, qui est sorti l'année dernière, qui se déroule à Paris, avec en casting Nathalie Emmanuel et Omar Sy, et Sam Worthington également dans un petit rôle. C'est un film qui est pas détestable, c'est un film dont le plus immense défaut est d'être le remake de The Killer, et surtout d'être le remake de The Killer par John Woo. The Killer étant un film tellement définitif, il est extrêmement compliqué de prétendre pouvoir lui apporter quelque chose d'autre, en tout cas de pouvoir prétendre le réinventer. C'est un film qui se base non seulement sur la personnalité et la patte de son auteur, mais qui également va se baser sur cette personnalité à un instant T, dans un lieu donné, avec une certaine équipe, avec une certaine personnalité, avec une certaine conception du cinéma d'action. On avait vu que John Woo s'était déjà un peu perdu dans le cinéma d'action moderne. On l'avait vu avec Silent Night en 2023 avec Joel Kinnaman, le terrible Joel Kinnaman, qui était non pas un film détestable, loin de là, mais qui finalement n'était qu'un sous John Wick, ce qui devient quelque part ironique, dirons-nous, pour celui qui a inventé le genre du John Wick-like à la base, enfin, qui est à l'origine de ce que le genre de John Wick-like a pu produire. Et c'était un peu dommage, il y avait déjà quelques risques avec ça, et finalement The Killer n'est que la confirmation de ça, étant donné que le style de John Woo se retrouve complètement éthéré dans un film qui n'a finalement pas vraiment lieu d'être. Et c'est, je pense, la plus grosse douleur lorsqu'on regarde The Killer, mais cette douleur finalement se fait en nous rappelant à quel point l'original est précieux et unique et puissant et surtout est important pour le cinéma d'action, mais pour le cinéma tout court, dans sa conception d'une image, dans sa conception dans l'audace qu'on peut infuser dans cette même image. Bref, John Woo est un réalisateur ô combien important, et c'est un réalisateur tellement important que même lorsqu'il annonce d'autres films, et même lorsque ce sont des films qui peuvent avoir l'air parfois un peu compliqués, je peux penser à son prochain projet avec Nicolas Cage, on a envie d'aller le voir, non pas parce qu'il a réalisé Silent Night, le remake de The Killer, ou d'autres films comme Red Cliffs ou Windtalkers, mais parce que ça reste celui qui a fait À toute épreuve, ça reste celui qui a fait Une balle dans la tête, et surtout, surtout, ça reste celui qui a fait The Killer. Concernant la copie, c'est une copie 4K absolument magnifique, qui permet de ressaisir toute la beauté intrinsèque au film, la beauté de ses cadrages, la beauté de ses univers, la beauté de ses ambiances, et vraiment qui permet de capter tout ça sans perdre la caractéristique que lui donne le grain et la texture de l'image. Donc bref, c'est une magnifique copie que nous vous invitons au plus vite à aller redécouvrir en salle. Si vous n'avez pas vu ce film, si vous avez la chance de ne pas l'avoir vu, vous conjurons d'aller le voir et de vraiment de vous jeter dessus. Et si vous l'avez déjà vu, et bien évidemment, empressez-vous de le revoir, de le redécouvrir, de ne jamais cesser de le redécouvrir. Et évidemment, bonne écoute à vous, bonne écoute de cet épisode-là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique quasiment en épisode régulier. Ça change. Comment ça va, Roman ? Bah ça va et toi ? Ah ça va très bien, très bien. Fatigué, la fatigue hivernale nous atteint, mais on s'en sort, on fait comme on peut, d'autant plus que pour un épisode qui est somme toute très particulier. Exactement, parce que il y a 10 ans et quelques mois maintenant, plus exactement en août 2015, nous avons perdu peut-être l'un des plus grands noms que le cinéma d'horreur ait connu, à savoir celui de Wes Craven. Wes Craven, réalisateur aux nombreux classiques, que ce soit Scream, que ce soit Freddy, que ce soit La Colline à des yeux, que ce soit La Dernière Maison sur la Gauche. Nombreux classiques pour ce charmant personnage. Mais dis-moi, ça a été quoi ton premier contact avec Wes Craven ? Eh ben, mon premier contact avec Craven, ça a... Alors, je sais plus dans quel ordre ça s'est fait, parce que je me rappelle avoir découvert Scream 4 à la télé, quand je devais avoir à peu près 11-12 ans. Et c'est à peu près à la même période où j'ai vu Freddy, mais je pense avoir vu Freddy peut-être pas longtemps après, donc je pense que mon premier contact avec Craven, c'était Scream 4. Mm-hmm. Et alors, question rapide mais facile, c'est quoi le Craven que tu préfères et le Craven que tu détestes le plus ? On parle quand même d'une carrière qui s'étend sur quasiment 40 ans, un peu plus de 40 ans. Mm. La Dernière Maison sur la Gauche étant en 72, ouais. Scream 4 étant de 2011-2012 dans ces eaux-là. Et donc, il a fait beaucoup de téléfilms, il a même fait des films qu'on qualifiera d'adultes. C'est comme ça au début de sa carrière, il a fait du film d'horreur, il s'est essayé au drame par une fois, et plus jamais pour notre plus grand bonheur. Donc quel est le film que tu préfères et le film que tu aimes le moins dans toute sa filmographie ? Celui que je préfère, ça va pas être très original, mais c'est Les Griffes de la Nuit. Même si Scream est pas loin derrière. Mais voilà, Les Griffes de la Nuit, évidemment, le classique de Craven, et celui que j'aime le moins. Alors, j'ai pas été fouillé tous les plus grands gardiens de sa carrière, notamment Un Vampire à Brooklyn et Musique de mon cœur. C'est la Musique de mon cœur qui est quand même, c'est le drame dont on parlait, qu'il a fait entre Scream, enfin, qui est sorti entre Scream 2 et Scream 3, et qui est le seul film totalement non horrifique qu'il ait fait. En tout cas, qui ne va pas vers des courants qui lorgnent du côté de l'horreur. Si on compte pas son épisode de la série Disneyland. Oui, effectivement. Et son segment pour Paris, je t'aime, qui est catastrophique. Que j'ai pas vu non plus, le segment Père Lachaise. Il a réussi à filmer, parce qu'il y a un réalisateur d'horreur qui filme un cimetière et qui arrive à rien en faire. C'est assez triste. Mais du coup, de ce que j'ai vu, le Craven que j'aime le moins, c'est sans grande hésitation La Colline à des yeux 2. Avec le flashback du chien. Je t'avoue que j'ai oublié, j'ai vu le film il y a 10 ans, je me rappelle juste que c'était nul. Bah, je crois que si, sans trop exagérer, je crois qu'il y a bien un tiers du film, si ce n'est plus, qui est le flashback d'un chien, et qui est plus ou moins des images du premier refourguées. Attends, c'était quel film qui était... Oui, c'est Dos Nus Sanglantes Nuit 2. Comment ? Dos Nus Sanglantes Nuit 2. 12 nuits sans Contenu 2, effectivement, Ouais. des deux tiers pour le coup, là, c'est... Et là, c'est des images du 1, mais quasiment assumées comme telles. C'est C'est ça. vraiment juste, On vous bah... renvoie au calendrier de l'Avent de l'année dernière. Ouais, ce projet homérique que nous avions mené, qui sera très dur à refaire, parce que vas-y de retrouver 25, voire plus, autres films de Noël qui valent le détour, c'est très complexe, c'est très complexe. En ce qui me concerne, ma découverte de Wes Craven, alors je pense que j'ai déjà dû raconter cette histoire, mais peu importe, elle m'est bien trop précieuse pour que je vous épargne une deuxième narration. C'est C'était lorsque... Night Visions. C'était Scream que j'avais découvert chez mes grands-parents sur VHS. Donc ça ajoute tout naturellement au charme du moment où N'est-il pas? j'avais découvert ça sans vraiment m'attendre à quoi que ce soit. Où on m'avait juste dit c'est très gore, faut pas que tu le regardes et tout ça. Et il y a un tueur. Et évidemment, je connaissais la gueule du masque parce que anecdote dans l'anecdote, au magasin où je faisais souvent mes courses, étant beaucoup plus petit, il y eu pendant des mois le masque, enfin le masque, le DVD de Scream 4. Ok. Qui était posé là, donc j'avais longtemps fantasmé ce film. Parce qu'en plus, il y avait à l'arrière le film d'horreur et tout, bref, tout ce qu'il faut. Et donc, ouais, j'avais découvert Scream 1, premier du nom, en VF, évidemment, sur VHS chez mes grands-parents, un soir, sur les coups de 21h ou 22h. Et ça Excellente VF d'ailleurs. a incroyable VF! Et ça avait été une claque monumentale, j'ai sûrement déjà dû en parler, mais Scream 1, c'est vraiment un film que j'ai dû voir au moins une trentaine de fois, si ce n'est plus. C'est un film que je montre à quasiment à chaque fois. Quand quelqu'un me dit qu'il n'aime pas le cinéma d'horreur, je trouve que c'est un des plus faciles pour le faire entrer dedans. Pas faux. Vraiment, c'est un plaisir d'à peu près chaque instant. J'aime tout dans ce film, j'aime le casting, j'aime surtout le casting. J'aime la musique, j'aime la mise en scène, même la photo qui est pas très belle, j'aime bien, j'aime absolument tout. C'est un film sur lequel je suis incapable de la moindre objectivité. Et donc après ça, j'avais vu beaucoup d'autres choses. Et plus tard, j'ai vu Les Griffes de la Nuit. Lorsque j'ai compris que c'était le même bonhomme, je me suis dit, ouais, il est trop fort! Et puis ensuite, j'ai vu d'autres trucs et j'ai fait, ah, pas tant, pas tant. En fait, Wes Craven, c'est un réalisateur que j'ai d'abord, mais encensé dans des proportions peut-être un peu trop indécentes. Ensuite, que j'ai complètement bâché. Vraiment au moment où j'ai commencé à voir Shocker, des trucs comme ça. Où finalement, je me suis dit, non, ça sert à rien de lui taper dessus. Franchement, ça reste un très bon réalisateur qui a souvent tendance à se faire bâcher un peu trop pour rien, peut-être. En tout cas, ça va être notre combat de cet épisode-là. Et alors, et le film que j'aime le moins de lui, je déteste La Colline à des yeux 2. C'est pas très compliqué, on va dire. Je déteste La Musique de mon cœur. Je déteste Un Vampire à Brooklyn. Mais je pense que le film que j'aime le moins. Ouais, je pense que comme toi, je le donne à La Colline à des yeux 2, à des yeux 2, pardon, qui est vraiment très très très compliqué. Compliqué. J'aurais pu le donner à Paris Je t'aime, mais c'est juste un segment qui l'a fait. Donc allez, va pour La Colline à des yeux 2. Allez. Et celui que je préfère, bon, je vais quand même dire Scream par sympathie et Oui. par amour pour ce casting. Moi, la réplique de comparer ta relation de couple à l'exorciste, pour moi, c'est un sommet qui n'a pas été atteint depuis. À la version censurée de l'exorciste. La version censurée de l'exorciste. Non mais c'est indétrônable, Qui est... indétrônable. Alors, pour info, je sais pas si on a dû en parler dans l'épisode de l'exorciste, mais l'exorciste qu'on a eu en France pendant quasiment 30 ans, c'était une version censurée. Pendant 25 ans, disons. Je crois qu'il sort en 74 en France. Et c'est seulement en 2000 qu'il sort dans sa version intégrale, 2000 ou 2001. À savoir avec donc une douzaine de minutes rajoutées. Enfin, pas rajoutées, mais du coup celles dont on nous avait privées sur le marché européen. Voilà, on l'a eu enfin en France bah, 25 ans après la sortie du film. Ce qui est pas dommage. Ah bah ça, non à la censure. Et donc pour rapidement évoquer quels sont les films qu'on a pris, Wes Craven, donc c'est quelqu'un qui démarre sa carrière en 72 avec La Dernière Maison sur la Gauche, qui a démarré dans un cinéma qu'on peut qualifier d'un peu underground, on va dire ça comme ça, en tout Ouais. cas au moment, à l'époque. Bah disons que quand ton deuxième film c'est un porno. Fireworks Woman, Ouais. où la tagline du film c'est Que se passe-t-il quand un frère et une sœur brisent le tabou le plus ultime? Ouh. Voilà. Surprise, mystère, pornographie, évidemment. Après ça, et donc il a fait le premier La Colline à des yeux. Alors, très rapidement, je sais que toi t'aimes bien La Dernière Maison sur la Gauche, on en avait parlé au moment du remake. Ouais. C'est pas un film que j'aime beaucoup personnellement, mais c'est un film qui a su marquer son temps, notamment par le côté extrêmement cru de son approche, notamment vis-à-vis de la violence et vis-à-vis de ce qu'il peut montrer à l'image. Ensuite, donc le premier La Colline à des yeux, on n'a jamais parlé du remake, si je dis pas de bêtises, à ce micro-là. On l'a peut-être vite fait évoquer dans l'épisode Ouais, remake, mais ce qui est bien dommage parce que le remake mériterait très largement qu'on lui consacre une chronique. peut-être un deuxième épisode remake à venir? Oh, si seulement, parce que pour le coup, alors, très personnellement, j'avoue, je n'ai pas du tout aimé le premier Yakuza des deux, je le trouve chiant comme la pluie. Je le trouve assez basique, enfin assez banal, quoi. Là où le remake infiniment plus amusant. Oui. Après ça, il a enchaîné plusieurs films, on va pas repasser sur tous. Donc La Colline à des yeux, c'était en 77, mais ouais. C'est surtout en 84 que va arriver la consécration, puisqu'il va réaliser donc Les Griffes de la Nuit, le premier de la saga Freddy, film culte parmi les films cultes, qui introduit un protagoniste de légende, peut-être un des protagonistes, enfin des antagonistes, pardon, les plus mythiques de ce foutu cinéma d'horreur. Alors la personne de Freddy Krueger, qui dans le premier, j'aime toujours bien le rappeler, mais ouais, de toute façon on va en parler un petit peu dans cet épisode-là, mais dans le premier n'était pas du tout drôle, vraiment, le premier, ouais. il rigole pas de fou, le premier, c'est à partir du troisième, mais surtout dans le troisième, qu'il aura pris cette image beaucoup plus funky. Bah, disons qu'il y a que trois films où Freddy est sérieux, quoi, c'est les deux de Craven et le remake. Exactement, et non, le remake n'existe pas. Il n'y a pas de remake des Griffes de la Nuit. La saga s'arrête en 2003. Voilà, saga se stoppe en 2003. Mais donc... Ah oui, sachant que juste, entre-temps, il a quand même réalisé pour DC Comics... Oui, il avait réalisé Swamp Thing, la créature du marais, qui a eu une série il y a quelques années de ça, mais qui a surtout eu une suite réalisée par Wynorski. Oh, j'ignorais ce petit détail. Suite qui s'appelle visiblement Le Retour de la Chose des Marais en 89. L'affiche est tout un poème. Je crois que c'est Le Retour de la Créature. Retour de la Créature du Marais, pardon. Swamp Thing, la Créature du Marais. Je crois que c'est juste Créature. Et donc, on arrive en 80. Pardon, je me perds un petit peu dans mes notes. Nous arrivons en 88. Oui. Ah non, et donc, on va évoquer le premier film dont nous voulions parler. Je propose qu'on dévoile les films au fur et à mesure. Ok. En suivant peu tranquillement sa filmographie. Donc, 88 pour rapide contexte. Il sort de L'Ami Mortel, Deadly Friend, en VO, qui est donc date de 86, ouais. Et qui a eu quelques petits gros problèmes de production, notamment autour de certains reshoots, de l'ajout ou pas d'éléments gore dans un film qui n'était pas forcément destiné à en avoir à la base. Tu l'avais vu ou pas, L'Ami Mortel? Pas encore, du coup. C'est un film qui est assez fan, mais qui est très très compliqué à cerner, et petit indice, mais on va reparler d'un film qui a eu quelques énormes problèmes de production. Plus tard, on vous laisse deviner lequel, mais c'est un film qui porte très bien son nom. Qui porte très très bien son nom. Mais donc, vas-y, Romain, dans 88, alors, The Serpent and the Rainbow. The Serpent and the Rainbow, ou L'Emprise des Ténèbres, en français, est donc un film réalisé par Wes Craven. Alors... C'est écrit par Richard Maxwell et Adam Rodman. Alors, ce dernier n'a pas écrit grand-chose. Richard Maxwell, il avait réalisé The Challenger ou À Armes Égales de Frankenheimer. Mm-hmm. Mais à part ça, bah, pas grand-chose. Mais c'est surtout un film adapté des travaux de l'anthropologue Wade Davis, et donc de son livre The Serpent and the Rainbow, qui se base du coup sur la religion vaudou en Haïti. Alors, pour la situation en Haïti, je vais devoir faire un petit préambule pour expliquer un peu la situation de l'île. Donc, avant l'arrivée des colons sur l'île d'Hispaniola, dont Haïti constitue globalement la partie ouest, elle est occupée par différents peuples, notamment les Arawaks et les Kalinago, c'est eux qui donneront le nom Caraïbes d'ailleurs, quand on anglicisera leur nom. Au total, c'est à peu près 100 000 personnes qui vivent sur l'île avant l'arrivée des Européens. Et ces différents peuples ont différents noms pour parler de l'île, mais un peuple Taïnos, donc issu des Arawaks, utilise le mot Haïti, A-Y-T-I, donc orthographe différente de celle qu'on a aujourd'hui, qui signifie à la fois terre des hautes montagnes, la montagne dans la mer, ou encore la terre âpre, ou l'âpre terre. Et c'est l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle, qui correspond donc au début de la traite des Noirs sur l'île, et qui va donc globalement installer ses colonies sur la partie est de l'île, puisque c'est celle qui est la plus riche en minerais et en ressources, là où la partie ouest, du coup, sera beaucoup délaissée. La partie ouest va donc devenir une espèce de repère des boucaniers et des pirates français, un peu comme l'île qu'il y avait au nord d'Haïti, enfin qu'il y a toujours au nord d'Haïti, qui s'appelle l'île de la Tortue, Tortuga, c'est celle que vous voyez dans Pirates des Caraïbes, en l'occurrence. Exactement. Et donc ces pirates vont globalement établir leur territoire sur la partie ouest de l'île. Puis, fin XVIIe siècle, quand Philippe V, donc le petit-fils de Louis XIV, arrive sur le trône d'Espagne, un arrangement est fait entre l'Espagne et la France pour que la partie ouest de l'île soit définitivement française et s'appelle non pas Haïti, mais Saint-Domingue, la francisation du nom Santo Domingo que les Espagnols avaient donné à une des villes de la région. Mais au XVIIIe, il y a de nombreuses révoltes qui éclatent et qui aboutissent notamment à l'abolition de l'esclavage en 1793 en France. Et c'est à ce moment-là que des figures noires importantes des Antilles voient le jour, comme Toussaint Louverture, qui est nommé gouverneur à vie et qui va protéger Saint-Domingue des Anglais et des Espagnols, qui vont vouloir reconquérir cette partie de l'île, ainsi que des. Ou encore de Jean-Jacques Dessalines, qui va vouloir protéger l'île des Français de Napoléon, qui vont vouloir revenir pour rétablir l'esclavage. Ils ne vont pas réussir, et c'est à ce moment-là que Haïti deviendra indépendante. Le 1er janvier 1804, c'est le premier État issu d'une révolte d'esclaves de l'histoire. Je vais passer un peu sous silence une centaine d'années, 125 ans à peu près. Qu'est-ce que c'est finalement 125 Non, mais ans? globalement, la zone est très fragile politiquement, ce qui va laisser place à beaucoup de tentatives d'invasion, notamment une invasion états-unienne qui prendra fin dans les années 30, 1930 du coup. Et en 1957, Papa Doc, qui est donc le surnom de François Duvalier, surnommé comme ça parce qu'il était médecin à la base, devient président et s'autoproclame d'ailleurs président à vie, établissant une dictature basée sur la délation et sur sa milice, qu'on voit dans le film qui s'appelle Les Tontons Macoutes. Il meurt en 71 et nomme son fils, du coup Jean-Claude Duvalier, qu'on appelle aussi Baby Doc, pour une simple raison. Il devient donc président à vie et donc héritier de son père, mais c'est le plus jeune président de l'histoire encore à l'heure actuelle, je crois, puisqu'il devient président à seulement 19 ans. Tu as donc la maturité pour devenir président à 19 ans, Paraît-il. paraît-il. Jean-Claude Duvalier, lui, est responsable, donc, est ouvertement nommé dans le film, si je dis pas de bêtises, et il est responsable d'énormément de tueries, notamment de ses opposants lors des manifestations. C'est à peu près 50 000 Haïtiens tués juste par la répression des manifs sur les 3 années qui précèdent la fin de son règne. On peut parler de règne à ce moment-là, très clairement. Puis c'est la violence des répressions, enfin la violence légitime des répressions, enfin, pas des répressions justement, des oppositions à son régime qui feront qu'il sera forcé de s'exiler en France en 87. Le film sort en 88, le film se déroule en 85, le contexte est donc bouillant à ce moment-là en Haïti. Mais donc, c'est ça qui va aussi compliquer la pré-production du film. Parce qu'en effet, quand Wade Davis vend les droits d'adaptation, on lui promet que pour l'adaptation, il y aura Peter Weir à la réal et Mel Gibson dans le rôle principal. Mel Gibson dans ce type de rôle là, ouf, C'est ça. le film aurait une autre gueule. C'est ça, bah, et ça ne se fera pas probablement aussi parce que le christianisme assez exacerbé de Gibson. Qu'il n'affirmait pas encore à l'époque de trop. Oui, mec, qu'il avait. Oui, qu'il avait déjà. Qui est sûrement pour lui un motif pour refuser ce genre de rôle, Effectivement. a fait que ça ne s'est pas fait. Mais donc, quand les studios proposent à Wade Davis Wes Craven en tant que réalisateur, il a peur que le vaudou ne soit que la toile de fond et juste un prétexte à l'horreur. Et il ne veut pas d'un Freddy vaudou. Il veut que son film serve à montrer le vaudou dans toute sa complexité, que ce soit maléfique entre guillemets comme bénéfique, c'est-à-dire que le vaudou dans sa tradition peut servir certes à maudire, mais aussi à protéger, à guérir, à soigner, il y a énormément d'aspects. Et donc pour le rassurer, Craven va énormément s'impliquer sur la préparation. Il va aller lui-même en Haïti pour assister à des festivals et à des rituels, ce qui d'ailleurs causera une bonne confiance entre les locaux et Wes Craven. Des chamans locaux d'ailleurs donneront leur bénédiction pour le tournage, leur aval pour que ça se fasse et aussi vont bah, protéger, du coup, grâce au vaudou, en fait, le tournage. Ce qui, alors, ne se verra pas forcément au moment du tournage, puisque beaucoup de membres tombent malades pendant le tournage. C'est-à-dire que, il y a un aspect qui n'avait pas été forcément pris en compte, étant donné que c'est le premier film états-unien tourné en Haïti, c'est l'intoxication alimentaire, notamment due bah, déjà à la nourriture et à l'eau. Parce que bah forcément dans un pays aussi pauvre, les conditions ne sont pas forcément les mêmes, et quand tu n'es pas préparé, quand tu ne sais pas à quoi t'attendre, tu peux plus facilement changer de tes habitudes, pour dire le moins. Mais donc, de quoi ça parle l'Emprise des Ténèbres? Parce que c'est vrai que je vous monologue depuis tout à l'heure, Non, mais mais. de façon éminemment intéressante, puisque ça permet de poser effectivement le contexte ô combien trouble dans lequel le film se déroule et qui n'est pas juste une toile de fond, mais qui devient véritablement une matrice narrative et thématique autour de laquelle tout le récit, tout le film va s'articuler. C'est ça, parce que pour le coup, c'est le film de Craven le plus ancré dans un contexte bah, concret et tangible, quoi. Et surtout très frais dans l'époque. On parlera d'un film de Craven plus social, enfin, social un peu plus tard, mais qui est. Celui-ci est de loin le plus ancré dans une réalité qu'on connaît, qu'on peut appréhender, et qu'au-delà de pouvoir appréhender, qui est qui est lié à des faits réels, à des noms réels, à des éléments réels. Il a très peu de films comme ça. On peut évoquer Red Eye plus tard, mais Red Eye est basé, et on dirait, dans une vague liée à un post 11 septembre, mais c'est très rapidement évoqué, c'est jamais nommé frontalement. Là où ici, bah, comme tu as dit, il y a des noms et des éléments historiques réels qui sont mis dans la narration du film. C'est ça. Mais donc, on va suivre un anthropologue joué par Bill Pullman qui va se rendre en Haïti au nom d'une entreprise pharmaceutique qui lui envoie en raison des rumeurs qu'il aurait entendues sur une drogue qui permettrait de changer les gens en zombies. Voilà, c'est un film qui va être très clairement sur le mythe du zombie haïtien, le mythe à l'origine, bah, du zombie tel qu'on le connaît, du moins tel qu'on l'a connu jusqu'aux années 60 avant que Romero révolutionne le genre, le réinvente en tout cas. Mais il va s'y rendre pour étudier ça parce que cette drogue, si elle existe, serait énormément bénéfique dans la médecine, notamment du point de vue de l'anesthésie. Mais sur place, il va être confronté à, bah, entre autres des chamans, mais aussi à des tensions politiques et un complot qui témoigne, bah, justement de ce contexte politique extrêmement marqué dans le film. Mais donc, pour ce film, Craven a fait appel à un casting, ma foi, assez chatoyant. On retrouve, bah, dans le rôle principal Bill Pullman. Qui a une petite carrière, qui a juste tourné dans Lost Highway de David Lynch, qui a tourné dans l'excellent remake de The Grudge de Shimizu, Oui, dans Independence Day. Independence Day, et qui a aussi dans Independence Day 2, mais c'est autre Oui, chose. dans Casper et dans La folle histoire de l'espace de Mel Brooks, qui verra d'ailleurs bientôt sa suite, qui est prévue normalement pour l'année prochaine, avec bah, du coup Bill Pullman qui reprend son rôle et aussi son fils Lewis Pullman, qui jouera, j'imagine, son fils. Je peux citer qu'il a joué dans deux films que j'aime vraiment beaucoup, je viens de le voir, enfin deux et demi. Il a joué dans The Killer Inside Me de Michael Winterbottom, que j'aime énormément. Il a joué dans Lake Placid, que j'aime vraiment beaucoup. Et il a également joué dans Last Seduction de John Dahl, que je trouve super. Et il a aussi joué dans American Ultra, que tu aimes bien. Oui. Et un autre film que tu aimes beaucoup, Scary Movie 4. Non, c'est non. C'est non, c'est non, c'est non. C'est grand film, n'est-ce pas? Grand film, En fait, c'est. il y a une règle simple, il ne faut pas donner de parodie à David Zucker seul. Ok, exception faite peut-être du premier Asylum Flic, où il est Mais seul à la réal, mais il n'est pas seul au je scénario. vous assure, allez juste voir l'affiche de Scary Movie 4, elle est terrifiante, mais c'est. Mais en fait, le CV de David Zucker, c'est un mec qui a tutoyé des sommets avec Top Secret, avec Y a-t-il un pilote dans l'avion et le premier Y a-t-il un flic. Autant c'est un mec qui, après, a lentement chuté, en témoignent les deux suites de Y a-t-il un flic. Oui, les deux suites de Y a-t-il un flic, il a réalisé le 2, pas le 3. Mais après, c'est quand même Scary Movie 3 et 4, et je crois qu'il est pas crédité, mais qu'il est plus ou moins co-réalisateur sur le 5, qui est une tannée, foncièrement. C'est Big Fat Important Movie qui s'appelle An American Carol. American Carol, le film complètement raciste avec Kevin Sorbo. Bah, globalement, c'est un film. Sur le gars qui avec les pères fondateurs qui vont lui faire arrête, les États-Unis, c'est cool. C'est ça, en fait, c'est un chant de Noël de Dickens, donc Scrooge, quoi. Mais avec à la place de Scrooge, Michael Moore. Où Que globalement, peut-il c'est. mal se passer? Et où les esprits des Noëls passés sont en fait les esprits de l'Amérique passée, présente et future, quoi. Qui vont lui dire, ouais, tu détestes l'Amérique, mais en fait, l'Amérique, c'est cool. L'Amérique, c'est cool, mec. Après Scary Movie 4, il faut le dire, il y a une chose de bien dedans. C'est que derrière Scary Movie 4, au scénario, il y a un gars qui s'appelle Craig Mazin. Craig Mazin, si tu ne vois pas qui c'est, il a écrit des merdes. Hein. Il a écrit Scary Movie 3, Scary Movie 4, Super Hero Movie. Il C'est a fait pas tout ça. si mal. Dans Chef, chef. son genre, c'est pas si mal, Super Hero Movie. Oui, dans le genre de la parodie de merde, du coup, ouais. Il a aussi écrit Hangover 2 et 3, donc bon, déjà le moment où ça partait en couille, mais c'est juste le mec qui a. Alors je crois qu'il a réalisé, mais il a showrunné et écrit la série Tchernobyl. Ok. Donc comme quoi, une rédemption est toujours possible. Oui, bah comme Chazelle qui commence par écrire le banal exorcisme 2. L'exorcisme 2, et qui a aussi écrit une connerie qui s'appelle Grand Piano, Oula. je crois, qui avec Elijah Wood qui doit jouer sur un piano, sinon il se fait tuer. Ouais, Damien Chazelle, il l'a pas démarré que bien. Mais Mais donc, donc. pour embrayer sur le casting de l'Emprise des Ténèbres, le rôle féminin principal est tenu par Katie Tyson, qui a pas grand-chose d'autre à son actif, à ce que je vois. Mais on a aussi Zake Smokai, pardon, qui a joué dans Un vampire à Brooklyn de Craven, dans Roar et dans Waterworld. Roar, donc le film avec les animaux en vrai. Oui, qui a causé beaucoup de blessures Qui a et quelques morts, je pense, surtout au joué tournage. dans Dust Devil de Richard Stanley. Incroyable film. Bah, Richard Stanley, bon, qui aujourd'hui est cancel pour des raisons tout à fait valables de lui a tapé sa femme. Ah bah, ne faites pas ça. Non, mais qui au moment dans les années 90, on va dire, avait ce côté un peu punk, un peu audacieux, qui donnait envie d'en voir plus. Il avait notamment réalisé Hardware, qui était vachement bien. C'est une espèce de Terminator, mais dans un seul appartement, avec un robot hyper classe. Il avait réalisé Dust Devil, qui était beaucoup plus ésotérique, hein, très, très. En fait, faut imaginer The Fall, mais moins excentrique, on va dire. Alors, grosse caricature. Il a aussi joué dans Waterworld. Ouais. On a Paul Greenfield qui, je crois, a été nommé aux Oscars, si je dis pas de bêtises, mais qui a joué dans Terminator, Mars Attacks, Cliffhanger, Star Trek 2, Présumé Innocent et Dressé pour Tuer, entre autres. Bon CV. Et enfin Michael Goff, qui joue le patron de la société pharmaceutique qui emploie Bill Pullman, qui est, bah, Omega Hasard, le Alfred dans les Batman de Burton et Schumacher. Rien que ça, mais qui a aussi joué dans le premier Dracula avec Christopher Lee, Merci, dans Tête merci. Secrète, dans Les Noces Funèbres, dans Les Pays des Merveilles de Burton, Dans Sleepy Hollow dans aussi. Sleepy Hollow. Bref. Un bon CV. Mais donc, qu'est-ce qu'on pense de l'Emprise des Ténèbres? Alors, en ce qui me concerne, déjà, moi, je vais tout de suite outer un truc qui va être une des constantes dans la filmographie de Wes Craven, c'est que c'est quand même, c'est un réal qui sait ce qu'il fait et qui a un vrai savoir-faire derrière la caméra. Alors, on sait que c'est souvent facile de taper sur Wes Craven parce que c'est quelqu'un qui a une mise en scène qui est finalement très discrète. Il va vraiment être dans une forme d'illustration extrêmement bien faite, extrêmement pertinente, plus que dans une vraie démonstration technique. C'est très compliqué de dire, ah, mais il a fait ce fameux plan séquence. Non, parce que très globalement, là, quand on dit Wes Craven, alors, en ce qui me concerne, mais d'une façon plus générale, la seule scène où les gens peuvent la dire en mode ça c'est mis en scène et tout, c'est la scène d'intro de Scream, alors qui est exceptionnelle évidemment, mais qui en tout cas dans ses artifices de mise en scène est finalement assez discrète dans ce qu'elle fait. Et surtout il y a un défaut qui enfin, il a un problème qui a été qui a suivi un peu toute sa carrière, qui est globalement ses films sont pas très beaux. Il a pas fait de film où on peut se dire waouh, à Ouais. deux exceptions près. Deux et demi. Donc ça va être Cœur, c'était la musique de mon cœur. Pas du tout. Ça va être donc le Freddy, donc le Freddy premier du nom, notamment sur les séquences de rêve. Et on va retrouver cette logique sur la dernière partie de Freddy 7, peut-être que nous en parlerons dans cet épisode, qui sait. Et l'Emprise des Ténèbres, qui, sans être non plus un festival chatoyant de couleurs, témoigne d'une vraie capacité à créer des images, à créer des moments d'angoisse et des moments d'horreur extrêmement puissants, extrêmement forts. Je peux penser à cette image de la mariée au serpent, je peux penser à cette image du bateau enflammé au milieu de l'eau, qui sont quand même on va dire des illustrations horrifiques que je trouve particulièrement efficaces. Et il a plusieurs fois des scènes et des moments où, par sa simple caméra, il arrive à créer non seulement une tension, mais un sens de l'intrigue, un sens du mystère que je trouve vraiment très réussi. Je peux penser à toute l'intro, notamment quand le personnage de Bill Pullman va se retrouver face à l'espèce de gourou vaudou bizarre avant de se faire bouffer par le sol. Je sais pas comment résumer ça autrement. Oui. À cette séquence de repas qu'il a avec son boss et la femme de son boss, où tu sais pas si ça part en couille ou pas, tu sais pas s'il le rêve ou pas, il a une façon de jouer sur ces est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est vaudou, est-ce que c'est juste lui qui hallucine. À chaque fois, il est sur cette corde-là, et pour moi, il y a un élément que tu as mentionné qui est ô combien intéressant, comme tout ce que tu peux dire évidemment, mais qui, je pense, illustre parfaitement le film, c'est qu'effectivement, la culture vaudou, bah, je faisais la remarque juste avant, hors caméra, hors micro, enfin bref, un jour peut-être. Ce qui était que des films vaudous, en tout cas qui sont baignés dans cette culture-là, ben il n'y en a pas tant que ça, et les trois seuls, en tout cas que personnellement j'ai en tête, sont des films américains. Donc je pensais à Skeleton Key de Ian Softley, Angel Heart de Alan Parker, et Serpent and the Red Blood de Wes Craven. Alors non pas que les trois films soient aussi réussis les uns Il que y a les autres. aussi White Zombie Hein. White Zombie de Bob Clarke, avec effectivement. Bella Lugosi. Non, tu confonds avec Le Mort-Vivant de Bob Le Clark. mort-vivant de. Oui, pardon, Alors, pardon, pardon. celui-là, je sais pas si c'est vaudou pour le coup, mais White Zombie Non, avec Bella Lugosi, pardon, c'est moi qui confondais, oui. lui aussi traite de vaudou, il me semble. Oui, mais sans être aussi baigné dedans, en Oui. fait. Parce que là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que le vaudou, c'est pas juste un dispositif horrifique qui va ramener à Greu-Greu les zombies bizarres et les mecs déguisés en tête de mort. Ça, bah, sachant que la même année sort le premier Chucky d'ailleurs. Bah, voilà, exactement. Ah oui, bah, un peu opposé, quoi. Non, là, pour le coup, c'est vraiment, bah, comme je disais, une matrice d'un récit qui va mêler enquête dans sa première partie, politique en sous-texte sur l'ensemble du récit, rythme mystique, horreur beaucoup plus réaliste, et justement sur cette horreur-là. C'est un film qui est très particulier à classer et à aborder parce que bah c'est pas vraiment un film d'horreur fantastique, c'est pas vraiment un film de zombies, c'est pas vraiment un film d'horreur, on va dire, documentaire sur l'approche qu'il peut avoir. C'est un mélange hybride très particulier entre un contexte sociopolitique que tu nous as détaillé, à savoir Haïti sous la dictature, qui est pas un contexte, en tout cas que nous, Français, Européens, a fortiori, avons l'habitude de fréquenter, avec bah, évidemment les croyances vaudoues qui vont être les éléments narratifs principaux qui vont revenir afin de faire avancer le récit des personnages, notamment autour de cette fameuse poudre qui pourrait réveiller les morts. Une enquête un peu à vocation anthropologique de la part du personnage. C'est un film qui va mélanger beaucoup de choses, qui est très particulier à classer, c'est-à-dire que est-ce que c'est un film d'horreur? Je ne pense pas vraiment, il y a effectivement des imageries horrifiques très puissantes dedans, mais j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un film fantastique de façon plus générale, plus qu'un film d'horreur à proprement parler, parce que l'horreur dans le film, c'est plus dans son dernier tiers, que je... Pas que, parce que t'as pas mal de scènes de cauchemar tout du Oui, long. il y a des séquences par instant, mais on va dire que le concentré horrifique arrive à la fin. Et je trouve que mais c'est un film que je trouve extrêmement réussi, mais notamment par sa façon de jongler un peu, non seulement entre les genres, mais aussi entre les ambiances et les esthétiques, pour donner un résultat qui est non seulement unique, mais aussi très honorable de la part de Wes Craven, puisqu'il a réussi, je trouve, à non pas s'emparer de cette culture, mais en tout cas à en parler, à la retranscrire de façon respectueuse et donc très très intrigante, on va dire, pour nos publics, puisque c'est un film qui, ne serait-ce que par son simple cadre, donne envie de s'y plonger, donne envie de s'y aventurer. J'ai déjà plusieurs fois évoqué l'idée d'utiliser des imageries qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir. On en avait parlé sur Frank Elda dans notre tout dernier épisode. Oui. C'est bien Frank Elda le titre. Ouais. Je suis Frank Elda. Je suis Frank Elda, exactement. Et bien là, c'est exactement la même logique de tu peux me raconter une histoire que j'ai déjà vue. Alors, c'est pas le cas ici, mais c'est pour illustrer mes propos. Si c'est une histoire que j'ai déjà vue, mais qu'elle amène des monstres, des musiques, des images, des paysages, des couleurs que je n'ai jamais vues avant, en tout cas, je n'ai jamais vu utiliser de cette façon-là, et bien ton histoire m'intéressera de toute façon. Non seulement il le fait, mais en plus, il le fait avec une histoire que je n'ai jamais vue avant. C'est donc un excellent film, et peut-être un de ses meilleurs. Et bah, excellemment bien dit, évidemment. Bah, je vais aussi souligner quelques aspects du film, notamment le fait que pendant quasiment tout le long, on te maintienne un flou pour la frontière entre le fantastique et le rationnel. C'est-à-dire que les séquences flippantes, les séquences d'horreur sont quasiment toutes des cauchemars. Donc on nous entretient encore une fois ce flou, cet inconnu, mais aussi cette limite entre magie noire ou médecine inconnue, encore une fois. Ce côté, est-ce que cette drogue est magique? Est-ce que cette drogue est juste une substance concrète, chimique, mais juste qu'on ne connaît pas? Il y a ça. Il y a, alors évidemment, t'en parlais, mais la direction artistique du film, parce que tu parlais de la photo, mais que ce soit les décors, que ce soit les maquillages, les costumes, enfin, tout est au cordeau dans le film. Le mec avec son maquillage de squelette sur le corps. Le seul défaut, justement, c'est que j'aurais aimé une photo un peu plus chatoyante pour pouvoir plus les mettre en valeur. C'est vraiment la seule remarque que j'ai sur l'aspect purement esthétique du film. Ouais, mais est-ce que le chatoyant entrerait pas à ce moment-là en dissonance avec la pauvreté ambiante? Bah, je pense pas forcément, parce que je pense que le chatoyant, alors chatoyant est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, une photo un peu plus contrastée, plutôt que cette espèce d'ambiance terne tout du long que je trouve finalement un peu dommage, parce que je vois le faste et la beauté de ces décors-là, et surtout la richesse visuelle que le film peut proposer, mais je trouve juste qu'elle n'est pas suffisamment mise en valeur. C'est vraiment le seul truc que j'ai. Après, pour le coup, si je prends le chef opérateur, c'est John Lindley, justement, j'étais sur sa fiche. C'est pas quelqu'un qui a fait beaucoup de choses passionnantes. Il a fait The Core, éventuellement. Il a fait The Good Son, ce film d'horreur avec Macaulay Culkin, qui était pas hyper bien. Il a fait The Stepfather, sorti en 87, qui était pas honteux, mais bon, voilà. Moi, ce que je retiendrai de lui, éventuellement, c'est Légion, qui est un film complètement con avec des anges. Et Pleasantville? Pleasantville, j'ai pas vu. J'ai Ok. pas vu Pleasantville. Mais c'est juste, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de. Qu'il y ait un peu plus de bonbons pour les yeux. Et très rapidement, sur la fiche technique également, parce que je viens de le voir, en réalisateur de seconde équipe, on peut voir Rob Cohen qui est. Bah, qui est un homme qu'on peut qualifier de bon goût, puisqu'il a, au hasard, il a fait La Momie, il a fait Furtif, Fast and il a Furious. fait Fast and Furious 1, enfin, La Momie, pardon, il a fait La Momie 3, voilà. Il a fait Triple X 1, il a fait Cœur de Dragon, il a fait Hurricane Heist, ce truc complètement con avec des gars qui, au milieu d'une tornade, se jettent des enjoliveurs à la gueule, et du coup, avec la tornade, l'enjoliveur accélère et va exploser sur le camion d'en face. Hein, c'est un réalisateur fin. Enfin, et puis, il a tué la franchise La Momie, juste pour ça, j'ai le droit de lui en vouloir. Mais non, Tom Cruise l'a ressuscité. Non, non, non, non, non, non, non. Oh, non, non, j'ai même pas envie d'y repenser. Mais pour le coup, je trouve que vraiment toute la DA du film, enfin, c'est un peu con à dire pour un film, mais c'est le film le plus palpable que j'ai pu voir de Craven. C'est-à-dire, j'ai l'impression de pouvoir toucher la poussière, Ah, c'est un de pouvoir toucher ces espèces de mausolées, cette crypte. Non, je vois un peu, il a un côté très tangible dans son approche de l'horreur, avec en plus cette espèce de plongée dans un univers inconnu, mais pas irréel. C'est-à-dire que, bah, on sait on peut tout à fait concevoir que ce soit un univers des croyances et des visions qui soient réelles, et juste dans lesquelles qu'il va légèrement pervertir, twister, amener vers un ailleurs. C'est quelque chose qui, je pense, participe à cette idée de film très tangible, très concevable, on va dire, dans son dispositif horrifique, d'autant plus que c'est un film qui n'a pas de boogeyman. En fait, Wes Craven, de façon plus ou moins littérale, a quasiment, quasiment, parce qu'évidemment il y a toujours des exceptions, mais quasiment toujours mis en scène dans ses approches horrifiques une approche très finalement assez proche du conte. C'est-à-dire que toujours un boogeyman très bien identifié, et généralement en personnage principal, on est plus ou moins proche de l'innocence à peu près totale. On en reparlera sur Freddy 7, mais Exactement. ouais. Et dans l'approche du conte, c'est pour ça que cette idée du boogeyman, bah, on va, je sais pas, à tout hasard, Freddy ou Ghostface, il a juste à son CV peut-être deux des plus grandes icônes du cinéma d'horreur, voire de la pop Il culture. y en a un, c'est la moitié de notre photo. Oui, voilà. Donc c'est quand même un réalisateur extrêmement doué pour, sinon créer des images de cinéma, créer des icônes. Et on peut même citer, bah, je sais pas, dans le sous-sol de la peur, l'espèce de tueur BDSM chelou à la fin, même Red Eye, il y a un peu de ça, bref. Nous évoquerons tous ces films plus tard, je divulgue déjà un peu. Mais ici, c'est un des rares films où il n'en a pas. Et même celui qui pourrait l'être, bah, il n'a pas. À part le. C'est un antagoniste, c'est pas un boogeyman. Il n'a pas de statut de boogeyman Oui. autre que juste le fait qu'il soit méchant. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant de voir cette expérimentation, puisque ça permet de remettre en avant l'idée que ce qui va intéresser Craven dans ce film-là, c'est pas sa logique éternelle, sa logique continue, mais pas inintéressante, de conte de, voilà, le bien contre le mal, etc. Mais cette culture-là qu'il veut d'abord mettre en avant, et comment est-ce que ton antagoniste ne va pas servir ton image de cinéma, mais la culture dont tu parles. Très juste. Mais tu parlais de la capacité du film à créer des images justement qui restent en tête. Et typiquement la scène où Bill Pullman se fait enterrer vivant Ouais, ça, bah, et qui se fait recouvrir de sang. qui est l'affiche? Qui est sur l'affiche, avec en plus cette tagline « Ne m'enterrez pas, je ne suis pas mort Qui est une de ses répliques du coup après qu'il se soit fait droguer. Ou même bah, tout simplement ce plan au tout début où tu vois un mec mourir, se faire enterrer, ». et une fois Et qu'il est enterré, une larme qui pleurer. coule. Ah, mais c'est ça qui est impressionnant chez Craven, c'est que, bah, dans ses nombreuses qualités, on va parler de ça sur chaque film, cette capacité à créer des images d'horreur, peut-être, et en plus, pour moi, participe, enfin, ce qui est un des, pardon, je le reprends, avec en plus cette notion du détail qui va transformer une image finalement basique, en tout cas une image déjà terrible, en image horrifique. Typiquement, un mec qui se fait enterrer vivant, bah, non seulement il se fait enterrer vivant, mais dans du sang. Un gars qui se fait enterrer, bah, c'est pas très joyeux à voir, mais il pleure. Et c'est un petit détail dans l'image, mais qui va te. C'est comme, bah, si je fais la comparaison la plus facile, mais tu prends la scène d'intro de Scream, c'est une fille chez elle qui se fait embêter par un gars au téléphone, pas fou, ah, ben finalement il est peut-être derrière une porte. Et c'est un détail qui d'un coup te fait passer toute la scène, enfin te fait passer par l'image toute la scène dans l'horreur pure, et pour moi c'est une de ses plus grandes qualités, avec une autre que j'évoquerai plus tard. On peut dire que avec l'Empreinte des Ténèbres, Craven, il nous livre, je pense, son film le plus sombre, peut-être, Oui. le plus mystique, ça c'est sûr et certain. Avec, bah, tu parlais de ce mélange des genres, mais où vont vraiment se tutoyer l'enquête, le fantastique, l'horreur, le drame social, le thriller politique. Enfin, il y a vraiment énormément de genres, énormément d'intrigues. C'est peut-être aussi un de ses défauts. Enfin, c'est ce que j'ai vu le plus les gens relever comme défaut, c'est-à-dire ce côté beaucoup trop dense, en fait, sur ces différents styles. Même si on reparlera du mélange des genres chez Craven dans un certain film d'avion, Ah oui, mais ou dans un film juste après, dans pas longtemps, là il arrive. où dans le film d'avion, les genres se succèdent plus que ne fusionnent. Et alors, autre reproche que j'ai vu aussi, alors celle-là, c'est pas de n'importe qui, c'est de la part de Wade Davis, justement, c'est tout le dernier acte. C'est tout le dernier acte où ça va partir bah, en espèce de finale de Freddy, où Oui, on va se servir du vaudou comme d'un espèce de Kamehameha. comme d'une espèce de cheat code de sorcellerie qui fera. Avec des effets spéciaux dégueulasses. Oui, et où on te fait revenir cette espèce d'animal totem de jaguar. Ouais, bon. Alors, c'est pas pire que le jaguar de Joestar, évidemment. C'est vrai que la fin, les effets spéciaux, ça va être une thématique récurrente de l'épisode. Les effets spéciaux numériques, notamment. Ouais. C'est ouais, compliqué, très compliqué. Mais Mais. je sais pas, moi j'aime bien l'imagerie en général. Je suis prêt à fermer les yeux dessus, Bah, j'aime mais bien aussi. effectivement. J'aime bien aussi, mais c'est pas tant les effets spéciaux qui dérangent Wade Davis, c'est plus ce côté que. D'un coup, tout s'accélère et il faut résoudre quoi. D'un coup, tout s'accélère et surtout, en fait, c'est un final beaucoup plus rythmé, beaucoup plus. Grandiloquent peut-être. Grandiloquent et classique dans sa formule. Là où tout le reste du film est beaucoup plus mystique et ésotérique que ça. Effectivement. Et même si Wade Davis est resté en bon terme avec Wes Craven, de ce qu'on sait. Pour le coup, le film dure 1h38, et c'est vrai que sur les dernières 20 minutes à peu près, tu sens que d'un coup c'est bon, allez, là maintenant faut y aller, faut accélérer, faut conclure, on se dépêche, toi t'es mort, toi je t'envoie un jaguar à la gueule. C'est ça. Tout est. En fait, à partir du moment où. Spoiler, où Bill Pullman revient à la vie, entre guillemets. C'est à partir de là où j'ai l'impression que c'est bon, bah maintenant il est zombie, on y va, il est possédé par les pouvoirs et c'est bon, on peut y aller quoi. Ça, bah, surtout, le film a. Alors, c'est un point commun avec le film qu'on traitera juste après, mais a deux fins. C'est-à-dire que le film pourrait s'arrêter au moment où Bill Pullman est dans l'avion avec Salah Drogueux. Il a littéralement rempli l'objectif qu'on lui avait donné au début du film. Après, pour le coup, justement, après ça, il y a quand même la scène du dîner. Qui est Oui. hyper intéressante, mais effectivement, en fait, ce truc de revenir pour un. En fait, quelque part, le deuxième final est tellement éloigné du premier que naturellement, le résultat peut paraître presque hors sujet, en tout cas, trop détonnant par rapport à ce qui avait été posé avant comme élément et surtout comme narration et comme ambiance par le film juste avant. Ouais. Est-ce que tu sais comment s'appelle le film dans d'autres pays? Évidemment, tu m'avais prévenu que tu étais retombé dans cette marotte. Je sais pas, je veux dire le serpent et l'arc-en-ciel. Alors, ça, j'ai zappé tous les Le titres. titre anglais est vraiment cool, Serpent and Oui. Rainbow, qui est basé sur une citation au début du film qu'on vous laissera découvrir évidemment. Mais alors, sache que le film s'appelle La malédiction des morts vivants au Brésil et au Portugal. Oh les mythos, les mythos. Il s'appelle Dans le silence profond de la tombe au Danemark. C'est magnifique. En fait, je peux pas dire que j'aime pas. Il s'appelle Vaudou en Grèce. Il s'appelle Le serpent et la corde en Inde. What? J'ai pas compris. Moi non plus. En plus, c'est Et. étonnant que le film soit sorti en Inde même. Oui, et il s'appelle Traversée de la route yin-yang à Taïwan. Bon, écoute, pourquoi pas? Mais bah, franchement, dans le silence profond de la tombe. Celui-là, j'aime bien. Celui-là, il est magnifique. Et rapidement, avant qu'on. Tu as fini sur le merveilleux L'Emprise des Ténèbres? J'ai fini sur L'Emprise des Ténèbres, ce merveilleux Le film. merveilleux L'Emprise des Ténèbres. Mais justement, avant qu'on parte, je peux juste dire que la musique est très chouette aussi, mais elle est faite par Brad Fiedel, qui a Oui. juste fait Terminator 1, Terminator 2, True Lies, Blue Steel de Catherine Bigelow, et le sacro-saint, merveilleux, incroyable, génial, exceptionnel, Fright Night, premier du nom de Tom Holland, pas l'acteur, l'autre. Un jour, peut-être, nous parlerons de Fright Night, ou de Fright Night 2, suite ô combien mésestimée. Qui vient de sortir en Blu-ray en France. Il est sorti, ça y est? Ouais, Parce que je l'ai vu à la Fnac l'autre jour. ça faisait 15 ans que les droits du film étaient prisonniers, je crois, en Espagne, si je dis pas de bêtises. Alors, pour le coup, ça faisait un moment qu'il y avait un Blu-ray espagnol qui existait avec la VF, Mais c'est pour ceux ça, qui mais veulent. le film n'avait jamais été réédité parce qu'il y a des galères de droits, c'était très très très C'est compliqué. ça. Alors, le film vient de sortir Fright Night 2 vient de sortir dans un Blu-ray collector. On parle bien de Fright Night 2 de Tommy Wallace. Oui. Ok, donc pas la suite nulle qu'il y a eu. Pas la suite du remake, non, non. Oui, voilà. Non, non, vraiment. Eduardo Rodriguez, la suite. Mais donc vraiment, alors, qui est sorti dans une collection Digibook Blu-ray plus DVD, si je Je dis pas de sais ce que je bêtises, vais me prendre, moi. mais qui coûte une trentaine d'euros, il me semble. Si vous n'avez pas le budget, importez la version espagnole, qui pour le coup contient la VF, contient des sous-titres français, si je dis pas de bêtises, mais au moins la VF, c'est sûr. Donc, vous pouvez y aller. Et sur Fright Night 2, si je peux donner un conseil pour le voir, faut pas l'enchaîner après le 1. C'est vrai que le 1 est tellement bien que si tu vois le 2 juste après, tu peux te dire qu'il est moins bien, mais vraiment Fright Night 2, ça déchire. Juste, il faut savoir comment l'aborder. On passe donc au film d'après. On passe donc au film d'après de Wes Craven. C'est ça, et c'est le tien, celui-là. Exactement, alors très rapidement, juste après Serpent and the Rainbow, il a fait un de ses films les plus cultes en 89 qui s'appelle Shocker. Alors. Qui personnellement est un film que je déteste, je trouve ce film. Alors je sais que le film a ses fans, moi c'est un film que je trouve vraiment catastrophique. Il y a une scène dont tout le monde se rappelle, c'est la scène du parc. Ouais. Voilà, parce que en fait c'est l'histoire d'un tueur qui meurt, mais dont l'esprit reste en vie et qui peut changer, passer de corps en corps. C'est ça, et surtout, il est mort de chaise électrique, donc il passe de corps en corps grâce à l'électricité, voilà. Si je ne me Et en fait, sur le papier... Et en VF, c'est Richard Darbois. Oui, et Richard Darbois qui joue un méchant, c'est trop bien. Mais... Bah, c'est trop bien dans Highlander, c'est trop bien... C'est lui dans Highlander aussi ? C'est le méchant de Highlander, J'ai ouais. J'ai jamais vu Highlander en VF. Il faudrait que je fasse ça, il m'a dit que la VF était exceptionnelle. C'est le méchant d'Anastasia, c'est le méchant de... Et donc sur... De Monsieur Jack, bref... Plein de films que j'ai tout le temps vu en VO. Honte à moi. Sauf Jack, j'ai dû voir avec la musique en VF. Bref. Sur Shocker, c'est un film qui est pas très très bien, que moi je trouve assez raté, assez grossier, surtout que c'est un film que je trouve... finalement très chiant, on va dire, dans ce qu'il fait. Bref, après ça, il y a eu Night Visions, qui était en 90, qui est pas dégueulasse, mais... Qui se regarde. C'est ça, mais globalement, c'est un téléfilm sur... c'est pas péjoratif, c'est littéralement un téléfilm, où on va suivre un enquêteur qui menace d'être mis à pied parce qu'il fait de la merde, en gros, et sa seule condition pour qu'il reste, c'est d'être en duo sur une enquête avec une médium, parce que des meurtres ont lieu, et à chaque fois... une partie du corps est impliquée de façon particulière. Après, de façon générale, les téléfilms de Craven, ça a jamais été la partie la plus intéressante de sa carrière. Alors, j'aime plutôt bien l'été de la peur. Ouais, je sais que chacun ses défauts, chacun ses défauts. Et on arrive donc en 91 avec The People Under the Stairs, le sous-sol de la peur. Alors, derrière ce titre ô combien merveilleux se cache un film non pas moins merveilleux. C'est un film qui va mettre en scène donc Brandon Quintin Adams, qui est pas quelqu'un qui a fait beaucoup de choses derrière, mais dans le rôle d'un petit jeune de banlieue, un petit jeune donc un petit jeune noir qui s'appelle Toufou, qui s'appelle le Fool c'est, en c'est, anglais. C'est Fool en VO, c'est Toufou dans la VF. C'est mignon. Et donc qui suite à des problèmes de paiement pour payer son loyer ou pour payer une opération médical pour sa mère, va sur conseil de Ving Rhames, oui. De Ving Rhames, donc alors Ving Rhames bon, qui joue globalement une qui a joué dans à peu près tout, qui joue dans les dernières missions impossibles, qui joue un des oui. collègues de Ethan Hunt, j'ai plus son nom, ah qui a joué dans Pulp Fiction, qui jouait le boxeur si je ne dis pas de bêtises, non qui joue Marcellus Wallace. Pardon, mon dieu, je me perds là-dedans. Qui avait joué dans L'Armée des Morts de Zack Snyder, qui jouait dans Conner avec Nicolas Cage. Voilà. Les ailes de l'enfer. Les ailes de l'enfer. Ça, c'est, Luther, c'est... voilà. Luther Stickel. Dans Mission Impossible, voilà. Et donc, qui va sur les conseils de Ving Rhames et avec lui, s'introduire dans la maison de ses propriétaires pour plus ou moins l'idée de leur dérober de l'argent. Le problème, alors. Il va falloir spoiler à balle sur le film parce que ça va être très compliqué d'en parler. Le problème, c'est que ces deux propriétaires, donc joués par Everett McGill, qu'on a pu voir dans Twin Peaks ou dans Dune, à tout hasard, et Wendy Robbie, qu'on a également pu voir dans Twin Peaks, j'essaie de garder en même temps les notes sous les yeux pour être sûr de ne pas me perdre. Le problème, c'est que ces deux-là sont des psychopathes en puissance et qui vont donc se mettre en tête de tuer, en fait, tout simplement, leurs deux intervenants, avec en plus un petit twist qui arrive dans la cave. Bref, je reste vague pour l'instant. Roman, je peux te laisser divulguer à volonté. Qu'as-tu pensé du sous-sol de la peur ? Alors, bah, c'est le film vraiment où Craven saute à pieds joints dans la critique sociale. C'est-à-dire que il va globalement critiquer à peu près tous les aspects des travers des États-Unis. On peut penser évidemment à la lutte de classe. Et ça, pour le coup, c'est assez évident que le fameux couple... Alors, on spoil, qui c'est ce couple ? Spoilons directement. Spoilons. Alors, on va spoiler tout le film comme des petits chacals. Vraiment, du début à la fin, donc nous invitons à peut-être skipper à la chronique suivante si vous souhaitez le voir pur de toute forme de spoil. Mais donc, le fameux couple sont donc propriétaires de littéralement la moitié du quartier dont ils augmentent les loyers pour s'enrichir au détriment de leurs locataires, évidemment. Ils sont consanguins, voilà, c'est un frère et une sœur. Alors, c'est une façon assez explicite qu'a Craven de montrer cette espèce d'entre-soi de la bourgeoisie et de l'aristocratie qui littéralement se reproduisent entre eux pour garder les richesses. Richesses qui vont s'accumuler de façon indécente dans la cave. C'est genre vraiment l'espèce de tapis de pièces d'or façon Picsou, là. Ouais, ça, de tas d'argent, c'est... Et donc c'est cette incarnation vraiment déviante quoi, du capitalisme est appuyée par la ressemblance physique qu'a ce couple avec Nancy et Ronald Reagan. Ce qui est notamment aussi appuyé par le fait que ils s'appellent entre eux papa et maman. Mommy et daddy. Ouais, comme Ronald Reagan appelait Nancy Mommy. Oh. C'est pas une blague. Yeah. Voilà, donc Ronald Reagan, président des États-Unis dans les années 80. Fasciste. Fasciste et globalement incarnation du soft power comme du. Rambo 2. Bah c'est ça, c'est Rambo 2, c'est Commando, c'est Cobra, c'est cette incarnation de l'Amérique, globalement. Commando, c'est cool, en vrai. Non, mais c'est Oui, mais c'est cette idée de nous les Américains, on va aller te casser la gueule, et si t'es pas content, on t'en met une deuxième, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas Non, non, faux. nous les Américains, hommes blancs, chrétiens, allons te casser la gueule, et si t'es pas content ou que tu ne corresponds pas à ce modèle, on t'en met une autre. C'est précisant. C'est ça, c'est pas pour rien qu'on parle de héros réaganiens pour les films d'action des années 80. C'est typiquement aussi pour ça que Stallone représente dans les Guignols de l'info la caricature des États-Unis, globalement. Mais bah voilà, c'est des stars d'action comme Schwarzy, comme Stallone, comme Chuck Norris. Et si vous avez l'occasion de voir le biopic sur Ronald Reagan avec, comment il s'appelle, le père de... Mon Dieu, de Dennis Quaid, avec Dennis Quaid, ne le voyez pas. Ou alors voyez-le, mais au 45e degré, c'est à se pisser dessus de rire. Vraiment, c'est incroyable. Et évidemment, l'autre critique sociale qui est faite dans le film, c'est le racisme, hein, quoi d'autre? Enfin, ils sont ouvertement racistes, j'allais dire ce couple. On les voit jamais avoir de comportement amoureux ou quoi. Donc, on sait même pas si c'est un couple ou si c'est juste une façade pour. On devine que les deux forment un couple dans leur tête alors qu'ils sont frères et sœurs, surtout à la base. Oui, mais on les voit jamais. En soi, est-ce que c'est pas plus une façade pour garder l'argent entre eux? Ben je sais pas, j'aime l'idée de me dire que les qui sont tellement barrés et tellement juste ailleurs et plus dans notre réalité que effectivement c'est un couple. Oui, c'est ça. Enfin que pour eux ils en sont Mais t'as globalement bah, le N-word qui est dit pas mal de un. fois. Plusieurs fois, Pas mal oui. de fois. Oui, Qui est c'était une autre époque. plus dit par des blancs que par des noirs dans le film. Voilà, bienvenue chez Tarantino aussi. Si. Et oui, globalement, le film va finir, on peut le dire, sur la maison qui explose avec bah, littéralement le symbole de la richesse qui est partagée des plus riches vers les plus pauvres. En l'occurrence, ça passe par la mort des riches. Est-ce que Craven veut nous faire passer un message? Wink, wink. Mais oui, c'est clairement. Le racisme est clairement une des toiles de fond du film, avec bah, au hasard aussi la police, qui ne sert à rien pour les noirs dans le film, puisque bah, les blancs les ont dans la poche. Genre, littéralement, tout fou les appelle pour leur dire, ils ont une fille séquestrée et des gens dans la cave. À Soul, y a rien. On a vu, ils nous ont offert le thé, c'est bon, et des petits gâteaux. Important, des petits gâteaux. Mais, pour l'aspect esthétique surtout, c'est bah, globalement peut-être un des films de Craven où la mise en scène est la plus maîtrisée, je trouve, dans ce côté très labyrinthique de la maison, c'est-à-dire que le spectateur est comme tout fou ou Ving Rhames à un moment du film. Spoiler, il dure pas Il longtemps. dure pas longtemps, ouais. Malheureusement, Il dure malheureusement. pas Parce longtemps, qu'il a mais. vraiment un look de fou en Oui, plus. mais en plus, sa mort. Enfin, c'est une des images les plus marquantes du film, je trouve, son cadavre en train de se faire bouffer par les gens du sous-sol. Qui sont bah, littéralement des espèces de zombies avec le teint blafard, justifié par Craven par le fait que s'ils sont dans la cave, ils voient pas le Il soleil. voit pas le soleil, effectivement. Et littéralement rendu. Enfin, j'allais dire en esclavage, mais plus en otage, disons. Par ce couple absolument déviant. Mais oui, la mise en scène de Craven, du coup, pour cette espèce de côté très labyrinthique de la maison, où on sait jamais sur quoi un couloir va aboutir, parce que on sait pas si il va y avoir une prison au bout de ce couloir, ou s'il va y avoir un trou dans le mur avec une espèce de Pikachu sous cocaïne qui s'appelle Cafard, qui aurait pu être joué par Hilary Swank, d'ailleurs. Oh, ça je peux pas dire que je pouvais que j'aurais pas envie de voir ça parce que le rôle de Roach, enfin Cafard du coup, est Ouais. vraiment très sympa. Moi, il me rappelle beaucoup, bah, visuellement, c'est con, mais cette espèce de. Ouais, de Pikachu aussi qu'on avait dans New York 97. Oui. Alors avec un peu moins de finesse Oui. peut-être. Mais donc, Cafard qui a été puni par le couple parce qu'il a appelé à l'aide à la fenêtre, ce qui lui a valu de se faire couper la langue parce que, comme le veut la famille, comme le veut le dicton, quand on veut pas avoir le problème, surtout quand c'est nous le problème. Les fameux trois singes, see no evil, speak no evil, hear no evil. Voilà, donc tu ne verras pas le mal, tu n'entendras pas le mal et tu ne diras pas le mal. Mais oui, cette maison est une espèce de cauchemar, j'allais dire de cauchemar ambulant, mais non, du coup, de cauchemar immobilier. Mais avec ses dédales, ses passages secrets dans les murs, et surtout ses habitants dans les murs et dans le sous-sol qui sont. La grosse richesse du film, ça et sa variation des tons aussi, notamment le comique, parce que y a quand même quelques moments assez drôles. Je pense au moment où il se débarrasse du chien qui essaye de les grailler par une poignée électrifiée, où le courant passe par la poignée, tout fou, Ving Rhames et le chien. Et le chien. Ou bah, au hasard, quand on découvre le design de Cafard, Perso, la découverte. Il a un côté Peter Pan démoniaque. Mais c'est ça! Ça, c'est ça. Et alors, c'est aussi la critique que j'ai vue. La principale critique que j'ai vue, c'est le film est trop. Le film est quoi? Est trop. Ouais, ça s'entend en même temps, moi, c'est ce qui fait que je prends autant de plaisir dedans. Oui, moi aussi. Mais c'est aussi ce que j'ai vu chez des gens, c'est trop barré, trop exubérant, trop over the top, trop mélange des genres. Bah, on disait que sur l'Emprise des Ténèbres, il y avait une variation, on va dire, pas toujours très fluide des genres. Bah là, ça démarre comme un drame social, ça enchaîne comme un home invasion inversé. Ensuite, Façon ça. de brief. Ouais, exactement. Ensuite, ça va vite fait lorgner du côté du slasher. Alors, sans le côté meurtre, on va dire, mais avec l'idée d'un tueur qui va poursuivre des gens. Pour ensuite revenir vers un film d'horreur à peu près très littéral, on va dire. Notamment sur son dernier acte, voire film d'action. Donc, ouais, on peut dire que c'est un film qui a 45 trucs en un. Hein. C'est une C'est espèce ça. de film hystérique sur ça. Avec. T'as fini sur Le Soldat à peur? Bah, j'ai quelques autres trucs à dire, mais le côté hystérique, et on a aussi, ça j'avais oublié, mais la critique de la religion. C'est-à-dire que littéralement, ils sont croyants, visiblement, ou du moins ils se servent de la religion pour menacer, notamment Alice. Alice, voilà, qui est bah, très littéralement une Alice au Pays des Merveilles qui va découvrir un nouveau monde en passant par un tunnel. Oui, quand, je sais pas si tu te rappelles, mais quand la mère veut punir Alice. Elle veut la foutre Dans un bain dans un bain bouillant, bouillant dans un et bain d'eau bouillante. c'est ça. Et la fille dit non, je veux pas y aller, je vais me brûler tout ça. Et la mère lui dit les flammes de l'enfer sont Le encore film plus de l'enfer, c'est chaudes. encore plus chaud. Voilà. Donc pareil cette religion qui est utilisée alors soit premier degré par les personnages soit comme prétexte. C'est une des raisons qui font que je ne suis pas croyant. Parce que les représentants sont pas toujours des exemples de vertu. Disons ça comme ça. Mais oui, globalement, ça va avec ce côté fourmillage, ce côté bah, globalement très riche. Le film fait quoi? Il fait 1h40 à peu près. Et en 1h40, tu passes par tout ça, et surtout, tu passes, comme L'Emprise des Ténèbres, par une fausse fin, à savoir, le film pourrait se terminer Quand quand... quand Foul arrive à sortir de la maison pour la première fois. C'est ça. Ça pourrait être la fin. Techniquement, tout ce qu'il cherche à faire depuis le début, depuis qu'il est dans cette maison, c'est en sortir. Il a chopé de l'argent en plus, il a chopé de quoi guérir sa mère, mais... Il décide d'y retourner pour finir le travail. Bah, et pour surtout sauver Alice. Alors pour le coup, je te rejoins totalement sur l'usage du conte. Pour moi, c'est un des films les plus littéraux sur l'idée de conte qu'il y a autour de ça, avec en plus cette idée de grand antagoniste complètement ridicule, avec plein de références, que ce soit Alice au Pays des Merveilles ou même un peu à Cendrillon, quand t'as Alice qui se retrouve à devoir nettoyer le sol, qui avec une espèce de sang qui part pas. Enfin, c'est un film qui est très littéral sur ça, mais qui, je trouve, le fait de façon ô combien efficace et ô combien poétique. Vraiment, c'est un. Je trouve qu'il le fait de façon très très très originale, on va dire, parce qu'en plus avec l'idée d'avoir, le conte à la base va servir à vous raconter une sorte de vision morale avec permettant de souligner, on va dire, les différentes zones d'ombre, avec l'idée de y a un méchant, il y a des gentils. Et pour le coup ici, je trouve qu'il arrive à prendre cet archétype-là pour aller un peu plus loin et en poussant une certaine vision afin de réussir à décoder une certaine image de la société qu'il se fait. Mais là où je pense pas forcément qu'il veut parler de domination blanche, etc. Enfin, si, je pense qu'il l'a, mais je pense que ce qui l'intéresse, c'est pas tant l'idée de dire c'est comme ça, que l'idée de montrer que, enfin, presque précurseur, on va dire, d'une certaine façon, mais de montrer à quel point ils sont ridicules et ça ne peut plus durer, ça ne peut plus. C'est Oui. pas un modèle qui est destiné à perdurer, mais parce que, justement, dès le début du film, ils sont montrés comme une espèce de bouffons complètement, complètement débiles, complètement abrutis, que ce soit par leur vision de la religion qui est complètement biaisée, que ce soit par leur argent qui les a tellement pourris qu'ils savent même plus quoi en faire, ils vont l'étaler au sous-sol, enfin, à côté de la chaudière, à côté de la dynamite, voilà. Que ce soit par leurs vêtements, on parle quand même d'un. J'ai jamais vu un costume BDSM aussi ridicule, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, sans déconner. Ah bah, Pulp Fiction. Ouais, non, mais que ce soit 3 ans par. plus tard avec une Grimes. Là, ça se tient. Mais que ce soit par leur comportement complètement débile. Oui. C'est des gens. Wes Craven, je pense, veut montrer que ces gens sont plus des humains. C'est des vestiges d'une époque passée, d'une domination passée, qui ne peut plus perdurer. Quelque part, je les trouve un peu précurseurs de ce que fera Get Out. Avec Oui. cette idée de gens qui vivent sur les lauriers d'une domination passée et arriériste qui ne peut plus perdurer et qui aujourd'hui vivent sur un équilibre qui est de toute façon voué à C'est s'échouer ça. et qui ne peut finir que par leur mort, qui plus est, la mort des gens qu'ils ont opprimés, sur lesquels ils vivent très littéralement, en témoigne ce qui arrive à Momi, qui va finir par se faire, bon, à nouveau spoiler, hein, mais par se faire bouffer par les gens qu'ils ont élevés au sous-sol. Ouais. Et évidemment, ça, c'est basé sur plusieurs éléments, leur maison représente plusieurs éléments de leur passé et ce qui a pu les mener ici, avec typiquement le fait que bah, tous les gamins au sous-sol, c'est bah, des gamins qu'ils ont kidnappés, oui, qu'ils ont transformés à moitié en leurs enfants, mais qui, quand il leur plaisait pas, leur faisaient subir un sévice afin de laisser leur trace sur ces enfants-là, sur cette génération-là, avant de finalement l'enfermer et de littéralement vivre sur eux en les nourrissant avec leur reste. Pour le coup, ça c'est très établi, mais je pense que ce qui intéresse plus Craven, c'est vraiment cette idée, non pas de bah écoutez, on a ce problème, on va le résoudre, mais cette idée de on a ce problème, mais il ne peut pas. Enfin, cette domination qui est un problème ne peut plus durer, ne peut plus tenir. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur des vestiges, elle est basée sur une logique mortifère, elle est basée sur une logique qui n'est vouée qu'à l'échec, parce qu'elle est menée par des gens qui sont tellement pourris par tout ce qu'ils ont fait avant, par tout ce qu'ils ont accumulé, possédé, volé, fait comme crime, fait comme agissement immoral et indigne, que de toute façon, la seule finalité possible, c'est l'explosion, c'est la mort, c'est la finalité, et qui, selon la logique de Craven, qui je trouve être un peu naïve mais ô combien réjouissante, ne peut être qu'au bénéfice des gens qu'ils ont opprimés pendant toutes ces années-là. C'est ça. Bah, ça rejoint un peu, j'y pense là, ce qu'il disait Kassovitz quand il s'exprimait sur les droits tardés qui utilisent le terme de français de souche. Oh putain. Ou de blanc de souche, je sais plus, un truc comme ça. Mais Kassovitz, quand il entendait ça, il s'est mis à rigoler sur le plateau en disant, mais ça n'existe pas, des Français de souche. Enfin, le peu de gens qu'on peut appeler Français de souche, c'est ce qu'on appelle des fins de race. C'est des gens qui sont reproduits entre eux depuis des générations et qui aujourd'hui, enfin, c'est des consanguins, quoi. Cette espèce de mythe du Français de souche, c'est, ouais, c'est, on veut absolument croiser personne d'autre, et c'est au final des gens, bah, très con, quoi. Et un certain rappeur d'extrême droite, très très, enfin, rappeur, beaucoup de guillemets à ce terme, d'extrême droite très très très très con, avait fait une réponse, on va pas dire son nom pour pas lui faire de la pub, mais oui. Un indice, il s'est fait clasher par les gars de son propre camp parce qu'il était trop nul, voilà, pour investir. Et autre élément sur le sous-sol de la peur, je trouve que c'est un des films les plus fun de Craven, c'est-à-dire que, comme, oui, tu l'as dit, ça va prendre cette maison qui ne peut pas exister. Je veux dire, la maison, elle fait quoi? Elle fait 4 km carrés minimum, et elle va il va l'investir, ça devient véritablement bah, le château du comte, où il y a bah, cette entrée dans cette espèce de jardin anciennement morgue, anciennement pompe funèbre, qui n'existe pas. Je veux dire, c'est une maison qui n'a aucune logique réelle, oui, mais qui est juste un pur plaisir visuel, un pur plaisir narratif à suivre ces personnages se perdre dans les dédales, voir comment ils vont utiliser des pièges un peu à droite à gauche, s'en sortir, interagir avec les gens qui sont dans d'autres couloirs. Enfin, c'est bah, d'ailleurs Craven, hier je regardais le documentaire Never Sleep Again. Ouais. Et Street Legacy. C'est ça. Donc documentaire de 4 heures sur la saga Freddy qui revient sur bah, les 8 films sortis à ce moment-là. Donc qui paraît-il est passionnant. Oui, oui, bah pour le coup ça a fait intervenir vraiment tous les metteurs en scène de la saga. Les 8 metteurs en scène qu'on a eu sur la saga Freddy, le remake était en train de sortir à ce moment-là, donc le remake n'est pas traité. Il n'y a pas de remake. Mais donc c'est passionnant d'avoir les avis de Robert Englund, du casting, de Wes Craven, entre autres, de Rachel Talalay, de Bob Shay, de tout ce monde-là qui était là. Et Craven parlait de, pour Freddy 1, il parlait de sa passion pour alors ce qu'on appelle les booby traps en anglais, et qu'en français j'appelle des boomsta traps à cause des Goonies. Voilà. C'est comme ça qu'ils appellent ça dedans. Mais oui, c'est-à-dire que Craven a une passion pour donc les boomsta traps, parce qu'il en utilise dans Le Sol de la Peur, il en utilise dans La Dernière Maison sur la Gauche, il en utilise dans Freddy. Effectivement. Et ouais, mais pour le coup, pour moi, ça rejoint cette idée de conte, mais ça va également se combiner, enfin, c'est l'idée de conte, de naïveté, on va dire plutôt, mais ça va se combiner à ce qui, pour moi, est une de ses plus grandes qualités de metteur en scène, qui est sa gestion de l'espace. Je trouve que c'est un réalisateur qui est extrêmement dur à prendre en termes de pure gestion de l'espace, de en, comment il... En témoigne la scène sur le studio dans Scream 3. Exactement, mais comment est-ce qu'il va agencer ses personnages dans un espace donné? Pour moi, le meilleur film dans ce domaine-là, c'est vraiment Red Eye, qui pendant tout son deuxième acte est un pur exercice stylistique de bah, t'as un espace donné, comment tu vas l'exploiter, comment tu vas placer tes personnages dedans, comment tu vas l'agencer, de façon toujours très discrète, parce que comme je disais, c'est un réalisateur qui est pas très démonstratif, mais je trouve qu'il a une efficacité là-dedans, et un des sommets également, c'est pour moi Freddy 7, la scène de la mort de l'infirmière, que je trouve qui par un simple plan fixe arrive à être mais terrifiant. La mort de la babysitter. La mort de babysitter, pardon, effectivement, mais dans l'hôpital avec le gamin. Ouais. Donc je trouve extrêmement puissant. Et là pour moi c'est un de ces films où il s'amuse le plus avec sa caméra, parce qu'il a littéralement cet espace qu'il peut plier à sa volonté, parce que comme j'ai dit, la maison n'existe pas, il n'y a pas un seul monde où cette architecture tient la route. Mais on s'en fout, c'est un pur décor de cinéma, c'est un pur décor empreint d'une certaine naïveté par rapport au pouvoir de l'image. On pourrait peut-être même y voir cette idée de tu sais que ça n'existe pas, mais pour moi ça existe et je vais te l'amener. C'est peut-être un peu précurseur de son virage méta qui arrive littéralement l'année d'après. Trois ans plus tard. Et donc pour le coup, c'est vraiment un de ces films où il se fait le plus plaisir sur cette idée de décor, de jouer avec son décor, d'interagir avec son décor et surtout de faire interagir les personnages entre eux à travers ce même décor. On peut penser à la mort du chien par exemple. Qu'à se faire planter à travers ça, à tous les pièges utilisés à droite à gauche, à ces escaliers qui se... escaliers, pente, qui changent entre eux, à ces... vraiment c'est hyper fun par ce simple décor là. Après, dernier élément promis, vas-y. Comme je disais précédemment sur L'Emprise des Ténèbres, c'est pas un film très très beau, pour le coup le film est même un peu vraiment très très terne quand même, c'est pour le coup je trouve assez dommage, mais pour compenser, la musique est cool comme d'habitude, et qui est derrière la musique, bah c'est juste Graham Revell. Qui a composé The Crow. Ok. The Crow, The Craft, From Dusk Till Dawn, j'ai sous les yeux à nouveau, hein. From Dusk Till Dawn, Sin City, Basketball Diaries, Bride of Chucky dont on avait parlé, Blow, le fameux film avec Johnny Depp qui a inspiré la pochette de... A7 et de SCH. Voilà. Donc non, pour le coup, là, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Mais le film est pas très très très très beau. Et à nouveau, c'est un peu dommage. La photo, c'est quelqu'un qui s'appelle Sandy Sissel qui a pas fait grand chose. En tout cas, pas fait grand chose qui soit véritablement, qui m'apparaisse comme véritablement mémorable. À part éventuellement un film, La Grande Aventure de Barney le Dinosaure. Si ça peut, donner, s'il y a des fans, des fois que. Si ça peut en satisfaire quelques-uns. Et bah écoute. Alors, T'as des titres alternatifs un peu marrants sur celui-là ? Alors, globalement, la plupart, le c'est... Le sous-sol. La plupart ont maison dans le nom, mais donc t'as... Pour le coup, le titre, juste, le sous-sol de la peur, le titre est incroyable. Oui, mais donc t'as la maison des horreurs au Danemark et en Hongrie, t'as la maison des oubliés en Allemagne. Ah, sympa aussi. T'as la maison hantée mortelle à Hong Kong. Oh. T'as maison noire en Italie. Le titre japonais, je finirai par le titre japonais et mexicain. Okay. Mais en Pologne, il s'appelle Dans l'obscurité sous l'escalier. Au Portugal, c'est Les prisonniers de la cave. C'est La maison aux fantômes affamés à Taïwan. Oh putain, ouais. Aux fantômes au pluriel ou au singulier ? Singulier. La maison du fantôme affamé, pardon. Mais du coup, ça se tient pas. Du coup, ça tient pas du tout. Mais... En plus, y a pas de fantôme. Oui, mais au Mexique, il s'appelle Prisonnier du destin. Ouais. Et au Japon, il s'appelle Il y a quelqu'un à l'intérieur du mur. I am inside your walls. Bah, c'est comme le titre chinois de Sixième Sens, c'est un fantôme. Putain. Précisons aussi, dernier élément, c'est peut-être un des Wes Craven les plus gore, je trouve. Parce qu'il y avait plusieurs images gore. Ouais, notamment Ving Rhames. Ouais, Ving Rhames. Bah, t'as. Je sais plus comment il s'appelle, mais le troisième qui est avec eux dans la maison, qui se fait littéralement bouffer. Ouais, ouais. Donc t'as plus. C'est peut-être un des Wes Craven les plus impressionnants. Et alors. Sachez aussi que le film est tiré d'une histoire vraie. Ah ouais ? Alors, il y avait vraiment des mecs qui bouffaient des gens dans une cave. Non, c'est pas aussi exacerbé, mais en fait, c'est vraiment l'histoire, en 78, de cambrioleurs qui s'introduisent dans une maison pour la voler et qui se rendent compte que les enfants sont séquestrés à la cave. Ah ! Sympa ! Sympa ! Mais donc, c'est un fait réel. Alors, est-ce que tu connais le point commun entre Le sous-sol de la peur et Shining ? Il n'y a pas genre une moquette ou un truc comme ça en double ? Non, non. Alors en fait, dans Twister, la scène où la tornade détruit le drive-in, c'est le film Shining qui passe. Oui. Mais dans l'attraction à Universal Studios... C'est le sous-sol de la peur ? C'est ça. C'est le sous-sol de la peur parce qu'ils n'avaient pas les droits pour l'attraction d'utiliser d'images de Shining. Le sous-sol de la peur étant produit par Universal. Ah, l'anecdote est mignonne en vrai. Ouais. L'anecdote est un peu choupie. Ouais. Et autre anecdote vite fait, donc je t'ai parlé de casting, donc qu'on aurait pu avoir Hilary Swank dans le rôle de cafard, puisque dans le scénario, le genre de cafard n'est jamais précisé. Et pour le coup, je trouve que ça se voit. Il a vite fait un visage masculin, mais quand tu vois, je trouve sa démarche notamment, tu sais pas, mais j'aime aussi cette idée de se dire que bah finalement, on sait pas, et ça peut du coup être n'importe qui. Bah surtout que Hilary Swank s'est fait connaître dans un rôle de transgenre dans Boys Don't Cry. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bah on a aussi Alice, dont la particularité du casting, c'est que son personnage a 12 ans et que l'actrice en avait 17. Elle les fait pas du tout, hein. Elle les fait pas Parce du tout. qu'on dirait vraiment qu'elle a 12 ans, et pourtant je suis le premier à remarquer le truc. Même dans Scream, t'as ce truc de dire, tu veux me faire croire que t'as 20 ans? N'abusons pas. C'est pas 20 ans dans Scream, ils sont au lycée, hein. Tu veux me faire croire que t'as 14 ans? N'abusons pas. Mais c'est pour le coup, ouais, c'est assez impressionnant le personnage. Même le personnage d'Alice, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est aussi un personnage que je trouve très intéressant sur la façon dont, évidemment, voilà, qui va évoluer, femme forte, etc. Mais qui arrive à malgré tout dégager une vraie sensibilité et à être toujours crédible dans ce rôle de victime, mais qui aimerait, mais qui est tout mal. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle est sur une ligne assez précise entre victime qui veut se rebeller, mais qui est terrifiée, mais qui en même temps. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle s'en sort vraiment très très bien. J'adore la scène de rencontre entre Alice et Tofu, où Alice elle voit Tofu et elle est choquée parce que bah, je crois qu'elle du coup c'est dit Un qu'elle a jamais garçon, vu de noir quoi. ouais, visage noir, Et pardon. elle est choquée et Cafard lui dit t'as jamais vu de frère? Et elle dit mais j'ai pas de frère. Et c'est mignon, c'est mignon. C'est Et choupi alors un remake du film est en préparation par Jordan Peele, par ou Jordan qui va Peele. produire le film, je C'est crois. ça, chez Monkey Paw, donc sa boîte de prod, sachant qu'un remake était en préparation depuis la fin des années 2000. Bah, précisons que beaucoup de Wes Craven ont eu des remakes. Alors, À ma connaissance, 4. bah, parfois pour le meilleur, bah, évidemment La Colline à des yeux. À ma connaissance, 3, oui. La Colline à des yeux, Scream, remake, reboot, requel, enfin bref. L'idée, c'était de relancer le bordel. Ouais. Et le fameux abominable Cowboy, pardon, non, le merveilleux, la dernière maison sur la gauche, en tout cas le radical, la dernière maison sur la gauche, et le dégueulasse, ignoble, inexistant, incompréhensible, abominable, Les Griffes de la Nuit, qui est, je pense, un des pires remakes de cette époque-là, avec genre le bal de l'horreur. Mais donc un remake est en préparation à cette époque-là. Mais Craven avait été refroidi par les retours sur le remake de La Dernière Maison sur la Gauche. Oh. Bah, il était sorti en version censurée, ils avaient pas eu le micro-ondes. Mais, on a aussi eu un projet d'adaptation en série pour Le Visuel de la Peur, projet qui a été Quoi? avorté après la mort de Craven. Série? En série. Aucun sens. On passe à la suite? On peut passer à la suite. Et on arrive en 94 avec ce qui est, je pense, le premier film que j'ai pris pour cette sélection, puisqu'il s'agit de Wes Craven's New Nightmare. Alors, Freddy 7, Freddy sort de la nuit. J'ai toujours appelé New Nightmare, personnellement. Pourquoi? Parce que c'est, je pense, l'un des films les plus importants de toute la filmographie de Wes Craven, si ce n'est le plus important, parce qu'il va préfigurer, alors déjà Scream, donc c'est très bien, mais surtout parce qu'il va préfigurer tout le virage plus ou moins méta que prendra la suite de carrière de Wes Craven, à quelques exceptions près, Vampire à Brooklyn ou La musique de mon cœur, évidemment. Le film, malheureusement, existe, pour des raisons qui m'échappent encore. Même, bref, on sait, lui avait envie de le faire, ce n'est pas notre sujet. Freddy 7, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de. Dans notre réalité, en tout cas dans une réalité où tous les films Freddy existent, où Wes Craven existe, où Robert Englund existe, où Heather Langenkamp existe, et surtout où tous ces personnages sont eux-mêmes. C'est-à-dire que Wes Craven joue, Wes Craven, Heather Langenkamp joue, Heather Langenkamp, Robert Englund joue. Joe Star. Non! Et donc dans cette réalité-là, donc tous les films existent, ils ont tous eu leur statut culte, etc., et tout se passe très bien. Mais une entité mystérieuse qui prend l'apparence de Freddy revient et il faut faire un nouveau film afin de pouvoir l'enfermer, afin de pouvoir s'en débarrasser. Alors, très rapidement, c'est un film qui est écrit par Craven, ce que je trouve extrêmement important à signaler puisque, on va le voir, mais dans ce film, c'est littéralement Scream Zero. Toute la cartographie de Scream, pardon, est dans ce film-là. Craven met une différence. Craven a une différence certaine entre Scream et Freddy 7 en ses propres mots. C'est Freddy 7, c'est pour ceux qui font des films d'horreur. Scream, c'est pour ceux qui les regardent. Exactement, d'autant plus qu'il y a également pour moi un élément qui fait une grande nuance entre les deux, c'est que Scream est avant tout, définitivement et pour toujours, un objet pop. Là où Freddy 7, un peu plus... Voilà. Alors, rapidement, au montage, on a Patrick Lussier, éternel collaborateur de Craven, qui, si je n'ai pas dit, se sont rencontrés sur ce film-là, mais qui ensuite a monté Scream 1, Scream 2, Scream 3. Je crois également qu'il a monté Scream 4, mais je ne suis pas sûr. Il a monté H20, il a monté le remake de My Bloody Valentine, qu'il avait également réalisé. Remake que je trouve assez mésestimé, par ailleurs. Exactement. Pour lequel j'ai une petite sympathie. Pardon. My Bloody Valentine 3D. 3D, voilà. Donc, avec la pioche. Il a monté Red Eye, donc c'est quand même quelqu'un de talentueux. Mais à côté de ça, il a quand même réalisé Dracula 2000, Trick, Dracula 2002, donc Ascension, Dracula 2003, Legacy, Drive Angry avec Nicolas Cage, donc Helldriver, film où Nicolas Cage dit « Je ne me reposerai que lorsque je boirai dans le crâne du sang, dans le sang dans le crâne de Jonah Hill », alors pas l'acteur, le personnage. Et effectivement, à la fin, il boit du sang dans le crâne de Jonah Hill. À la photo, on a Mark Irwin. Alors, Mark Irwin, peut-être que ça ne vous dit rien. C'est juste un des chefs-op les plus importants, peut-être, des films des années 80. Donc, La Mouche, c'est lui. Vidéodrome, c'est lui. Scanners, c'est lui. The Brood, le titre français. Chromosome 3. Ouais, Chromosome 3, c'est lui. Dead Zone, c'est lui. Il a beaucoup travaillé avec David Cronenberg. Pour toi, il a fait la photo de Ten Things I Hate About You. Oui! Évidemment. Donc, là, c'est un chef-op important. Il a fait la photo de The Blob aussi, mon dieu, j'oubliais ça. The Blob réalisé par. Chuck Russell. Qui a réalisé. Freddy 3. Voilà. Exactement. Donc, voilà, c'est quelqu'un en tout cas, qui a participé à l'imagerie de ces années-là. Il a aussi fait la photo de Scary Movie 3. On y revient toujours. On y revient toujours, malheureusement. J'aime pas trop l'idée d'avoir Scary Movie 3 ou 4 en fil conducteur. On avait Arabesque à une époque. On avait Arabesque et heureusement, on en est sorti. Heureusement, on en est sorti. Donc, bref. Alors, à la musique, on n'a plus l'incroyable thème de... Charles Bernstein. Ouais, Charles Bernstein, merci. Mais on a J. Peter Robinson, donc, qui n'est pas très marquant. Il a fait éventuellement Le Retour des Morts Vivants 2, donc la musique ne m'a pas spécialement j'ai marqué. Ouais, il a fait Wayne's World, il a fait Cocktail avec Tom Cruise. Bref, pas hyper important. Mais Freddy 7, on va y revenir, c'est un film que je trouve extrêmement fort, extrêmement important, mais je vais tout d'abord outer son plus gros défaut. Il est beaucoup trop long. Il est beaucoup trop long, oui. Il fait 1h52 et Wes Craven est quand même un réalisateur plutôt de l'efficacité, 1h52 c'est trop. Mais bon, pour poser le contexte, alors la saga Freddy c'est quoi? C'est une saga qui a démarré avec un film d'horreur très méchant et très pas drôle surtout. À nouveau on le rappelle parce qu'on a cette image de Freddy un peu bouffon, un peu sympa et on est les premiers à adorer ça, mais dans le premier Freddy fait peur, en tout cas Freddy met mal à l'aise, ne serait-ce que par son simple concept de bah tu dors, je te tue. Ça, bah, c'est le sempiternel le cas de la saga d'horreur où... l'image du premier film est, pas entachée, mais du moins altérée par les suites, le meilleur exemple étant Saw, évidemment. Saw ou Halloween aussi, plus récemment, même si Halloween a su garder à peu près une consistance, mais on oublie souvent, on se dit souvent, Halloween, ah, c'est des meurtres partout, ah, vous voyez le premier, pas très gore. Hein. Cinq. Comment? Cinq, en tout. Cinq meurtres, dont un hors-champ. Oui, pardon, je comprenais pas, effectivement. Bah, 5 meurtres, dont un hors-champ, et je crois qu'en termes de gouttes de sang, ça doit se compter en shot. C'est ça. Il y a un shot de sang dans le film. C'est ça. un tube à essai, je pense qu'on est bon. Et donc, ensuite, il y avait eu Freddy 2, film compliqué que personnellement, je n'aime pas beaucoup, même si c'est un film qui est très important, notamment pour la communauté LGBTQIA+. Mais selon les aveux des équipes derrière, pour le coup, ils estiment que le film, notamment sa fin... Et raté. Comment s'appelle le réalisateur déjà? Celui qui a fait Jack Sholder. Jack Sholder. Qui avait fait Eden, le merveilleux Eden. Voilà, si vous avez l'occasion de voir Eden, foncez. Mais à partir de Freddy 3, donc réalisé par Chuck Russell. Il y a aussi un documentaire sur Freddy 2. I am Nancy? Non, alors I am Nancy, c'est sur. C'est Scream Queen, le nom du réalisateur. C'est ça, sur l'acteur. Sur la carrière de l'acteur principal, donc Scream Queen avec une virgule, donc cri reine, en gros, parce que en référence à l'insulte homophobe. Voilà. Mais voilà. Donc on a eu ensuite Freddy 3, peut-être un des meilleurs de la saga, si ce n'est, j'allais dire le meilleur, mais non, parce que j'aime vraiment beaucoup le premier. C'est le préféré des fans de l'aveu de Robert Englund quand il va en convention, c'est celui dont tout le monde lui parle. C'est celui qui cristallise cette idée du Freddy ultra fun, donc qui est réalisé par Chuck Russell. Alors Chuck Russell, The Mask, voilà. Bah, en gros, The Mask, horreur, c'est Freddy. Freddy 3. Ensuite, Freddy 4, peut-être un de mes préférés personnellement, qui est réalisé par Rennie Harlin, réalisateur qui... Je crois qu'on n'a jamais parlé de lui dans le podcast, mais qui a fait plein de films trop bien. Je sais qu'on n'est pas forcément d'accord sur Peur Bleue, mais The Long Kiss Goodnight. Je trouve ça sympa, Peur Bleue. Ouais. Je trouve ça pas exceptionnel. Quoi. Cliffhanger, c'est trop bien. Il a fait Die Hard 2 aussi, c'est vachement bien. Il a fait un gunfight sous l'eau dans je dirais pas quel film, mais c'est Freddy avec des guns. Enfin, Scream avec des guns. On vous laissera aller voir, c'est vraiment très sympa, mais qui récemment s'est un peu cassé la gueule, alors façon très polie de le dire, parce qu'il s'est quand même rendu coupable, et je choisis mes mots avec parcimonie, de The Strangers chapitre 1 et The Strangers, chapitre 2, que tu es allé t'infliger avec beaucoup de courage et de vaillance. C'est ça. C'était bien. Pour vous synthétiser le film, Les Intrus, chapitre 2, c'est un slasher où ils sont littéralement trois à chasser la même meuf et où le moment où l'héroïne est le plus mise à mal, c'est par un sanglier. Voilà, voilà. Mais donc Freddy 4, mais qui était vraiment très chouette. Ensuite, il y a eu Freddy 5, réalisé par Stephen Hopkins, à qui on doit Predator 2. Voilà, tout simplement. Alors que moi, j'aime toujours beaucoup Freddy 5, que je trouve avec la moto. La scène de la moto, simple, pendant 5 minutes. Si vous avez toujours rêvé de voir Freddy et Akira, c'est là. C'est dans ce film. Et ensuite, Freddy 6, réalisé par Rachel Talalay. Alors, Rachel Talalay, c'est... C'est une des productrices de la saga. Ouais, c'est une des productrices de la saga. C'est très compliqué. Elle a fait Tank Girl. Elle fait Tank Girl. C'est très très compliqué. Alors moi j'aime beaucoup le film, mais je peux pas dire que c'est un très bon film. Voilà. C'est... Pour en dire le moins, oui. je trouve que c'est... C'est un film qu'on pourra qualifier de grossier. C'est ça. Voire de grotesque, mais pas dans le sens cool, quoi. C'est ça. Pourquoi Freddy est méchant? Il a vu son père joué par Alice Cooper tuer sa mère sous ses yeux. Ouais, mais il y a Alice Cooper dans le film. Bah, c'est ça, c'est cool, ça. Et du coup, t'as Alice Cooper dans Never Sleep Again. Oh, bah, je raison plus. Faut que je vois ce devant. T'as Bruce Dickinson, chanteur d'Iron Maiden, parce qu'il fait des musiques pour un des Freddy. C'est le mec qui fait la musique pour Dream Warrior? Pour, non, Bring Your Daughter to the Slaughter. Pour le 4 ou le 5, je crois. Je crois pas, mais du coup, non, t'as le groupe qui a fait Dream Warrior. La musique pour Dream Warrior. Écoute, stylé, stylé. Et donc, après ça, Freddy, donc il y a eu le très mésestimé Freddy contre Jason. Je crois qu'on en a parlé, je ne suis pas sûr. On a dû l'aborder. On a forcément parlé. Quand on a parlé de Chucky. On a parlé de Chucky 4, il me semble. Donc ouais, on a dû parler de Ronnie à ce moment-là. Ouais. Peut-être un épisode un jour crossover, même si je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Enfin, pas Sadako Kayako, peut-être. Bref. Et ensuite, il y a eu le terrible, abominable, infâme remake que je déteste. Tu sais que tu l'as revu pour l'épisode. Bah, c'est pas bien. C'est vraiment. Éventuellement, il est un peu beau. Oui, il y a quelques images. Quelques images parce que c'est fait par un clipper à la base, donc tout naturellement. Mais d'ailleurs, il a fait que ça, c'est le seul film qu'il a réalisé. Et je crois qu'il a réalisé. Comment il s'appelait déjà? Samuel quelque chose? Un truc comme ça. Mais c'est le seul film qu'il a réalisé. Samuel Bayer. Qui, si je ne dis pas de bêtises, a réalisé le clip de Smells Like Teen Spirit. Je crois aussi, et il a bossé pour Madonna, pour... Mais c'est vraiment le remake est une daube infâme. Mais donc, pour en revenir au Freddy 7, en fait, Craven n'aimait pas beaucoup la tournure qu'a pris Freddy, parce qu'en fait, Freddy, à la base, c'était quelque chose qui était basé sur ses peurs et ses cauchemars, et il n'aimait pas l'idée d'en faire un espèce de clown un peu... trop marrant, lol, je mange ton visage en boulette de viande. Sur une pizza, il n'aimait pas trop l'idée d'en faire ça. Le problème, c'est que Freddy, ça a été un carton monumental. Tous les films, ou quasiment... ont rapporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est la poule aux œufs d'or de la New Line. The house that Freddy's built. Exactement. Et New Line, c'est juste le Seigneur des Anneaux derrière. C'est ça. Et c'est ce dont... c'est un des points sur lesquels ils reviennent dans Never Sleep Again, c'est... Bah, sans Freddy, le Seigneur des Anneaux n'existe pas tel qu'on le connaît. Ouais, et pour le coup, à nouveau, Freddy, alors les années 80, faudrait qu'on se fasse un épisode genre juste full 80s un jour, mais ouais. À nouveau, j'ai peut-être une sorte de rétrospective, faudrait réfléchir à une façon de faire ça, on verra. Ouais. Mais il y a eu une période où il y avait un slasher par semaine qui sortait. Freddy, c'était un film par an. Voilà, c'était un film par an. Vendredi 13 aussi. C'était quand même assez important, et donc Freddy était vraiment devenu une icône, et surtout une icône fun. Et donc en faisant Freddy 7, Craven s'est dit, bah, je vais me réemparer de ça, et il va littéralement tuer la saga, mais de façon extrêmement littérale, personne ne peut se relever d'une pirouette pareille, puisqu'il ramène Freddy à son idée, à son statut de personnage de cinéma qui ne dépasse pas ce stade-là, qui... Et certes, un peu moqué dans le film, mais je trouve malgré tout avec une certaine tendresse, parce qu'effectivement, le film a ce côté un peu moqueur, presque plus taquin que moqueur, tant vis-à-vis des fans de Freddy, tant vis-à-vis du public de cinéma de genre en général, que vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de son bébé. Et je trouve qu'il est finalement presque touchant dans l'approche. Je sens que c'est plus bienveillant que vraiment méchant sur ces sujets-là, parce que je pense que, quand bien même lui-même n'apprécie pas ce qui est devenu, je pense pas qu'il crache sur le chèque à chaque fin d'année. Non, et qui peut l'en blâmer, quelque part. Mais donc, il va se réemparer de ça, et je trouve, par un mouvement que je trouve extrêmement beau, se réapproprier cette icône-là en remettant en avant sa foi dans le pouvoir du cinéma, et en particulier dans le pouvoir du cinéma horrifique, en faisant de son antagoniste quelqu'un qui prend l'apparence de Freddy, qui ne peut être combattu que par le pouvoir d'un film. Une image que je trouve absolument magnifique, et qui en plus ramène à l'une de ses plus belles citations, qui est que les films d'horreur ne créent pas les peurs, ils les guérissent. C'est une phrase que je trouve extrêmement juste, et qui pour moi est totalement illustrée dans Freddy 7. Alors, c'est certes un film un peu bâtard, c'est un film qui est beaucoup trop long pour son propre bien, mais genre vraiment beaucoup trop long, mais qui, plusieurs fois dans ses scènes méta, arrive à toucher du doigt presque une certaine poésie, presque une certaine une vraie tendresse, tant vis-à-vis de la saga que vis-à-vis des personnages, que vis-à-vis des acteurs de cette industrie. Je trouve que c'est un film où il n'y a aucun cynisme, en fait. Je trouve que c'est un film qui, même s'il est taquin, il va jamais se foutre de la gueule de cette image. C'est juste le côté de bah, vous êtes un peu lourd, mais bon, ok. Et en témoigne le fait qu'il ait réussi à ramener tout l'ancien casting, en tout cas le casting original, dedans. Et... Alors, sachant qu'il n'y a pas Johnny Depp, pour une raison très simple, il n'a pas osé lui demander. Ah ouais ? Ouais. Parce que, ouais, mais en 94, Johnny Depp... Ah, il était déjà... 94, c'est déjà Edward, à ce moment-là. Ouais, c'est déjà monstrueux, ouais. Mais il y a un monde où il aurait pu. Oui, et surtout, ils se sont recroisés après, Craven et Depp, et Depp lui a dit « Mais je serais venu avec plaisir ». Ça aurait été, je pense, incroyable. Oui. J'aurais vraiment beaucoup aimé. Et, sur la dernière note que j'ai sur Freddy, avant de te donner la parole, on n'oublie pas la capacité de puissance horrifique de Craven, puisqu'il va peut-être proposer une de ses épilogues les plus incroyables, où littéralement, les personnages vont aller dans le monde de Freddy, en tout cas dans la réalité créée par l'entité qui a pris l'apparence de Freddy. Ouais. Qui est plus ou moins littéralement... Alors, Craven s'est fait aussi une spécialité d'avoir des épilogues où souvent ça pète un câble, hein, on voit ça en général, mais qui est plus ou moins littéralement l'enfer, coloré, bariolé, en vert et rouge, avec un Freddy qui va bouffer un gamin, enfin, qui va vouloir bouffer un gamin, espèce de langue qui s'étend, enfin, ce qui devient vraiment un monstre. C'est cette mâchoire inférieure, voilà. Là. Bah, je te laisserai parler du redesign de Freddy, à noter que, pour moi, ce qui caractérise tout, c'était la toute première affiche du film, où tu vois juste ses yeux. Ou vraiment l'idée de ramener Freddy à son statut de monstre. Et je pense qu'il le fait très très bien. Alors je sais que beaucoup de gens ne sont pas forcément d'accord. Je sais que Craven a regretté ce redesign plus tard. Mais personnellement, je suis très attaché à lui. Roman, Freddy 7. Alors, New Nightmare. Alors, New Nightmare. Donc, t'as parlé un peu de comment Craven s'est dit « Mais qu'est-ce que je fous ?» En fait, quand on lui propose Freddy 7, il se refait toute la saga. Et il se dit « Mais comment je vais réussir à lier tout ça ?» Et la réponse vient automatiquement à Craven, c'est-à-dire ben, je vais en fait faire un film sur qu'est-ce qui se passe sur le tournage d'un Freddy. Et donc, ça va aussi être un film qui te dit que ben, faire un film d'horreur, ça a un impact sur littéralement les gens qui travaillent dessus. Les seules victimes de Freddy, c'est l'actrice, son entourage et les techniciens. Littéralement, alors le film a, et c'est aussi un de ses défauts, surtout avec cette durée, mais c'est un slasher qui a un kill count de 4. Pour moi, c'est même plus un slasher. Pour moi, c'est plus un film d'horreur fantastique qu'un slasher, parce que la seule chose qui reste du slasher, c'est qu'il utilise une icône d'un précédent slasher. Mais après, Kill Count de 4, il y a quand même un meurtre vachement cool. Oui. Le meurtre de la babysitter. Oui, mais du coup, dans ce Kill Count de 4, alors on va dire qu'il meurt. Mais donc, il y a deux techniciens qui meurent, deux techniciens d'effets spéciaux qui meurent dans la scène d'intro, qui est au final un rêve de Heather Langenkamp. Très chouette scène d'intro, par contre. Oui. Vraiment beaucoup. Qui pour moi préfigure Scream 3. Oui. Le fait de littéralement filmer le tournage. Et alors, qui du coup seront pas morts au final, mais seront ensuite morts hors champ. On les voit mourir à l'écran de toute façon, donc ça voilà. Compte. Autre mort, c'est le mari de Heather, qui lui aussi est technicien FX sur ce futur Freddy, justement. Mm-hmm. Et enfin, la dernière mort, c'est la babysitter, qui meurt dans l'hôpital, avec ce plan... Avec ce plan exceptionnel de Freddy, qui littéralement marche sur le plafond pour la tuer. En fait, c'est plus ou moins une redite de la mort de Tina dans ouais. le premier, et qui, je trouve, là où dans le premier Freddy, alors, c'était évidemment déjà terrifiant et ça mettait assez mal à l'aise, là je trouve qu'il le rend deux fois plus mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que c'est à cause et sous les yeux d'un gamin. C'est ça. Et c'est aussi un film qui te dit que, bah, littéralement, bah, c'est un film qui va te manifester dans le vrai monde les pouvoirs de Freddy, c'est-à-dire que un film d'horreur n'a d'impact que si, entre guillemets... les gens manifestent de l'intérêt, donc manifestent de la peur autour de ça, comme Freddy, enfin, du moins pour le public, là où bah, Freddy n'a de pouvoir que si les gens ont peur de lui. Et qu'est-ce qui est le plus facilement effrayable par un film d'horreur ? Un enfant. Exactement, très très belle image. C'est toute la logique du film, pour le coup, et c'est... Pour le coup, tu parlais de cette entité de Freddy, c'est Bah, du coup, un Freddy beaucoup plus sombre, déjà avec cette espèce d'énorme trench coat. Bah, il est plus proche de ce que devait être quasiment son design à la base. Le côté. C'est juste bah, c'est littéralement un grand brûlé pour le coup. Il a vraiment une gueule de monstre en fait. Alors, pour le coup, c'est pas une gueule de grand brûlé, c'est une gueule de décharné. En fait, De décharné. C'est ça, c'est un mec qui n'a plus de peau. C'est ça. C'est un mec qui a les muscles et les os du visage apparent. Avec également le fameux gant. Qui n'est plus un gant, mais qui sont littéralement des griffes qui sortent de sa main, qui font partie intégrante de ce qu'il est. C'est ça. C'est donc le premier film, déjà, où Freddy a 5 griffes et pas 4. Très bien puisqu'il vu. Puisqu'il a aussi une griffe qui lui sort du pouce. Mm-hmm. Et avec cette espèce de main qui mélange vraiment le métallique et l'organique. Enfin, ouais, les os, les cartilages. Il y a une espèce de mélange ultra malsain qui est, je trouve, magnifique. Et en fait, ouais, c'est comme si cette espèce d'entité. L'espèce de proto-Freddy prenait possession des cauchemars de Craven pour exister dans notre monde à travers les films. Exactement. Et c'est. Et en fait, comme si le Freddy des films, le Freddy brûlé, c'était juste une espèce de retranscription de ce que Craven avait pu comprendre de l'entité qu'il avait vue en cauchemar. Enfin, il y a tout ce côté mystique qui est poussé fois 1000 par rapport à la saga de base. Je pense que c'est le film le plus méta de très loin de Wes Craven, Oui. parce que c'est celui qui va non seulement épouser notre réalité, mais qui va amener dans cette réalité l'élément fantastique que lui-même a créé avant. Enfin, il y a plusieurs degrés de lecture et plusieurs degrés d'interprétation, de réception de ce film-là. C'est un film que je trouve vraiment fascinant sur tout cet aspect méta, et je trouve presque l'aspect méta plus intéressant que l'aspect horrifique. Oui, c'est vrai. Et attends, merde, je cherche ma note. Et on en parlait du coup du fait que ce soit plus un slasher, mais oui, c'est clairement la coupure nette de la saga, c'est-à-dire que bah, 4 victimes en tout. Alors, Bah, il s'en relèvera pas, hein, preuve en est. c'est ça. Alors, j'ai cherché pour confirmer un site qui répertorierait le kill count du film. Il le compte à 6 parce qu'il compte Freddy, du coup, qui meurt dedans, Ouais. et il compte le dinosaure, la petite peluche. Il compte la petite peluche du Oh, c'est gamin, mignon. mais qui est en soi. Pour un enfant, son doudou, c'est son protecteur, quoi. Et pour le coup, en plus, j'aime beaucoup la façon dont ce dinosaure, et pareil, le tremblement de terre, vont jouer sur l'idée de. Pareil, réalité, fiction, Freddy, pas Freddy, hasard, avec ces tremblements de terre qui fait 3 trous dans le mur, mais qui sont littéralement des traces de 3 griffes en fait. Pareil pour le gamin qui, quand il se réveille, alors là pour le coup il y a un peu moins de doute, mais hop là! Et d'ailleurs, cette scène-là est tirée, d'après Craven, d'une scène de Répulsion de Polanski où le mur, pareil, se fissure. Alors, j'ai pas vu le film, mais. Alors, je l'ai pas vu depuis quelques années pour des raisons évidentes de son réalisateur, mais j'avoue que ça me saoule. Ah, Ça me saoule oui, pas aux yeux comme ça. je crois qu'il parle de Répulsion. Bah, de toute façon, si c'est Polanski, moi j'ai pas vu les films. Enfin, j'ai pas vu depuis. Ouh! Et la mort de Freddy qui est littéralement la mort de la sorcière d'Hansel et Gretel. Oui, bah, tout l'arc de fin avec le four et tout, enfin, c'est C'est vraiment. ça. Et bah d'ailleurs, c'est l'histoire que raconte Nancy à son fils avant. Bah, non, que raconte du coup Heather à son fils avant de s'endormir. C'est l'histoire de Hansel et Gretel. C'est cette histoire, bah, du coup, d'enfants traqués par une sorcière et qui vont finir par la vaincre en la jetant dans le four, par littéralement la tuer là où elle voulait les tuer. Et c'est assez. C'est très fort quoi, en termes de symbole. Le fait que littéralement, Freddy est battu par ce qu'il est, à savoir une histoire. Exactement, mais en fait, en fait, on parle beaucoup de dispositif analytique du film, et effectivement, je pense que le film est plus intéressant à analyser, presque à regarder, Oui. parce que, à nouveau, comme j'ai dit, 1h52, et, autre petit détail, c'est un des... Alors, Craven a toujours été un plutôt très bon directeur d'acteurs, je trouve, et même sur des acteurs, en fait, même sur des acteurs qui sont pas très bons par défaut, genre, on va pas se mentir, Neve Campbell, sorti de Sidney Prescott, c'est pas ça. C'est pas. Et pourtant, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup The Craft, mais c'est pas ça de fou, quoi. Sex Pas... Crimes. Ok, bon, c'est peut-être très bien. Non, mais toute blague mise à part, même ce qui. Matthew Lillard! Oui. Voilà. Mais c'est un des rares films de Craven où je trouve que, sorti des acteurs principaux, évidemment Robert Englund, qui est né pour le rôle de Freddy, qui, selon ses propos dire, normalement, il est très bien de le faire et de le faire ad vitam. Possiblement, j'entends. Mais c'est un des rares films où je trouve que ça joue pas hyper bien. Sorti des acteurs principaux, je trouve le gamin pas très très bon, voire vraiment très énervant par instant. Et alors, il apparaît pas beaucoup, mais je trouve que Wes Craven n'est pas très bon acteur du tout. Et je trouve sa VF horrible. Alors, la VF du film, j'ai fait la moitié en VF, l'autre moitié en VO pour comparer les deux. Je trouve globalement la VF du film vraiment pas bonne. Genre vraiment, vraiment Je la trouve passable pour le coup, mais alors déjà, c'est pas les mêmes doubleurs que dans le 1, Ouais, ce qui malheureusement. pour moi est un problème, parce que j'ai cette idée de VF de Freddy vraiment sinistre, et Ouais. là, je fais, ah, non, non, non, remets avant, s'il te plaît. On a fini sur Freddy 7? On a. Est-ce que t'as des titres un peu rigolos, peut-être, sur celui-ci? Alors, j'ai pas digué à fond sur Freddy 7. Non, pas de soucis. Mais j'ai juste un fun fact, c'est que c'est le Freddy préféré de Robert Englund. Ça m'étonne pas tant que ça. En vrai, ça m'étonne pas tant que ça. Parce que je pense que c'est aussi celui où il a pu le plus s'éclater, bah, notamment à jouer Robert Englund. Ah oui, bah ça, où il peut vraiment se dire, bah je me joue moi-même, vas-y, comment je veux m'interpréter? C'est ça. Et d'ailleurs, il y a ce côté amusant, c'est-à-dire que l'actrice principale de Freddy contre Jason a vu Freddy quand elle avait genre 3 ans. Le premier? Le premier. Wow. Genre 3 ou 6 ans. Ouais, sympa. Donc Monica Kina. Et elle a été traumatisée et pendant au moins un an, elle l'a vu par accident, et Ouais. pendant au moins un an, sa mère, tous les soirs, prenait une photo de Freddy et une photo de Robert Englund pour lui dire, ça, c'est un personnage de film, il n'existe pas. Ça, c'est l'acteur. Et tu sais, une photo de Robert Englund où il a l'air sympa parce qu'il a l'air Oh, sympa, il a Robert l'air vraiment Englund. cool à discuter. Et donc, il y avait vraiment le personnage, personne. Bah, donc, tout simplement pour finir, si jamais vous êtes fan de Scream, voyez ce film parce que c'est littéralement toute la matrice créative de Scream est dans Freddy 7 et de façon très littérale. C'est ça, bah comme le dit Craven, encore une fois, Scream c'est pour les spectateurs, Et Freddy 7 c'est pour ceux qui le font. exactement. Donc après ça, on va passer la fin des années 90. Donc en 95, il fait un vampire à Brooklyn. Compliqué, très très compliqué. Alors on dit souvent que Craven a toujours voulu sortir du genre de l'horreur. Je sais pas dans quelle mesure c'est avéré parce que il a quand même sacrément barboté. Mais dans ses rares tentatives de sortir du genre horrifique, alors à l'exception de Red Eye, c'est un peu nul, un peu nul. Vampire à Brooklyn, toi tu l'avais vu ou pas? Je l'ai pas vu, par contre, j'ai vu Something. Comment? J'ai vu Something. C'était bien? Non. Non. Non. Bah, Non, Vampire à Brooklyn, c'est non. simple. Alors. Ouais, non, je vais pas le dire, on va couper ça. Non, mais. En fait, Vampire à Brooklyn, pour résumer, c'est Eddie Murphy qui veut faire un film d'horreur, Wes Craven qui veut faire une comédie. Et ça se casse la gueule, mais c'est vraiment très très très violent. Ensuite, 96, évidemment, Scream 1, qui va carton monumental, tout qui fonctionne, on en a parlé en intro. Scream 2, un an plus tard, en 97. Gros Les bordel de production. problèmes arrivent, gros bordel de prod, mais pas honteux. Et globalement, il n'y a aucun Scream qui est vraiment affreux à regarder, mais voilà. Même si Scream 2, je trouve, a plusieurs moments de mise en scène de Craven passionnants, notamment la course-poursuite dans le studio d'enregistrement que j'aime beaucoup. Oui, bah, qui aboutit par Voilà. ce qu'on pense être la mort de Douai, qui est génial. Exactement. Et la mort de Randy, alors on spoil comme des bâtards, on a dire, mais la mort de Randy que je trouve incroyable parce que il a une façon de faire entrer le tueur dans le plan. Alors j'essaie de rester un petit peu discret, de faire entrer le tueur dans le plan avec un simple mouvement de caméra, avec un simple plan de caméra que je trouve fabuleuse. Bah, je trouve que c'est surtout ce qui précède la mort de Randy Et plutôt. ça, on te fait monter l'attention sur un endroit. Et tu t'y attends pas du tout, boum, d'un coup ailleurs. Ensuite, la musique de mon cœur, on n'en parle pas, ce film n'existe pas. Scream 3, que toi tu aimes beaucoup, si je ne dis pas de Que j'ai bêtises. vraiment redécouvert, bah, là en préparant, du coup, en me rematant toute la quadrilogie Scream, je me suis pas fait les 5 et 6 pour. Parce que j'avais déjà pas mal de films de Craven à Pour voir des et. questions de temps. Exactement. Il faut en plus sur 2h10 ou 2h15 chacun. Je te confirme ça tout de suite. Et donc sur Scream 3, toi que tu avais beaucoup aimé, qui en plus dans lequel en plus tu vois une lecture, ma foi, fort intéressante. Globalement, où on n'est pas d'accord sur. 1h50 et 2h03 pour 5 et 6. Ok. Bah, sur la place que prend le message du film sur l'industrie hollywoodienne et sur notamment les travers. Et surtout quand on sait que le film est produit par Weinstein, il y a tout un parallèle entre le film et ce qui se passe dans les studios. Surtout, je trouve que c'est un piratage, quoi, ce film. C'est faire un film où tu dénonces les abus sexuels dans le milieu du cinéma, surtout chez des jeunes actrices qui débutent, produit par Weinstein, je trouve ça fabuleux. C'est un piratage. Il y a plusieurs éléments très intéressants en Scream, notamment la scène d'intro, dont j'ai un chouette souvenir. Et de toute façon, c'est un film avec Patrick Dempsey, il ne peut donc pas être détestable. Et donc, on arrive. Alors, Scream 3, c'était donc en 2000, 2000. et on arrive 5 ans plus tard avec Cursed. Alors, Cursed, c'est un film. Est-ce que 2000, on peut attester que c'est l'année de mort du slasher? Globalement, l'année de Oui, mort de son heure de gloire. de 2000, c'est la fin totale. En tout cas, c'est la fin de ce que le slasher a été et il doit se réinventer. C'est simple, 2000, c'est l'année où t'as Scream 3, Destination Finale, Scary Movie. Ah oui, donc c'est la Voilà. même année, t'as le début du bordel pour l'une des grandes sagas du genre. T'as le début de on reprend les codes du slasher, mais c'en est pas vraiment. Je C'est un fais slasher. partie de ceux qui pensent que Destination Finale n'en est pas un. Pour C'est moi, clair. c'est un slasher sans tueur, en Bah, fait. en fait, Ouais. pour moi, le tueur T'es obligé d'avoir un tueur dans un slasher, c'est pour ça qu'il a tous les éléments du slasher, mais il lui manque juste ça, et c'est pour ça que c'est, tous les codes sont là, mais c'en est pas. C'est mon regard sur ça. Et t'as Scary Movie, quoi. Et t'as la parodie absolue du genre qui arrive pour te dire que c'est quand même sacrément con, en vrai, et c'est pas faux, bref. Bah, qui arrive surtout 4 ans après Scream, qui te disait que faites gaffe, parce que le genre est quand même vachement codifié, et si vous faites pas attention à ces clichés, vous allez juste tomber dans une espèce de boucle infernale. Et Scary Movie qui arrive, qui fait « Ah bah, vous avez merdé ». Non, mais surtout, et après t'as tout la vague de néo-slasher, donc avec... surtout l'été dernier, Urban Legend, qui te disent « Ah, c'était bien Scream, on va refaire pareil. Les gars, vous avez pas lu le manuel ?» En fait, ouais, en fait, dans l'idée, la vague de Neo Slasher, c'est un peu la vague, comparaison de motocross, mais t'inquiète, c'est un peu la mort du cinéma d'action a été actée avec le ralentissement des entrées pour Schwarzenegger, Stallone, etc. Et Steven Seagal arrive derrière et tente de relancer le truc, et en fait, ça peut que marcher sur... ça prend très vite fait. Au début, donc dans le cas du Neo Slasher, Scream, dans le cas de Steven Seagal, Piège en haute mer. Piège en haute mer, Nico, échec et mort, ces trucs-là. Mais ça peut pas durer sur le long terme parce que juste, c'est un genre qui est mort et t'essaies d'agiter un peu le cadavre, t'essaies de relancer un truc. Et tu peux avoir un coup de génie, tu peux réussir à relancer une machine, mais le truc, c'est que tu vas forcément avoir des enfants et donc lasser le public. Et c'est ce qui s'est passé avec le Neo Slasher qui peut-être, il faudrait étudier ça, mais un des pire genre du cinéma horrifique en général, parce que pour un ou deux films qui sont au-dessus de la mêlée, ça, pour un Cherry Falls ou un Scream 2, voilà, c'est ça. Il y a combien de Urban Legend Bloody Mary? Et encore, Cherry Falls, on en avait parlé dans notre tout premier épisode, ça oui. C'est pas du tout un film parfait, parce qu'en plus, le Neo Slasher était victime de son contexte où tous les films se faisaient mais charcuter par la prod. Cherry Falls, on rappelle, on parle d'un film qui de base devait être gore et sexuel. À la fin, on a une demi-partouze d'ado, mais qui tient pas. Moi, c'est un film que j'aime bien en plus, hein, mais c'est un film qui ne. Malheureusement, ne tient plus la route. Et ouais, c'est ça, mais pour un Scream 3, et pourtant je l'aime moins que toi, même si je l'ai un peu réévalué à la hausse quand tu m'as dit de le revoir, pour un Scream 3, on a combien de Mortel Saint-Valentin ? C'est vraiment compliqué. Mais donc, Scream 3 2000 et Curse 2005, très long quand même, comme période de développement. Que s'est-il passé ? Alors, y aurait-il eu des problèmes de production sur Curse ? Alors, on spoil directement, si on a pris Curse, donc si j'ai poussé pour qu'on prenne Curse, c'est notamment pour parler de ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment un film qui s'est fait le pauvre, quoi. T'as envie de lui donner la pièce. C'est ça. Alors, Curse. Film qui porte bien son nom. Exactement. La blague est faite, tout le monde l'a faite, voilà, c'est bon, on l'a faite. Voilà, j'exite vite fait le titre alternatif. La marque de la bête en Amérique latine, Maléfice au Québec et Loup-garou en Hongrie et en Russie. Au moins, les Hongrois et les Russes, ils sont très clairs sur ce qu'ils vont voir. Voilà. Donc, écrit par Kevin Williamson, entre guillemets. Voilà, Je le dis tout de suite ou pas ? Alors, il y a eu des reshoots, ça a été un bordel le film. De ce que j'ai vu, alors à nouveau, c'était assez dur de trouver des informations sourcées et claires, mais le nombre de personnes qui auraient bossé sur le scénario serait entre 5 et 8, et jamais en même temps. Donc ça veut dire qu'il y a un script de base, et qu'il y aurait, alors à nouveau, beaucoup de conditionnels, parce que j'ai pas pu trouver de source claire, mais c'est ce que je voyais à chaque fois en fouillant, qu'il y aurait entre 5 et 8 personnes qui... un à la suite des autres, arrive et tiens, je vais enlever un personnage, je vais en rajouter un, je vais rajouter une scène. Ah, machin est plus dispo pour cette scène. Machin, on va le refaire. Voilà. On dit souvent que un film écrit à plusieurs mains, c'est rarement bon signe. 16 mains. Possiblement, c'est entre 10 et 16 mains. Ah, tu m'étonnes que le film ressemble à un cadavre. Alors, on va du coup, je vais peut-être parler du casting vite fait au début. Donc, dans le rôle principal, Christina Ricci, donc évidemment la Mercredi Addams des films de Barry Sonnenfeld, et aussi antagoniste de la première saison de Mercredi. Mm-hmm. Et un peu qui à l'époque avait entre 22 et 23 ans. Elle avait 25 ans au moment de la sortie. C'est ça. C'est pour le tournage. Donc au moment du film, c'est ça, parce qu'elle est née en 80. Si 80, exactement. Donc, voilà. Donc elle avait 22 ans quand le film se tourne. Ou plutôt 23. Quand le film se tourne pour la première fois. C'est ça. Donc, mais qui a aussi joué dans Speed Racer, dans Sleepy Hollow, dans Buffalo 66, bref, voilà. Jesse Eisenberg, bon, Social Network, Zombieland, le DCU, Insaisissable, Vivarium, American Ultra. Qui joue plus ou moins son rôle dans Zombieland. Oui. Pour moi, c'est très littéralement le même personnage. Globalement ça, oui. On a Joshua Jackson, qui a un petit rôle dans Scream 2, qui joue un des mecs dans la classe de ciné. Qui a une qui a la tête du bully de lycée. C'est vraiment, je l'imaginais dire, hey, « Hé, Kevin, il a l'air sympa, ton goûter !» C'est ça, et qui a des petits rôles dans Sex Intention, dans Ocean's Eleven et dans Karate Kid Legend. Mm-hmm. Voilà, Judy Greer, qu'on a pu voir dans la dernière trilogie Halloween, enfin, dans les deux premiers. Ouais, c'est ça, c'est dans ça qu'on les... C'est dans ça, parce que j'arrivais pas à retrouver... Son visage me disait un truc. C'est ça, bah du coup, elle joue la fille de Laurie Strode, mm-hmm. Donc la mère de Allison, dans... elle joue Karen, voilà. Elle joue Karen dans les Halloween 2018 et Halloween Kills de David Gordon Green, mm-hmm. pas dans Halloween Ends. Si vous avez vu Kills, et notamment la... Voilà. Vous savez pourquoi c'est... Payback. Payback. Mais donc voilà, et qui a sinon a joué dans Ant-Man, c'est la mère de la fille d'Ant-Man. J'allais dire, je vois qu'elle a un rôle ça, dans elle, MCU. Elle fait une voix dans Les Gardiens 3 aussi, elle joue dans Jurassic World, dans la nouvelle saga Planète des Singes, et dans Marche ou Crève, elle joue la mère du héros. Exactement. Excellente actrice au demeurant, vraiment très, oui. très bonne actrice. Et on a aussi Milo Ventimiglia, alors que perso j'ai connu dans la saga Rocky, puisqu'il joue, il reprend du coup le rôle de Sage Stallone, dans le rôle de Robert Balboa après la mort de ce dernier. Oui, effectivement. Donc, qu'il incarnait jusqu'au 5. Et donc, il reprend son rôle dans Rocky 6 et dans Creed 2. Mm-hmm. Mais qui a aussi joué dans Elle est trop bien, dans Ultimate Game, dans Stay Alive ou dans Comment pour toujours 2. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va commencer par la pré-production. Parce que c'est en plusieurs étapes. Il y a la pré-prod, il y a le tournage. Accrochez-vous, prenez du pop-corn. Le film est plus intéressant à raconter qu'à voir, mais qu'est-ce qu'il est intéressant à raconter? C'est ça, je vais le dire un peu avec la voix de Philippe Dupont. Je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Cette image a été responsable mais donc, de trois suicides. Non. Donc, le script original de Kevin Williamson suivait un tueur en série qui réalisait que ses tendances meurtrières étaient en fait liées à sa lycanthropie. Ça, c'est le script de base. On en est un peu éloigné. Ensuite, le script a été réécrit et se basait aussi sur un projet de film de loup-garou que Craven avait en 98 qui s'appelait Bad Moon Rising. Mmh. D'accord. Bob Weinstein vient voir Wes Craven. ça... Bob Weinstein, frère de. De l'ogre. Et pas moins gros connard, hein, vraiment. Voilà. Va voir Wes Craven, qui était à ce moment-là sur la pré-prod de Pulse. Pulse, qui finalement a été réalisé par Patrick Lussier, qui est le remake de. Du film de Kiyoshi Kurosawa. De Kiyoshi Kurosawa, et qui est pas très bien, qui a un... avec le meurtre par ADSL. C'est ça. Mais donc, Craven était, enfin, de base, était prévu pour être à la prod du truc, mais Bob Weinstein vient le voir et lui dit, hey, Wes, ça va? Tu bosses sur, Tu bosses sur quoi en ce moment-là? Tu bosses sur Pulse? Le tournage commence dans 10 jours. Arrête. On met le projet sur pause. Et encore aujourd'hui, on peut constater que Craven est marqué comme scénariste pour Pulse, mais n'est pas marqué comme producteur. Voilà. Il n'est même pas marqué, je crois, comme producteur exé. On met le projet sur pause, et j'ai un film de loup-garou à te proposer, ça te dit? Craven dit non. Bob Weinstein dit, je double ton salaire. Craven dit oui. Craven dit... Il dit pas oui, il dit... ok. Mm-hmm. Il dit, ok, voilà. Donc... Il a dit comme ça, d'ailleurs. Hein, c'est... Oui. donc, doubler le salaire, ce qui justifie déjà le salaire de base du film qui était prévu pour être 35 millions. On en est très loin, tant visuellement en nivelant par le bas, que dans les faits en nivelant par le haut. Je vous dirai plus tard, à la fin de l'histoire, combien ça aura coûté. Mais donc, il accepte. Il était réticent parce qu'il trouvait le script trop similaire à un Vampire à Brooklyn, mais il s'est senti un peu forcé par les Weinstein. Tiens donc ils aiment bien forcer les gens, en général. C'est ça. Rick Baker, ensuite, est contacté pour travailler sur les effets spéciaux Indiana du loup-garou. Rick Baker, c'est qui, en toute simplicité? Loup-garou de Londres. Ouais, loup-garou de Londres, c'est un bon. Voilà. Il est pas mauvais. Mais donc, au début, il refuse. Et Hurlement, précisons aussi. Hurlement, c'est aussi... c'est lui, Hurlement. Ah, donc c'est pas lui sur loup-garou de Londres. C'est lui sur Hurlement. Attends. Rick Baker, c'est qui? Rick Baker, c'est, bah, en toute simplicité, le loup-garou de Londres. Alors, c'est aussi lui qui avait commencé à travailler sur le Hurlement de Joe Dante. Donc là, qui a fait les designs, et c'est Rob Bottin qui a pris la suite. C'est ça. Et il a aussi fait Wolfman, le film que... je perds son nom, mais le réalisateur de Photo Obsession. Macromanek, oui. Devait réaliser, qui finalement est pris par Joe Johnston, qui est un film loup-garou qui, bon, existe, c'est pas mal. Il a aussi fait juste, genre, je sais pas, Body Bags, Thriller de Michael Jackson. C'est... Il est bon. Il est bon, et il a aussi, à tout hasard, fait Star Wars 4 et 5. Voilà. On peut dire que c'est, et Videodrome, enfin bref. Men in Black, enfin bref. On va pas tous les faire, mais en gros, Rick Baker égale effets spéciaux réussis, et surtout et avant tout, prosthétique. Et aussi un petit caméo dans VHS Halloween. VHS Halloween, effectivement. Qui joue dans le segment Fun Size. Mais si, Fun Size. Mais soulignons des effets spéciaux prosthétiques. Donc c'est-à-dire des effets spéciaux tangibles, visibles à l'écran. Retenez bien. Ha. Retenez bien ce détail. Donc au début, Rick Baker est réticent. Et il accepte à une seule condition, c'est que personne dans les studios ne lui dise quoi faire. Les Weinstein disent... Point. Le tournage commence. Alors, le film est tourné dans le même lycée où ont été tournées les séries Beverly Hills et Buffy. Waouh. Voilà. Buffy, c'est cool. Buffy, c'est très bien. Et en parallèle du tournage, il y a notamment une interview de deux membres du casting, à savoir Christina Ricci et Skeet Ulrich. Mais pourquoi je n'ai pas parlé de Skeet Ulrich ? Parce qu'il n'est pas dans le film ! Eh ben, on va en découvrir justement un peu plus tard. Skeet Ulrich, rappelons rapidement au cas où, c'est Billy Loomis dans Scream 1. Et globalement, c'est que ça, en fait. Parce que sa carrière s'arrête un peu là. Mais en tout cas, c'est l'acteur qui, à l'époque, avait vraiment ce côté sous Johnny Depp, mais qui avait une certaine cote, on va dire. C'est ça. Et donc, Christina Ricci et Skeet Ulrich sont en interview chez Entertainment Tonight. Et pendant cette interview sont diffusées d'ailleurs des images du film, notamment impliquant Skeet Ulrich, qui sont, je crois, les seules images accessibles au public de ce qu'on appellera plus tard la Craven Cut. 6 jours avant la fin du tournage, les exécutifs de Dimension y mettent fin, tout simplement. Ou du moins le mettent sur pause car ils n'aiment pas la fin et ils n'aiment pas les effets spéciaux. Tiens. Ne pas aimer un effet spécial de Rick Baker à ce niveau-là, c'est plus un choix, ça s'appelle juste du mauvais goût. C'est ça. Arrive Patrick Lussier. On dirait le début d'une mauvaise blague. Et là, Patrick Lussier. Arrive Patrick Lussier, qui est envoyé en tant que réalisateur de seconde équipe pour les reshoots. Pour les premiers reshoots. Pour les premiers reshoots. Alors, sachant que ce qui avait été tourné jusque-là consistait en un film de 90 minutes, sans compter, il manquait la fin et quelques effets visuels et la musique. Donc, dans l'idée, le film était fini à 90%, quoi. C'est ça. Surtout que, du coup, sur ces 90 minutes tournées, combien sont restés dans le montage final ? 15, 20 ? 12. Putain, c'est genre 12 minutes. Je vais le tuer. Donc des reshoots sont prévus, mais on doit encore décider de la fin. Et plusieurs sont envisagés, dont une où notamment le personnage de Jesse Eisenberg devient un chasseur de loups-garous. Quelle idée à la con. Exactement. Et Rick Baker part, du coup, pour officiellement conflit d'emploi du temps. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, on repart pour 2 mois de reshoot. Puis, on repart encore une fois pour 20 jours de reshoot pour refaire la fin, encore. Puis on repart pour 10 jours de reshoot, ce qui fait que l'équipe de tournage se fait des t-shirts avec marqué Cursed 4 Back for More. Vaut mieux en rire, honnêtement. C'est ça, bah, c'est un peu comme l'équipe de Abyss de Cameron qui avait des t-shirts à la fin qui disaient j'ai survécu au tournage d'Abyss. Et entre eux, ils ont nommé le film The Abuse et Son of Abyss. Ouais, renseignez-vous sur Abyss de James Cameron, vous verrez que c'est pas forcément. Enfin bref, très chouette film, hein. Excellent film même, mais. C'est ça. Cameron a sa vision, on va dire. C'est ça. Patrick Lussier a estimé le budget final du film entre 90 et 100 millions. Oh putain. Tu m'étonnes que. Jesse Eisenberg a déclaré le premier film était intéressant, plus provocateur et sanglant. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais maintenant qu'on sait ce qu'on sait sur la Weinstein Company, je comprends pourquoi c'était autant le bordel. Judy Greer a déclaré qu'il y avait tellement de reshoots qu'il y avait l'équivalent de 4 films en rush exploitable. Oh putain. À la fin, faudra parler du film, hein. La post-prod, Patrick Lussier aurait dû travailler 6 semaines sur le film, il travaillera 19 mois dessus. J'espère au moins qu'il a revu son contrat, le pauvre, parce que là c'est plus des heures sup, c'est juste de l'exploitation, c'est une prise d'otage. J'imagine. Donc je sais pas si les 19 mois incluent juste la post-prod ou si ça inclut son taf en tant que réel de la seconde équipe pour les reshoots. Je sais pas, mais dans les deux cas c'est grave, on te promet 6 semaines et tu restes 19. Les Weinstein ont ensuite coupé le bordel pour en faire un PG-13, alors qu'il était pensé pour être rated R. Ouais, alors ça, c'est peut-être le truc qui est le plus gravissime dans le film. Parce que le film, il est soft, il est... Honnêtement, tu t'attends à... T'as vu quel cut ? J'ai vu la cut la plus longue possible. Celle avec le geyser de sang en CGI moche? Ouais, ouais, voilà. Ouais. Ouais, donc t'as vu la à noter qu'entre les deux cuts, les détails sont minimes. Hein. Oui, c'est vraiment juste un ou deux éclats de sang en plus, et en plus c'est par ordinateur, donc tu te... C'est ça. Pour le coup, je savais pas quel cut j'avais vu, j'avais vu mon DVD que j'avais, et il se trouve que c'est la... Extended, avec des gros guillemets. C'est la ext, quoi, mais c'est tout. Et aussi, Craven a déclaré que ce film lui avait pris 2 ans et demi de sa vie pour quelque chose qui n'était même pas proche de ce qu'il aurait dû être. C'est peu dire. Ça fait mal. Quand un mec de 60 ans te balance ça en plus, t'as vraiment mal pour lui. Et maintenant qu'on sait ce qu'on sait sur les Weinstein, on peut dire que le film a été mais saboté violemment, quoi. C'est ça. Alors, précisons, je vais un petit peu le défendre. Moi aussi. Pas parce que je trouve le film est bien, je trouve que le résultat est honnêtement assez proche de la catastrophe, mais parce que déjà par pure intégrité envers Craven, où je trouve que ce qu'il a vécu est vraiment pas sympa, mais enfin, pas sympa et c'est peu dire, pardon, mais surtout que je pense que le film aurait au moins pu être un petit bonbon un peu sympa. C'est ça. Donc, je vais résumer ma critique sur Cursed en disant « C'est un film d'horreur de gros studio des années 2000 pour tout ce que ça implique de bon et de mauvais. » Plus de mauvais que de bon d'ailleurs. Oui, mais dans le bon. Alors, c'est un bon qui est un peu mauvais. C'est super cliché, mais du coup, on est en terrain connu. Mm-hmm. Pour le coup, on sait où on va, on sait où on est, et le film ne va pas nous surprendre, mais c'est aussi pour ça qu'on regarde ce genre de film. Pour le coup, les personnages sont aussi assez caricaturaux, mais portés par un duo d'acteurs, donc Eisenberg et Ritchie, qui est absolument attachant. Enfin, je veux dire. C'est un frère et une sœur dont les parents sont morts. Dont les parents sont morts, et où donc t'as la grande sœur, donc jouée par Christina Ricci, qui est plus ou moins une espèce de maman de substitution pour son frère, mais qui en plus ont pas tellement d'années d'écart, c'est un rôle un peu paradoxal. Et ils arrivent à retranscrire une certaine tendresse, ces deux-là. Donc, franchement, c'est peut-être la grosse qualité du film, c'est clairement son duo d'acteurs principaux. Et bien que, petit bémol, en VF, ce ne soit pas encore Donald Renew sur Jesse Eisenberg à cette époque-là. C'est pour ça que j'ai pas pu le regarder en VF. Parce que j'ai trop l'habitude de Donald Renew et je me suis dit non, je vais où. Et accessoirement, tout ce que ça implique d'année 2000, à savoir évidemment Shannon Elizabeth, qui d'autre. voilà, même si on finit par avoir une demi-Shannon Elizabeth, mais ça reste ça. Alors, qu'est-ce qu'il implique de mauvais? Au hasard, les harceleurs homophobes dans le lycée, ça c'est évident. Hey, salut Timmy, il a l'air sympa ton goûter. Hey, dis-moi, tu es petit et maigre, est-ce que tu serais pas homosexuel? Ouais, non mais c'est... Ah oui. Et dont le harceleur principal... est en fait un homosexuel refoulé. A le coming out le plus cringe que j'ai vu depuis voilà. Longtemps. Voilà, donc je vais parmi le Ventimiglia dans le film, et waouh. Et c'est ça, et qui surtout finit par crusher sur Heisenberg, au moment où Heisenberg prend son virage evil à cause de la lycanthropie et devient... Evil Heisenberg. Emo. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, en fait, il a découvert My Chemical Romance, et il s'est dit, wow, that's so me for real. C'est ça, en fait, Sam Raimi n'a rien inventé avec le symbiote de Spider-Man 3. Oh, je vais reparler de la musique derrière, j'ai une bastos à mettre. Et bah, tant qu'on est évidemment sur Heisenberg, on est dans les années 2000, donc évidemment, un homme nu est un ressort comique. Oh, ouais, oh mon dieu, c'est lol, une tub. C'est ouais. Ça, je pensais pas que les fesses de Jesse Eisenberg étaient dans Bingo 2025, mais visiblement ça y était. Et enfin, bah évidemment, on est dans les années 2000, les CGI dégueulasses. Genre vraiment, que ce soit le geyser de sang dans le cauchemar de Christina Ricci, ou encore la transformation d'un certain personnage en loup-garou. Bon, on spoil directement, on spoilera après, mais en fait, pour moi, j'ai une idée sur pourquoi le film partait déjà sur un terrain branlant, quoi. Oui, il y a pas mal de choses, mais... Ah, mais il y en a une qui, pour moi, permet d'expliquer à peu près tout. Je dis à peu près, mais qui permet au moins d'avoir un regard qui... Bah, qui peut-être peut être judicieux. Mais, et alors, on le prend comme une qualité ou comme un défaut, mais c'est un film qui a, globalement, les notes comiques typiques de ce film, de ce genre de film... alors, je m'attendais pas à un vertigo shot sur Christina Ricci quand elle découvre que Shannon Elizabeth est coupée en deux. Ouais, alors ça... Voilà, le travelling compensé audacieux, Wesley, mais soit. Pourquoi pas. Le loup-garou qui fait un fuck, qui sort de sa cachette juste parce qu'on l'insulte. Non, parce qu'on dit qu'il est moche, ouais, c'est ça, ça qui est incroyable. Et alors, d'où ça vient? C'est tout simplement, c'est venu lors des reshoots, mais c'est pas une réécriture, c'est une improvisation de Derek Mears. le cascadeur qui était donc dans le costume de loup-garou, Derek Mears, qu'on connaît surtout pour être le Jason du remake de Vendredi 13. Non mais putain, c'est pas possible. Qui a improvisé ça, et alors en soi, il a improvisé, grand bien lui en face, ça a été gardé. C'est ça, ça a été gardé, et depuis, tout le monde se rappelle de Curse comme, ah oui, le film... Où le loup-garou fait un wad. C'est ça, c'est très clairement le gros de ce qu'on de ce dont on se rappelle quand on parle de Curse. De Curse. Et voilà, à ça, il y a aussi un Golden Retriever Garou. Ça, c'est... j'étais très content de voir ça. Mais je suis un dog lover aussi, j'adore les animaux, j'adore les dogos. Mais donc, le Golden Garou, ça, c'est quand même carabiné. Mais ouais, globalement les reshoots se sentent énormément. C'est un film où la première apparition du loup-garou c'est dans un parking. C'est ça, c'est un film où on essaie de te créer un suspense sur la fin, alors qu'on sait qu'il y a un personnage qui est un loup-garou. Et il y a deux choix possibles. Mais surtout, la fin, quand ils rentrent chez eux, on sait que c'est pas la fin. Genre, on sait qu'il y a encore tel personnage qui est un loup-garou, ouais. Parce qu'on nous l'a dit texto dans un dialogue, et que... il est encore en liberté, quoi. Et aussi, quand Craven déclare que le but du scénario de base, c'était un message sur la quête de soi et l'acceptation de soi... Ah ouais, putain. On part de loin, hein. Ben c'est ça. Alors, j'y vais. Tu peux y aller. Alors, déjà, rappelons juste... parlons vite fait de la fiche technique du film. Donc, à la musique, on a Marco Beltrami. Donc, ouais, juste Quiet Place, Snowpiercer, Scream. Je crois qu'il y a eu deux, scores pour le film. Il y en a eu deux, mais c'est lui qui a été. En tout cas, il était sur le projet. C'est ça. C'est juste cet élément-là qu'il faut. Je crois qu'il y a un score de Charles Bernstein. Exactement. Mais c'est Marco Beltrami qui a été retenu sur le projet, et ouais. c'est juste ça qu'il faut retenir en tête. Alors, rapidement à la photo, je cherchais quelqu'un à blâmer pour le film, sorti des Weinstein, évidemment. J'ai ma théorie, c'est le chef-op, Robert McLachlan. Pourquoi ? Destination Finale 1, 3, Dragon Ball Evolution, Black Christmas le remake, The One. C'est un membre de la clique et James Wong. Globalement, c'est quelqu'un qui sait pas faire des photos. Mais voilà, j'ai envie de le blâmer lui, mais... retenons d'abord l'élément de Marco Beltrami. On a également Patrick Lucie au montage, monteur de Scream, comme je disais. Williamson au scénario et Wes Craven à la mise en scène. Pour moi, ce film veut faire... enfin, c'est évident, mais veut faire au loup-garou ce que Scream a fait au slasher. Le problème, c'est que, déjà, les slashers, ça a été un genre qui a cartonné... tout le monde peut visualiser un modèle de slasher. Tout le monde peut se dire, ok, il y a des jeunes, débiles, il y a un tueur avec une arme blanche, il les tue, fin. Les films de loup-garou, vas-y trouver un schéma. Parce qu'effectivement, pour un ou deux classiques, on peut penser à Hurlement, on peut penser à le loup-garou de Londres, évidemment. C'est-à-dire que, et en plus, il n'y a pas eu d'heure de gloire de loup-garou. Ouais, mais que... c'est le monstre qui s'est toujours fait bully. Il a quoi, 10 films, 10 bons films de loup-garou, maximum, et encore c'est quand même très compliqué d'en trouver. Van Helsing. Excellent film. Non, mais... Van Helsing, il a un loup-garou en 3D horrible. Mais l'idée de transformation où tu déchires la peau, oui. Incroyable. Oui. Et en fait, et du coup, déjà, le film part sur une idée de faire sur un modèle établi, d'appliquer la même formule sur un modèle établi à un modèle qui, en fait, n'en est pas un. Il n'y a pas de schéma de film de loup-garou. Il n'y a pas de pattern à suivre. Il y a le truc de... il y a un mec qui se transforme. Ah ouais, super, tu fais pas un film autour de ça. Parce qu'à ce moment-là, n'importe quel film de loup-garou, n'importe quel film de vampire, c'est les mêmes. Non, rien à voir. Parce que Teen Wolf ne ressemble pas au loup-garou de Londres, qui ressemble pas à Hurlement, qui ressemble pas à Dog Soldiers. Oui, voilà. C'est rien à voir. Et donc... Teen Wolf, le film avec... Michael J. Fox, pas la série. Donc déjà, on part sur une base branlante. Mais surtout... Scream, c'est quoi ? C'est un truc de tueur en série. C'est un truc de tueur à la base. Donc, quand bien même le film est éminemment pop et peut parfois paraître un peu farfelu dans certains agencements, on suit quand même un film qui se base sur une peur, en tout cas sur des éléments, somme toute, j'allais dire réels, on va dire crédibles. En tout cas, appréhendables par notre esprit de spectateur. Un mec, un couteau. Ouais. Voilà, un loup-garou, ça n'existe pas. Et du coup, vouloir monter un suspense, vouloir monter des interactions sur ce sujet-là, ça donne des répliques comme « Ah, t'as fait quoi sur le loup-garou ?» Les experts sont pas tous d'accord, les fameux experts en loup-garou. Voilà, le fait de vouloir faire monter un suspense sur ça quand il y a un symbole qui apparaît sur ta main. C'est-à-dire que dans Scream, il y a ce truc de « C'est toi le tueur, c'est toi le tueur, non, c'est toi. » Et ça fait partie du plaisir du film, ça fait partie du truc de se dire « Attends, peut-être que c'est lui parce qu'il était là. Ah mais non, je sais pas. Et tu peux pas le savoir tant que le tueur se révèle pas parce que c'est son propre choix. En témoigne Scream 6, où à la fin, t'as ce truc de « Ah, peut-être, et en fait, non, et en fait, si. » Voilà. Bah, loup-garou, à partir du moment où c'est marqué sur ta main, tu tues toute forme de suspense. Et pour moi, c'est un film qui est... Mais dire qu'il est bancal, ce serait très gentil pour lui. Surtout quand à la même époque... Il y a un film qui s'appelle Ginger Snaps qui sort par John Fawcett, qui est un petit chef-d'œuvre du film de loup-garou, et vraiment un petit chef-d'œuvre de cette époque-là en général. Bah, à la même époque, t'as Dog Soldiers. Ouais, mais alors, je parle que parce que Ginger Snaps a vraiment plus ou moins le même esprit que Cursed. Oui, donc, Dog Soldiers, c'est. J'aime beaucoup, hein, mais c'est autre chose, on va dire. Et donc, ça donne un résultat qui est quand même complètement bancal, et pour moi, alors, ça peut paraître peut-être un peu. Puéril, mais c'est parfaitement illustré par les choix musicaux qui sont faits. On avait eu cette discussion avec Roman, et Roman a totalement raison, j'ai fouillé, en fait, les choix musicaux de Ginger Snaps sont certes dus à des accointances de studio, mais sont également des volontés créatives, c'est-à-dire que c'est l'idée de se dire, bah, c'est des musiques qui, l'époque joue évidemment sur leur choix, mais qui, par leur esthétique, parfois par leur texte, mais plutôt par l'ambiance qu'elles vont amener, bah, participe à créer, en tout cas participe à construire tes personnages. Dans Ginger Snap, on aime ou pas, mais il va y avoir du Hatebreed, il va y avoir du Machine Head, du Fear Factory, du Killswitch Engage. On aime ou pas, personnellement j'aime beaucoup, mais ça participe à ça. Et l'air de rien, il y a une certaine cohérence esthétique et spirituelle. Le maître étalon de ça, c'est le Loup-garou de Londres, où littéralement toutes les chansons de la bande-son contiennent le mot Moon dans le titre. Exactement. Et bah, dans Cursed, bah, random, on va avoir Junkie XL qui fait un morceau, pourquoi pas, on a 3 Days Grace qui se pose là, Apollo 440, Alkaline Trio, Bowling for Soup, Baligomingo, et c'est pas des groupes que je déteste, mais j'ai pas envie d'entendre un morceau dans une radio d'une voiture qui passe, et c'est exactement ce qu'il y a dans ce film-là. C'est un film qui ne comprend pas son médium, c'est un film qui ne comprend pas ce qu'il raconte, qui ne comprend pas comment il le raconte, qui ne comprend plus à qui il le raconte. Et en fait, je trouve assez fascinant de voir à quel point le film s'est fait, désolé du terme, mais s'est fait baiser par son studio, parce que peut-être que le projet de base aurait pu être intéressant si le projet de base avait pas voulu avoir autant cette esthétique de Scream de « Hey, on est quand même cool quand on est Jones ». Peut-être que le film aurait pu fonctionner, l'idée d'avoir juste un tueur aurait probablement permis de resserrer un peu le récit. Là, au final, je trouve qu'on a juste un Scream au rabais, qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne en rien, qui est rempli de scènes complètement lunaires, comme ouais, les experts au loup-garou, comme ouais, le coming out incroyable, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comme un combat de catch qui est gênant, pour dire ça poliment, comme une transformation loup-garou qui est à gerber tellement elle est laide, comme une attaque dans un parking, ouais, la révélation du loup-garou, elle est dans un parking, bon, là, ça pose le statut du film. Voilà, mais, et Roman l'a dit, effectivement, c'est un film plutôt de mauvais goût, en tout cas, plutôt de mauvais goût pour les années 2000, et je peux pas nier qu'avoir une certaine affection pour cet enfant battu, j'ai un peu envie de lui donner la pièce, finalement, j'ai un peu envie de l'aimer. Mais c'est un film qui est quand même très compliqué et qui témoigne d'à quel point... C'est la première fois qu'on parle d'un film aussi saboté par son studio. Ouais. Et qui... Alors, je vais pas jusqu'à dire, voilà, militons pour la Craven Cut, parce que je pense qu'elle existe, mais je pense qu'on la verra jamais. Mais surtout... Déjà, la fin n'est pas tournée. Ah, déjà, en plus, la fin n'est pas tournée. Ah bah tiens, autre film avec Jesse Eisenberg, où au final, la cut du réal a été sabotée par le studio. Je vois pas de quoi tu parles, mec. Excellent film. Il n'a fait que des bons films quand il a tourné pour des réals. Zack Snyder est un excellent réalisateur. Tu aimes Justice League? Pas... Zack Snyder est un excellent réalisateur. C'est... Là, on parle de l'autre. On parle de l'autre gros porc. Et donc voilà, donc c'est pour ça que Cursed, c'est compliqué, c'est un peu attachant, peut-être pour les très mauvaises raisons, mais c'était surtout l'occasion pour nous de raconter cette histoire complètement lunaire qu'est le tournage de Cursed. Où... Et encore, on n'a pas fait la moitié, parce que vraiment, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de récits d'acteurs ou de techniciens qui disent « Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Est-ce que le film va même sortir ?» Et je suis toujours l'occasion de remettre une crotte de nez sur Weinstein, parce que putain, on n'aurait peut-être pas eu un grand film, probablement pas même, parce que, voilà, sortie de Scream, effectivement, Williamson a-t-il eu un coup de chance ? Éternel débat, je pense que non, mais ça n'a jamais été un scénariste de génie, non plus, en témoigne Sick, on va dire, ça, c'est toujours été un scénariste qui doit être servi par un excellent réalisateur derrière. Ah, c'est ça, The Faculty avait l'espèce de... D'esprit pulp de Rodriguez, c'est exactement, pas un très bon réalisateur, mais c'est au moins quelqu'un qui aime à peu près ce qu'il fait, quoi. C'est ça, et qui, je pense aussi, du moins pour ce film-là, au moins, a... essaie de se mettre à la place du spectateur en mode qu'est-ce que j'ai envie de voir. Qu'est-ce que j'ai envie de voir. Miss Tingle, moi j'aime bien, mais c'est plus un côté vicieux. Alors je l'ai pas encore vu celui-là. Et Sick, bah, c'est juste mis en scène par. Maintenant j'oublie son nom, mon dieu. Par John Iams, qui est juste peut-être l'un des meilleurs réalisateurs en activité. Donc évidemment, pour un truc aussi con, Sick, on en avait parlé. Dans le bilan 2023. Dans le bilan 2023, épisode homérique, monstrueux comme il est, mais on vous invite à l'écouter, il est très bien. Et alors on reparlera d'un autre projet, j'en parlerai vite fait quand on abordera le dernier film d'aujourd'hui, mm-hmm. d'un autre projet de Williamson en série cette fois. Ah Dawson. Non. Ah, c'est lui qui est derrière Dawson, non? Ah, ça, je sais pas pour le coup. Mais il est derrière une autre série. Hâte de savoir ça. Donc c'est pour ça, le film aurait probablement pas été incroyable, mais bah, au moins c'était l'occasion pour nous de raconter cette histoire lunaire et ouais, peut-être essayer de lui donner une chance. On garantit pas que vous passerez un bon moment. Pour moi, je vais résumer ça en un dernier point. C'est un film qui démarre sur un groupe de rock assez affreux, pour dire ça poliment, et même à l'échelle des années 2000, qui fait, avec un chanteur qui imite un loup. Qui fait arr, arr, I am a wolf. Arr. C'est très gênant. C'est très compliqué de démarrer un film comme ça, quand même. Ma théorie des 5 premiers plans, là, elle passait pas. Elle passait pas. On a terminé sur Cursed. On a terminé sur Cursed et on peut attaquer. On va attaquer Red Eye. Alors, Red Eye, c'est quoi? Red Eye, c'est un des rares films de Craven qui n'est pas un film d'horreur. C'est un film qui va être beaucoup plus un thriller, un thriller de haute voltige, on pourrait dire. Alors, ah, c'est marrant. N'est-ce pas? Alors, c'est quoi le pitch de Red Eye? C'est une jeune femme qui travaille dans un hôtel de luxe à Miami, qui va prendre l'avion afin de rentrer chez elle, et qui va se retrouver aux prises avec un tueur à gages, en tout cas un psychopathe, ou un mercenaire, qui a pour objectif de tuer un politicien qui est actuellement dans la qui actuellement se rend à l'hôtel et donc qui demande à la jeune femme de changer le politicien de chambre afin qu'il puisse mener son action à bien. Alors Red Eye, c'est un film qui a été un peu oublié dans la filmographie de Wes Craven. Il sort également en 2005, par ailleurs, même année que Curse, dont on parlait juste avant. Alors, la première chose qui impressionne dans Red Eye, enfin, qui saute aux yeux, c'est d'abord son casting. On a une toute jeune Rachel McAdams, qui à l'époque sort de The Notebook et de Lolita Malgré Moi. Exact. L'année d'avant. Exactement, qui sort de ces deux films-là. Alors, Rachel McAdams, depuis, on l'a vu dans beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. On l'a notamment vu dans les deux Sherlock Holmes, on l'a vu dans Lolita Malgré Moi, on l'a vu dans Minuit à Paris, voilà, Midnight in Paris. Et également, on a un tout jeune Cillian Murphy, alors Cillian aux yeux aussi sublimes que perturbants. Qui à ce moment-là, du coup, sort de 28 jours plus tard. Exactement. Et on a également Brian Cox qui joue le père de Rachel McAdams. Brian Cox qu'on a vu dans Trick or Treat, entre autres. Exactement. Mais qu'on a aussi vu dans les X-Men qui joue. Je crois qu'il joue Stryker. Non. Je te laisse vérifier. Et donc, et rapidement, et derrière la caméra, donc on a Wes Craven, Patrick Lussier toujours au montage, à la musique Marco Beltrami, et à la photo, on a Robert Yeoman. Alors, la photo est encore une fois pas très belle, dommage, parce que c'est juste le chef-op de Wes Anderson. Et joue Stryker, c'est bien. Exactement. Ça. Donc, qui a fait Grand Budapest Hotel, Asteroid City, French Dispatch, Royal Tenenbaum, Moonrise Kingdom. Donc, c'est un peu dommage de peut-être pas l'avoir exploité un petit peu plus. Alors, Red Eye, c'est quoi? Red Eye, c'est un film qui, je trouve, est très intéressant sur deux points. Enfin, deux points et demi, même. Commençons par la moitié. Déjà, c'est un film qui va, je trouve, par son casting, être particulièrement intéressant, puisque, comme j'ai dit, on a la toute jeune Rachel McAdams, qui était déjà, à cette époque-là, identifiée comme l'idée de jeune femme un peu douce, émotive, à la mode de n'oublie jamais, mais aussi capable un peu de se défendre, et de rendre les coups, Lolita Malgré Moi, typiquement. Et donc, pour moi, c'est déjà, par ce simple choix, la candidate idéale pour suivre ce rôle de personnage qui va se faire, à la bienveillance qui la dépasse, mais qui va se faire un petit peu malmener, par, face à elle, Cillian Murphy, qui avait déjà prouvé ses capacités d'antagoniste. On peut penser, alors, Batman Begins était déjà sorti. Il sort la même année, je crois. Bah, qui avait donc déjà prouvé ses capacités d'antagoniste. Ouais. Même peut-être 28 jours plus tard, qui pour moi, à la fin, est vraiment, où il devient quasiment un antagoniste à sa façon. Et, donc, on a, par ces deux personnages-là, déjà les deux les deux éléments narratifs qui vont être les plus intéressants, notamment par le choix de Cillian Murphy. Alors j'évoquais le fait de la capacité de Kraven à créer des antagonistes. Bah, dans le cas de Cillian Murphy, on n'a peut-être pas le look le plus mémorable, mais on... Oui ? Begin, c'était sorti 2 mois plus tôt. Ah bah voilà. Mais on a quand même, par le choix de Cillian Murphy, un personnage qui arrive à amener une certaine élégance malveillante, on va dire, et qui va même à la fin devenir pour le coup un véritable monstre avec sa voix modifiée suite à un petit stylo. Et d'une certaine façon, je trouve que Red Eye arrive par la façon extrêmement vicieuse de Cillian Murphy de s'introduire dans la vie privée et dans la vie quotidienne finalement de Rachel McAdams à être une version plus ou moins réaliste et moins fantaisiste. Alors ça peut paraître un peu rock'n'roll, mais vous inquiétez pas, de ce que serait un Freddy, avec le côté très cruel, très insidieux, très il s'approche de toi sans que vraiment tu t'en rendes compte, et au moment où tu le réalises c'est déjà trop tard parce qu'il a déjà un point d'appui sur toi, d'autant plus que l'un des moteurs narratifs du film c'est non pas la question de à quel point t'es prête à basculer dans le mal quand on te met la pression, c'est plutôt à quel point c'est facile de te faire basculer, à quel point c'est facile, à partir du moment où on a un point de pression sur toi, de te briser, tout simplement. Et je trouve que ce dilemme moral est extrêmement bien tenu, notamment dans toute sa deuxième partie, parce que le film est construit globalement en 3/3, il y a toute une partie de mise en place, qui va amener plein de petits détails, qui par ailleurs amènent aussi une des plus grandes qualités du film, qui est son montage. Je trouve que c'est peut-être le film de Kraven le mieux monté. C'est de loin, je trouve, son mieux rythmé, oui. Avec vraiment un côté hyper addictif, le film passe tout seul. Tout le deuxième tiers qui est dans l'avion, et qui là, pour le coup, est un véritable exercice de style de mise en scène pour Kraven, qui peut utiliser tous les recoins de l'avion selon sa bonne volonté, utiliser les différents éléments, hop, là, il y a un téléphone par-ci, là, il y a un livre par-là, comment est-ce qu'on peut interagir, comment est-ce qu'on peut s'en sortir pour essayer de désenclaver une situation qui paraît extrêmement mal embarquée. Et à la fin, tout un dernier acte dans la maison directement de Rachel McAdams, qui là pour le coup vire carrément au Home Invasion, voire un petit peu au film d'action. Alors, dernière partie qui peut paraître... C'est juste avant le film d'action, c'est la course sur fuite. Ah, mais non, mais ça peut y aller. On retrouve des éléments concordants, et on retrouve à... J'en perds mon latin, pardon. Donc, si sa dernière partie peut avoir l'air un peu désarçonnante, elle reste, je trouve, extrêmement efficace, notamment grâce au jeu de Cillian Murphy qui devient plus ou moins un Terminator sexy. C'est vraiment un film que j'aime. Sachant que Terminator de base est sexy aussi. Ouais. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement mésestimé. Et qu'as-tu pensé? Tu l'avais déjà vu ou pas, Red Eye? Non, je l'avais jamais vu. Et d'ailleurs, petite chose marrante, c'est que j'ai longtemps cru que c'était un remake, Red Eye, tout simplement. De remake de quoi? Parce qu'en fait, j'ai en DVD, je l'ai toujours pas vu, un film d'horreur japonais. Je sais plus si c'est japonais, je dirais asiatique du coup, qui s'appelle Red Eye, qui se passe dans un moyen de transport aussi, parce que là c'est un train. Et en fait, j'avais ces deux DVD, donc Red Eye et Red Eye, et vu que Red Eye sort pendant la grosse vague de remakes de films asiatiques à Hollywood, de films d'horreur asiatiques à Hollywood, je me suis dit, bah, c'est un remake. Il était à côté de The Grudge, The Ring, Appartement 1303, Darkwater, pour moi c'était un remake. Et en fait, pas du tout. Parce que le film asiatique en question est paranormal, alors que celui-là ne. Red Eye, donc de Kim Dong-bin, sorti en 2005. Donc la même année. Exactement. Sauf qu'en fait, pas du tout. Naïf que j'étais. Mais qu'est-ce que je pense de Red Eye? Je trouve que c'est peut-être le film de Kraven le plus injustement. Mésestimé. Soit mésestimé, soit méconnu. Un des deux. Personne n'en parle jamais de Red Eye. C'est ça. À commencer par le cast. C'est-à-dire que Cillian Murphy n'aime pas le film. En fait, Cillian Murphy a déclaré. Ah ouais? Je pense pas que ce soit un bon film. Je pense que c'est une bonne série B. Je suis pas forcément d'accord. Parce que je trouve le film assez trop précis et trop malin dans sa façon d'utiliser des peurs extrêmement réelles et concrètes pour les rendre beaucoup plus puissantes et violentes par les mécaniques narratives pour en faire juste une série B. Ça, je suis pas d'accord non plus. Pour le coup, il trouve que un des plus gros défauts du film, c'est son jeu à lui. Il trouve qu'il manque trop de subtilité dans son interprétation. Là où, en l'occurrence, il trouve que Rachel McAdams se débrouille super bien. Et effectivement, elle se débrouille très bien. Ah, mais pour le coup, même lui, je trouve qu'il a... Alors, c'est plus ou moins dès le début, tu vois que... Voilà. Mais je trouve qu'il a un côté très... Genre il a pas ce côté un peu séducteur Parce que très vite, il y révèle son jeu. Et à ce moment-là, très vite, il fait peur, il fait preuve, je trouve, d'une certaine cruauté froide, vraiment hyper efficace. Quoi. C'est ce qui et est... qui en détonance directe avec le jeu de Rachel McAdams, ce qui fait que leur duo fonctionne hyper bien. Et surtout couplé à sa misogynie absolument magistrale. Oui, oui, effectivement. Enfin, le mec est un misogyne carabiné. Et alors, j'allais dire, c'est les dialogues les plus misogynes que j'ai pu voir de ma vie. J'oublie que j'ai vu le film d'Alain Soral. Confession d'un dragueur, c'est affreux. C'est une merde en même temps. Venant d'Alain Soral, à quoi pouvait-on s'attendre ? C'est ça. Mais pour le coup, je trouve que vraiment, ouais, les deux grosses qualités du film, c'est son rythme. Enfin, vraiment, c'est le film le mieux rythmé et le film le plus tendu de Craven. Je trouve qu'il n'y a aucun autre film de Craven qui m'a fait avoir la tension que m'a fait avoir le deuxième tiers dans l'avion, typiquement. Mm-hmm. Et bah, ouais, le casting, quoi. Je suis désolé, mais Cillian Murphy est génial dans son rôle de manipulateur. Enfin, oui, qui joue aussi de son côté séducteur, mais il se cache pas d'être un connard très vite, quoi. Et Rachel McAdams, dans le cliché de, de ce qu'on appelle la workaholic, c'est... celle complètement addict à son job. C'est ça, la meuf qui ne vit que par son taf. Et avec tout ce début du film, tu parlais du mélange des genres, mais le début du film, c'est une rom-com. Oh oui. Le début, c'est... Ah, clair... salut, merci de m'aider, je te paye un verre, et je sais tout de toi. Voilà, genre vraiment, le début du film, c'est de la rom-com, et c'est ça aussi, pour moi, qui fait l'intérêt de Kirst. De Red Eye. De Red Eye. On y arrive. Bah, parce que Kirst a aussi 4 films en un. Et pour d'autres raisons. C'est ça, mais là, on a une rom-com qui s'enchaîne sur un thriller horrifique en huis clos, qui enchaîne sur une course-poursuite d'action qui finit sur The Home Invasion. Enfin, vraiment... on parlait aussi du mélange des registres, enfin du mélange des genres sur L'Empreinte des Ténèbres, mais là pour le coup, les genres s'enchaînent plus que fusionnent. Mais c'est aussi ça qui fait que tu n'as vraiment pas le temps de t'ennuyer, tu passes vraiment d'un passage à l'autre, et honnêtement, soyons honnêtes, la scène de l'avion est de loin la meilleure du film, parce que bah, justement, tu parlais d'exercice de style, mais il est surtout prétexte à, bah, comme je disais, une tension que j'ai rarement, voire jamais vue chez Craven. Mm-hmm. Bah, pour le coup, moi, il y a un des éléments qui vraiment m'intéresse beaucoup dans le film, c'est justement la façon dont il va articuler les dilemmes moraux du personnage, les moyens, vous évoquez les moyens de pression qu'il va avoir, c'est comment est-ce que, par les dialogues, par des petits angles de caméra, par exemple, typiquement, ce moment où il change l'axe du dialogue au tout début du film. Il discute juste avant de prendre un cocktail, ensuite, elle prend un cocktail, et l'angle et l'axe de caméra est changé, où d'un coup, tu vois là, comment le rapport de force peut changer, peut s'inverser, peut évoluer, peut être un peu troublé à certains instants. Vraiment, c'est un film que je trouve être une incroyable réussite. C'est pas non plus un incroyable film, notamment parce que le film a aussi, on va pas se mentir, un peu la gueule d'un thriller PG-13 finalement, ouais. Qui par l'absence de mise en scène très démonstrative peut être réduit, alors puisque c'est une mauvaise chose ou pas, libre à vous d'en juger, mais peut être réduit un peu à son côté finalement très petite curiosité nerveuse et efficace, oui. Mais je suis pas forcément d'accord parce que en plus de ça, pour moi il va encore ramener des motifs de sa filmographie. J'évoquais l'idée que Cillian Murphy serait une version réaliste et pas folklore de Freddy. Bah, pour moi, à la fin, lorsqu'il devient véritablement l'espèce d'antagoniste qui débarque chez toi, en fait, ouais, Craven, je crois que c'est Craven qui avait dit avant le film, il voulait pas faire un film où c'est un mec qui arrive avec un couteau derrière une fenêtre. Bah, à la fin, quand Cillian Murphy débarque chez Rachel McAdams avec un couteau, il manque plus que le masque de Ghostface, et globalement, on l'a, quoi. C'est ça, c'est un peu comme Ridley Scott qui a déclaré à propos de Prometheus qu'il voulait pas faire un film où l'alien se contente de baver comme un tuyau d'arrosage. Ah bah du coup, il a fait un film où l'alien bave comme un tuyau d'arrosage. Oui. Bref, nous avons fini sur Red Eye, je pense. On a fini sur Red Eye. Et on va attaquer le dernier gros morceau. Et par dernier, on veut aussi dire le chant du cygne de Wes Craven, puisqu'il s'agit... Et quel dernier film, puisqu'il s'agit du chant du cygne de Wes Craven, à savoir Scream 4, ou Screw 4M, du coup, aussi, comment ça paraît ? Screw 4M, let's go. Donc, Scream 4, sorti en 2011, réalisé évidemment par Wes Craven, avec Kevin Williamson au scénario, et au casting, alors, bah, on retrouve évidemment le casting habituel, donc à savoir Neve Campbell, David Arquette et Courtney Cox. Neve Campbell, bah, on en a parlé vite fait, mais Sex Crimes, The Craft, Reefer Madness. Ouais. Soit. David Arquette, Spree, Vorace, Bone Tomahawk, Buffy, Arak Attack. Mm-hmm. Sharkboy et Lavagirl aussi. Alors, Arak Attack, on vous renvoie à l'épisode participatif. Effectivement. Courtney Cox, bah, c'est évidemment Friends, et c'est aussi Ace Ventura. Mais parmi les nouvelles têtes, on a Emma Roberts, qui avait joué dans... Bah, American Horror Story, surtout. C'est ça, American Horror Story, mais qui jouera après bah, dans Les Miller, Nerve, The Hunt, on vous renvoie à la critique de Corentin sur le site, Madame Web, Holiday, February, Valentine's Day... Pas Madame Web. Aiden Panettiere dans le rôle de Kirby, qui a été gamine dans Le Plus Beau des Combats, le film avec Denzel Washington, où il joue un prof de football américain. Très bon film d'ailleurs. Anthony Anderson, qui avait joué dans Transformers, Les Infiltrés, ou Scary Movie 3 et 4. C'est lui qui forme le duo tendancieux avec Kevin Hart. Adam Brody, qui avait joué dans The Ring, Jennifer's Body, Wedding Nightmare, Promising Young Woman, bref. Rory Culkin, donc le frère de Kieran et Macaulay, qui avait joué dans Lords of Chaos et dans Signe. Mary McDonnell, qui joue la tante de Sidney, qu'on avait vu dans Donnie Darko, Independence Day, Danse avec les loups, ou encore La Chute de la Maison Usher de Mike Flanagan, pourquoi pas. Et enfin, Mary Shelton, dans le rôle de l'inspecteur Judy, qui avait joué dans Boulevard de la Mort, Planète Terreur, Sin City ou Mortel Saint-Valentin. Gros casting, du coup, casting bien posant, avec beaucoup de personnages principaux, comme c'est très souvent le cas dans Scream. Mais qui là, pour le coup, pour la première fois, sort du trio vraiment original et essaye d'y accoler un deuxième groupe de personnages en essayant de les faire coexister sur un même plan d'existence. Exactement. Et c'est justement toute la thématique du film, mais on y reviendra plus tard. L'après-prod du film en 2008, Leigh Whannstein propose à Craven de revenir pour Scream. Il dit que ça ne le dérangerait pas, dans la mesure où le scénario serait aussi bon que les films d'avant. Jusque-là, c'est clean. En 2010, Kevin Williamson confirme qu'il est de retour au scénario et que le film se fera entre les deux saisons en cours de sa série Vampire Diaries. C'est lui, Vampire Diaries ? C'est lui. Bah écoute, je ne savais pas. Visiblement, c'est lui. Je ne savais pas. Lors de la pré-prod, une certaine Cathy Conrad, coproductrice des trois premiers films, attaque les Weinstein en justice. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la... Putain, c'est bien lui, Vampire Diaries. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la production du premier Scream, un contrat a été fait entre les Weinstein et cette femme qui stipulerait que toutes les suites de Scream se coproduiraient avec elle. Il se trouve qu'elle a été mise sur le banc pour le 4. L'histoire s'est réglée à l'amiable avec à la fois une compensation financière et un pourcentage sur les bénéfices de Scream 4. En soi, c'est pas la plus grande sauce que les Weinstein auront connue. Ah bah. Mais donc, Craven affirme que... le film doit s'interroger sur l'état actuel du cinéma d'horreur, et Williamson insiste sur le traitement des personnages, en particulier le traitement du personnage de Sidney, qui est l'héroïne de toute la saga, et peut-être le personnage le plus intéressant du film, même si pas le plus attachant. Je trouve que cette palme-là revient à Dewey et Gale, qui sont trop pis pour lui, ils sont ensemble dans la vraie vie aussi. Et donc une première moitié du scénario est écrite, impliquant... En plus, le bébé de Gail et Dewey, ce qui sera au final enlevé du scénario, ainsi qu'une scène d'intro alternative où Sidney est attaqué par Ghostface et est laissé pour morte, mais en fait survit, et on a un hiatus de 2 ans entre ce moment-là et le reste du film. Ça ne se fera pas, du coup, la fin était aussi différente, où, alors, on peut spoiler dès maintenant, mais de toute façon, Scream, on peut pas l'analyser sans le spoiler. Exactement. Les deux Ghostface sont donc Charlie, joué par... Rory Culkin, et évidemment Jill, le cerveau de l'histoire, Jill Roberts, la cousine de Sidney, interprétée par Emma Roberts. Exactement. Ah d'ailleurs, il y a le même nom de famille que ce personnage. Et donc Emma Roberts, évidemment, nièce de Julia Roberts, fille de Eric Roberts. Voilà. Et le plan des Ghostface était de filmer leur meurtre pour ensuite vendre les droits de ça pour devenir riche et célèbre. Et dans l'histoire, Jill tue Charlie pour être la seule survivante. Elle tue aussi sa cousine, Sidney, après avoir aussi tué sa mère. Enfin, vraiment, elle... Tout le monde y passe. C'est ça. En fait, elle sait qu'il ne peut y avoir qu'un seul survivant, qu'une seule survivante en l'occurrence. On parle de slasher, évidemment. Le film devait se terminer sur elle qui est sortie de la maison par les ambulanciers. Et on entend des ambulanciers dans la maison dire « il y a une survivante ». La scène du coup finale de l'hôpital n'était pas dans le script de base. Et la survivante, le mystère planait pour savoir si c'était Sidney ou Kirby, évidemment, sachant que ça l'arrangerait beaucoup que ce soit Kirby et pas Sidney. Et pas Sidney, ouais. Voilà, puisqu'elle a évidemment révélé son plan à Sidney. Le film est réécrit, comme c'est le cas quasiment tout le temps, en fait, à Hollywood, et arrive alors à ce moment-là Erin Kruger, scénariste de Scream 3, pour la réécriture. En soi, pourquoi pas? Donc, le film se réécrit et Scream 4 sort, pardon. Au casting, on a des rumeurs du retour d'anciens acteurs qui persistent, comme Jamie Kennedy, donc démenti par Williamson, et Liv Schreiber, démenti par Liv Schreiber. On aurait aussi pu avoir Ashley Greene dans Jill Roberts, à la place de Emma Roberts, du coup. Donc Ashley Greene qu'on a vu dans Burying the X de Joe Dante, que j'aime beaucoup ce film, pour le coup, mais qui est surtout connu... Qui est le dernier film de Joe Dante. Oui. Oui. Mais qui est surtout connu pour son rôle dans Twilight, où elle joue Alice Cullen. On aurait aussi pu avoir, donc en plus de Lucy Hale, Kristen Bell et Anna Paquin dans les caméos de scène d'intro, on aurait pu avoir Kristen Stewart. Oh, pourquoi pas? En plus, ouais. À l'époque, elle était en sortie de Twilight ou pendant Twilight? Je crois que c'est la fin de Twilight. Ouais, c'est fin de Twilight à ce moment-là, donc ouais, ça aurait été intéressant. Ouais. Mais du coup, ça ne s'est pas fait, on n'en sait pas plus pourquoi. Pour ce qui est de la post-prod du film, c'est le film qui utilise le plus de CGI de la saga en même temps. C'est la première fois que les lames sont numériques. Exactement, notamment le gros aspect, c'est plutôt que d'avoir des faux couteaux prosthétiques avec des lames rétractables, on a cette fois-ci des couteaux en CGI, ce qui permet une meilleure fluidité et accessoirement moins dangereux pour les comédiens au moment du tournage. Donc en soi, il n'y a pas de mal, et pour le coup, je n'ai jamais remarqué ça avant de me renseigner. Il y a quelques trucs, il y a quelques plans où je les repérais, mais c'est plus en chipotant, on va dire. Mais donc, Scream 4. J'ai un long déroulé sur ma critique de Scream 4. Est-ce que tu m'autorises à dérouler? Vas-y. Alors, donc c'est le chant du cygne de Craven, et il nous prouve qu'il est toujours à la fois actuel et efficace. Actuel car il arrive à saisir l'essence de la génération... à la manière dont il avait réussi à saisir l'essence de la génération Vidéo Club dans Scream, il réussit à saisir celle de la génération Internet de Scream 4 et où... une génération qui a grandi avec Scream, ou avec Stab, pour ce qui est soit du public, soit des personnages. Et c'est pour ça que les persos du film sont littéralement des redites de ceux du 1. C'est dit texto par Charlie que Jill est Sydney, que le petit copain de Jill c'est Billy Loomis, etc. Et il saisit aussi du coup l'essence des réseaux sociaux, notamment de cette époque-là, qui est la suite logique de ce qui impliquait notamment la télé-réalité fin 90, début 2000. Et qui là se perpétue avec cette espèce de quête constante du cadre de célébrité. C'est littéralement ce que dit Jill, encore une fois, à Sydney dans son monologue de méchante, c'est je veux mes 15 minutes, je veux le centre de l'attention. Si elle devient Ghostface, c'est parce que elle ne supporte pas que sa cousine... Dans l'ombre de sa cousine. C'est ça, elle ne supporte pas que Sydney soit le centre de l'attention et pas elle. Et donc, à la manière des personnages de la trilogie de base, donc avec Randy en tête, qui ne parlait quasiment que en référence plus ou moins gratuite de films. C'est quasiment que ça, beaucoup de répliques de Randy, c'est film, et film d'horreur. Enfin, l'inverse, film d'horreur, et film. Ici, les curseurs sont vraiment poussés à fond. Le meilleur exemple de ça, c'est vraiment la scène du remake de la scène d'intro de Scream 1, où on demande à Kirby de prouver ses connaissances en film d'horreur. Et où elle n'écoute même pas la fin de la question de Ghostface avant d'énumérer une espèce de ribambelle de remakes. Elle en cite une quinzaine, je crois, de remakes sortis globalement entre 2000 et 2010. Et elle cherche même pas, en fait, elle va juste dire des films sans chercher à comprendre exactement ce que ça signifie. Ce qui est aussi une critique de l'époque de Wes Craven. Alors ça peut paraître boomer ce côté, on est abreuvé d'images qu'au final on comprend même plus. Ce qui est montré aussi d'ailleurs dans la scène où elle regarde Shaun of the Dead et où c'est juste un film de fond pendant qu'elles envoient des textos à leurs potes. Mais alors, boomer ou réalité, Wes Craven avait 70 ans à ce moment-là. Non, 70 ans quand il est mort, je crois. Quand il est mort. Ouais, mais donc il a, Wes Craven a 65 ans à ce moment-là. On peut se poser la question, parce que de la même manière que Wes Craven n'avait pas grandi avec la génération VHS des personnages de Scream, il n'a pas grandi avec Internet non plus de la génération de Scream 4. Du coup, cette espèce d'accès omniprésent à la culture qui fait que cette espèce d'avalanche de connaissances et de savoir, au final, pour potentiellement le meilleur, mais qui a surtout donné une espèce de flux constant et assez inaudible au final, quand tu prends pas le temps de traiter ce que tu vois. Mais c'est aussi du coup un réalisateur très efficace, notamment pour ses scènes d'action, enfin du coup ses scènes d'attaque. C'est-à-dire que Ghostface fait un vrai carnage dans ce film, je crois que c'est le plus gros body count, il a 14. Ouais, c'est colossal. Et avec alors des scènes plus brutal, pas aussi cruel. Par contre, il y a rien qui atteint la cruauté de la scène d'intro du 1 ou de la mort de Douai. Mais c'est de loin le film le plus gore de la saga. C'est ça. Non, quoi que, le pal-pal le plus gore de la saga, mais de la période Kraven, c'est de loin le plus gore. Parce que le 6, je crois que le 6 a utilisé plus de faux sang et le 6 est bien plus gore en tant que tel. Ouais. Mais c'est de loin le film le plus violent de la période Kraven. Et même par rapport au 5, il a quand même la scène de meurtre par surcadrage là, à travers la fenêtre, qui est de loin, je pense, la meilleure scène de meurtre du film. Mais où t'as la fille qui se fait tuer à travers la fenêtre et du coup t'as un effet de surcadrage qui est hyper impressionnant, ouais, qui permet de noyer toute une partie du plan dans le sang de la fille. Enfin, c'est assez impressionnant comme effet de mise en scène. Ouais, et puis même la découverte du cadavre par Sydney après, par la scène. Voilà. La pièce est maculée de sang, on dirait la mort de Johnny Depp dans Freddy 1. Mm-hmm. C'est assez magnifique. Et alors, j'ai toujours trouvé que le tueur avait des motivations à la con dans les scrims. Ça, on est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que tu dis sur la motivation de Billy Estou? En fait, cette motivation, à la limite, elle me fait rire parce qu'en fait, elle est débile. Mais juste la fin de scream est tellement grand guignolesque avec le truc, genre ça devient une espèce de gore-fest à base de sang de cochon. Enfin, tu sais pas quoi, genre, vas-y, que je te fous une télé sur la gueule. Que pour le coup, quand ils me font juste, ouais, bah écoute, il y avait la daronne, je trouve un motif à la con, et tu sais quoi, on voulait faire pareil. Limite, je me dis, vas-y. En fait, ça va avec le ton grand guignol de la fin, on va dire. C'est à toi, tu me dis, heureusement qu'ils sont beaux. Ouais, c'est vrai, non, mais ça, heureusement qu'il est beau. Parce que. Mathieu Lillard, c'est pas ça. Bah, par contre, putain, c'est vrai, Billy Wilson, mon dieu. Mais pour le coup, la motivation de Jill, cette fois-ci, est en adéquation avec donc, le message du film sur la célébrité. Et que, bah, du coup, même si elle fait ce que le film critique en soi, donc j'ai aucune raison d'être de son côté. Et je trouve sa motivation débile. Chercher la célébrité pour la célébrité, c'est une attitude de personnage de télé-réalité, ça. Mais c'est pas une attitude de gens de la vraie vie. Mais donc, pour le coup. Je suis jamais attaché à Jill, sauf quand elle tire dans la bite de son ex qui l'a trompé. Ça, boss lady. Mais, pour le coup, on nous répète à la fin que, enfin, pendant même tout le long du film, que les Ghostface, en filmant ce qui tue, veulent faire un film. Pour moi, ils veulent pas faire un film, ils veulent faire une télé-réalité. Une télé-réalité où ils seraient les personnages principaux. Une télé-réalité qui serait plus ou moins scriptée, c'est-à-dire que, ils iraient tuer des gens, après est-ce que les gens survivent ou pas, c'est la partie non scriptée. Mais c'est, pour moi ça se rapproche beaucoup plus de la télé-réalité que du film d'horreur en soi. Et quand les personnages disent texto que l'inattendu est le nouveau cliché, ça ils le disent dans le fan club de films d'horreur, du coup Williamson, Kruger et Craven ont pris ça au pied de la lettre, et en prenant donc les deux personnages les plus sympathiques du premier film, à savoir Randy et Sydney, et en faisant les Ghostface. C'est littéralement ce qui se passe avec le fan de film d'horreur et la Final Girl, qui au final sont les tueurs du film. Et c'est également un constat amer sur l'état du slasher globalement. C'est-à-dire que si le premier mettait en garde, si les trois premiers mettaient en garde sur l'utilisation de clichés, alors le 1 est spécifique au film d'horreur, les 2 et 3 sont plus spécifiques aux sagas. Ouais. Mais si du coup Scream 1 nous mettait en garde sur l'utilisation de clichés, le 4 nous dit que globalement c'est trop tard. Le 4 nous dit, on est foutu, le genre tourne sur lui-même, on vient de subir une vague de remake qui a globalement prouvé qu'on n'avait rien à raconter, si tant est qu'on avait déjà quelque chose à raconter. C'est-à-dire que le slasher, ça n'a jamais été un genre qui dit, mais plutôt un genre qui fait. Et alors, est-ce que le constat de 2011 est véridique? La question se pose, est-ce qu'il est encore valable aujourd'hui? Ça se pose aussi, encore une fois, je prétends pas avoir les réponses sur l'état de toute l'industrie du slasher. Même si Rennie Harlin aime nous prouver que Craven avait raison. On est dans la merde. Mais c'est aussi un film bien conscient de la génération qu'il dépeint, et notamment du fait que c'est une génération qui est absolument détachée de tout. C'est-à-dire qu'ils sont détachés des films qu'ils regardent, en témoin de la scène de Shaun of the Dead, mais ils sont aussi détachés globalement des meurtres qui se passent. C'est-à-dire que là où... alors, c'était déjà le cas dans Stab 2, dans Scream 2 avec le public de Stab qui se marre à la projection, et la scène du Stab bâton dans Scream 4 en est le parfait exemple. Mais littéralement, ils vont accrocher, les jeunes du film vont accrocher des masques de Ghostface sur les lampadaires à Woodsboro, la ville où ce même tueur Ghostface a tué 15 ans plus tôt des gens, des gens de leur âge. Et alors, pour le coup, Dewey le dit clairement, la tragédie d'une génération devient la blague de la suivante. Il y a qu'à voir comment nous, je dis pas nous en tant que Corentin et moi, je dis nous en tant que génération, fait pulluler sur internet des mèmes sur, je sais pas, le 11 septembre, sur le Trumpisme, sur, euh, sur bah, globalement des événements pas drôles, mais qui deviennent des sujets de blague. Soit ça va rigoler de la santé mentale, ça va rigoler de des agressions, ça va rigoler de beaucoup de choses. Et au final, je pense que Wes Craven était peut-être en avance sur son temps pour parler d'une génération si désabusée déjà il y a 15 ans. Mais alors je pense qu'aujourd'hui c'est encore pire. Et oui, globalement, ouais, Scream 4, c'est très très dense comme film. Il y a beaucoup plus à analyser, je pense, qu'à vraiment regarder en tant que film. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors je vais tenter de prendre des pincettes. Non, déjà moi j'ai un vrai problème juste sur la façon dont le film est construit. Je vais commencer doucement, mais que font le trio de personnages principaux dans le film? En fait, je commence doucement déjà juste sur les personnages. Pour le coup, c'est la première fois que les personnages sont presque capables d'être touchants, je pense. Notamment au personnage de Kirby, tu parlais de cette espèce de culture du cynisme où la dénonciation des clichés est devenue elle-même un cliché. Pour le coup, effectivement, le film arrive plutôt bien à mettre le doigt sur ça, à mettre le doigt sur ce truc de. Bah, dénoncer un cliché est devenu lui-même un cliché, j'ai participé à ça, quel est mon rôle dans ça, il s'en sort plutôt bien, avec en plus du coup ce quatuor de personnages principaux avec le personnage de Kirby, qui en devient presque un peu touchante parce que tu vois qu'elle-même est assez chamboulée par ça, elle a pas envie de voir le cynisme contaminer tout ce qu'il y a autour d'elle, elle a pas envie de voir ça, et c'est pour le coup je trouve cette touche d'émotion bienvenue. En revanche, si Ned ou Gale non. Rien à foutre ici. Parce que bah, Sidney, juste, elle est reliée, mais alors de façon complètement bâtarde, je trouve, au récit. Elle a vraiment, vraiment rien à faire là. Et Dewey et Gale, il pourrait y avoir un truc intéressant avec le côté, bah, ces personnages qui ont un peu vieilli, qui ont évolué, qui ont d'autres problématiques. Typiquement, leur vie de couple qu'on devine un peu compliquée. Ça dégage, c'est vite passé à la trappe. Alors. Le coup du bébé aurait pu être intéressant. Bah, ça aurait pu, mais je trouve que finalement, en tout cas, dans le résultat en tant que tel. Bah, c'est globalement un élément qui, s'il aurait pu être passionnant, est très vite squeezé. Mais pour commencer par le positif, déjà, je trouve que c'est un film qui arrive plutôt bien à se réadapter aux standards de son époque en termes horrifiques. C'est-à-dire que, bah, il y a la mode du torture porn qui est passée par là, il y a la mode des remakes qui est passée par là. Il faut faire quoi? Il faut donc aller beaucoup plus loin dans la violence. Donc ça, c'est la mode du torture porn. Et il faut être capable d'être doublement conscient, surtout vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de sa propre identité. Ça, c'est le côté remake. Je trouve qu'il le fait plutôt bien. Il le fait en plus avec une certaine malice que je trouve bienvenue. Et il assume totalement son côté. Ouais, je suis un film qui arrive après, je suis arrivé derrière. Donc voilà, je me dois d'assumer ce statut-là. Par contre, j'ai un vrai problème parce que pour moi, c'est pas un film boomer. Je dois dire, moi, je suis pas forcément d'accord sur le film boomer. Par contre, c'est un film de vieux. C'est Oui, vraiment un film de c'est vieux. pour ça, je posais la question pour Boomer parce que. Bah en fait, non, parce que Boomer, ça veut dire qu'il est méprisant. Je pense qu'il est méprisant sur certains points. Il l'est de façon même très ouverte, en témoin de la toute dernière réplique du film que je trouve, On mais. déconne pas avec l'original. Ouais, je vois ça, je dis, mais Ouais. c'est pas drôle. En fait, c'est pas drôle, c'est tout, c'est vraiment, ça a rien à foutre là, quoi. En fait, mais c'est un film de vieux et c'est un film. Et ça se voit, et vraiment. Alors, ça veut pas dire que le film est désagréable sur plein d'aspects, mais c'est pour ça que je trouve que quand même ta lecture est très intéressante. Alors après, Craven sort du remake de Freddy à ce moment-là. Ah oui, mais c'est. Donc je pense qu'on déconne pas avec Ah mais l'original, il a dû le se c'est dire. sûr, mais je me dis, tu finis ta carrière sur ça, quoi. Alors, il savait pas qu'il allait mourir juste après, mais moi j'y vois vraiment un côté presque revanchard, tu vois, presque. Il n'y a jamais meilleur que le premier. Et quand tu sais qu'il aimait pas tous ses remakes, moi je peux pas m'empêcher de me dire, bah non, bonhomme, enfin. C'est vraiment un truc de vieux. Et pour moi, il y a une scène clé qui parle de ça totalement, et je vais établir un parallèle avec George Romero, qui pour le coup est un réalisateur qui vieillissait plutôt bien avant son départ. Bah, pour moi, c'est la scène du found footage. Quand ils arrivent avec les caméras. Alors déjà, on est en 2011 et il me sort des caméras TAR 95. Et cette scène-là, je trouve, alors quand même, elle est efficace. Ah, t'as de la GoPro aussi. Alors oui, non, je parle vraiment quand elle pose les caméras partout là. Ah oui. Hein? Et alors quand même, Oui, c'est. mais ça joue sur le côté décalé de Mais c'est ça. Gale qui n'est pas dans ce monde-là, quoi. Mais ouais, mais justement, c'est que pour moi, c'est efficace. Je peux pas le nier. Sauf que à cette époque-là, t'avais quoi? T'avais la mode du found footage qui était passée par là et qui avait, ils avaient tous ces caméras un peu vieillissantes. Et là, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment montré comme un con. Et là où, quelques années auparavant, George Romero avec Diary of the Dead se remparait de ça avec, je trouve, une vigueur et une inventivité redoutables, allant dans Diary of the Dead, dans le dernier acte, jusqu'à se remaker quasiment lui-même en refaisant sa nuit des morts-vivants, tout en found footage, quasiment plan fixe, incroyable. Et là, je peux pas m'empêcher de voir ça comme une espèce de petite crotte de nez de. Bah, ça sert à rien, quoi. Je fais, bah. Peut-être que t'aimes pas le found footage, et je pense, vu la filmographie de Wes Craven, je pense qu'il doit pas être un grand fan de found footage, mais est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Et moi, c'est vraiment un film qui. C'est mon gros problème avec ça, c'est ce côté film de vieux. Et. Alors, problème, beaucoup de guillemets, ça reste un film que j'aime beaucoup, mais. C'est en ça que je trouve finalement sa portée finalement très limitée, parce que c'est fait par quelqu'un qui a connu une époque, qu'il a très bien compris, et tu dis qu'il parle plutôt bien de sa génération. C'est vraiment. Ouais, ça, c'est vraiment un regard de vieux sur cette génération-là. Et qui est une génération ô combien complexe, et qui. Moi, j'attends toujours qu'un produit culturel, quel qu'il soit, arrive à parler de nous, on peut le dire aujourd'hui. On commence à vieillir, mais vas-y, pas trop. Mais arrive à parler de nous avec un regard juste. Il y avait eu Euphoria, fut un temps, mais qui arrivait plus à capter une émotion que vraiment à établir quelque chose de plus. De plus détaillé. Il arrivait à capter un sentiment à un instant T. Ça, je pense que c'est pas une série qui vieillira très bien, malheureusement. Heureusement, je ne sais pas. Mais c'est ça que je trouve un peu dommage. C'est peut-être qu'il s'attaquait à. Enfin, que il, je parle au pluriel, hein, parce que Williamson est aussi dedans. Peut-être qu'il s'attaquait à un Et cheval de. Kruger aussi. Et Kruger, oui, tout le monde. Peut-être qu'il s'attaquait à quelque chose qui est un peu trop gros, un peu trop dur pour eux. Après, je trouve ça très touchant le fait de vouloir ramener Scream. C'est-à-dire que tu ramènes la franchise qui a su parler. D'un genre et surtout du rapport des adolescents de l'époque à ce genre, et t'essaies de le remettre au goût du jour. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs moments où même. Et surtout, tu essayes de parler du rapport maintenant des adolescents à ta propre création. Mais c'est ça, et ça pour le coup, je trouve qu'il y a plusieurs moments où il est. Je peux pas dire qu'il est brillant, mais où il est plutôt très bien vu. Le Stabaton, ça c'est très bien vu. L'intro, c'est très bien vu parce qu'en fait. Ok, tu te fous de la gueule du côté, ben voilà, on remet encore le couvert, mais tu le fais toujours avec efficacité, c'est-à-dire tu prends pas ça à la légère, tu te moques pas de ça pour autant, ça c'est bien. Le personnage de Kirby, je trouve que c'est une vraie réussite, je sais que la première fois que j'ai vu le film, je l'avais détesté, en fait non, ça va. Je trouve que c'est une vraie réussite. C'est mon nouveau personnage préféré, enfin, mon nouveau personnage Oui, dans l'intérêt. préféré, c'est Mais ça. à côté de ça, je trouve qu'il y a vraiment des trucs qui sont mais ultra grossiers, genre le mec qui veut tout filmer avec sa caméra, je trouve ça mais ridicule. Oui, ça oui. Je trouve ça ridicule. Kieran Culkin, c'est un acteur qui a une vraie gueule et qui peut être très bon. Rory. Rory, pardon. Pardon, Kieran, c'est l'autre. C'est un acteur qui a une vraie gueule et qui peut être très bon. Mais alors là, je le trouve vraiment pas. En fait, je vois que c'est vraiment un Randy, mais petit bras, quoi. Mais vraiment petit bras. C'est ça. Et Et. en fait, je vois juste le côté. C'est un incel. Enfin, littéralement, c'est. C'est un initial, mais c'est très ennemi. C'est ça. C'est. Il a toujours croché sur la même meuf qu'il a jamais calculé, sauf maintenant. Bah, Kirby, du coup. Oui, Kirby. Et. La première meuf qui lui donne de l'attention, donc à savoir Jill, arrive à plus ou moins le manipuler, à en faire ce qu'elle veut, bah, notamment bah, Ghostface. Et ça, et par contre, genre, tu parlais de Jill. Alors, le cas de Emma Roberts, alors, j'ai une théorie sur Emma Roberts, c'est que quand elle joue un personnage plat et gentil, elle est chiante à en crever. Dès qu'elle joue une peste, c'est intéressant. Scream 4, elle est très intéressante, mais. On va en revenir à Lost. La base de Scream, c'est quoi? C'est le côté whodunit. C'est le côté faut chercher. Pour moi, Scream 4, c'est le premier de la saga. Alors, Scream 3 déjà un peu, mais Scream 3, on va dire, le bordel de prod fait que. Mais c'est le premier de la saga où c'est vraiment chaud à quel point ils s'en battent les couilles de cacher qui est le tueur. Parce que là, mais alors, si Emma Roberts, genre, seconde 1, tu te dis, oh, je me demande bien qui. Et pareil pour Kira. Alors, Rory, j'étais un peu surpris, mais en fait, quand tu revois le film, ça tient pas du tout. Tu fais, ah oui, bah oui, ça se tient. Et alors, le 5, moi, c'est cramé. Le 5, j'avais cramé dès le début, mais parce qu'ils ont pas modifié la voix de Jack Quaid. Alors, pour le coup, je l'avais vu en VF, donc. Ah, moi, j'avais vu en Je suis pas VO, dit. et VO, genre, j'étais en mode, mais vous avez pas modifié sa voix, c'est la même! Et le 6, je me rappelle plus qui c'est tous. C'est la famille Ouais, c'est la famille c'est la de. famille de Jack Quaid. Okay. Donc c'est son père, son frère et sa sœur. Et dans le 7, ça va être le chien. Hein. Mais en fait, c'est pour ça que Scream 4, je trouve que il souffle, il monte très haut et descend aussi très bas. Quand je dis monte très haut, il est très précis. Il y a un plaisir de slasher à peu près total. Et il est très précis, je trouve, dans sa façon d'être très conscient de son statut qu'il a aujourd'hui. Alors, cynisme ou qualité. Libre interprétation, mais je trouve que cette conscience, en tout cas, témoigne d'une certaine intelligence vis-à-vis de ce que tu es, vis-à-vis de ce que tu représentes, et vis-à-vis de ce que tu représentes par rapport aux autres, ça c'est sûr. Mais à côté, effectivement, je te suis vraiment pas trop sur le rapport à la génération, parce que je trouve ça très grossier, et vraiment très. Ouais, très vieux, en fait. Mais et vieux, dans le sens, vieillissant. Et ça veut pas dire que c'est négatif, ça peut être, on peut dire, nostalgique possiblement, je suis pas forcément d'accord, parce que j'y vois vraiment le côté. Ah, les jeunes! Mais vraiment le truc de. Ah, voilà. Et pour moi, c'est fait dans la motivation de Jill où c'est vraiment. Il ferait tout pour des vues. Tu vois, mais qu'est-ce que t'en sais? Évidemment qu'il y a des cons. Mais. So what? Oui, En fait, je trouve ça juste dommage de. Enfin, dommage. Je trouve que ton raisonnement se tient parfaitement, mais je trouve juste son point de départ un peu grossier par rapport à la portée réelle du film, ne serait-ce que parce que le juste à cause de l'âge des gens derrière, en fait, non, à cause de l'âge des gens derrière par rapport à ce dont ils parlent. Et par contre, en revanche, j'ai aucun doute de leur honnêteté dans leur démarche. Je trouve absolument pas que le film soit cynique, ne serait-ce que parce que ils reviennent malgré tout sur Scream. Ils auraient pu faire un truc, mais complètement bâclé, où ils s'en foutent. S'ils s'en foutaient, ils auraient pas fait des meurtres aussi gore, et notamment, ils auraient pas fait, bah, à nouveau, ce meurtre en surcadrage de fou à travers la fenêtre. Ils auraient pas fait cette scène d'intro-là, ils auraient pas bricolé ça comme ça. Je pense juste qu'ils ont un regard peut-être un peu plus distant que ce que ça pouvait être à une certaine époque, sur un sujet qui est en mouvance constante. C'est-à-dire, parler d'une génération jeune, entre guillemets, il y a des bons films qu'ils font et qui surtout n'ont pas vieilli en années chien, vas-y de le faire. Évidemment, t'as Greg Araki, mais c'est encore, ça parle d'une certaine partie d'une certaine génération, donc ça reste très précis. J'ai évoqué Euphoria, mais qui touche plus du doigt un sentiment, plus que vraiment vouloir parler à des jeunes en tant que tels. C'est plus un miroir d'une émotion que vraiment une œuvre qui a une quelconque volonté discursive. C'est en ça que je trouve que c'est très compliqué de faire ça, et ça m'étonne pas quelque part que Scream 4, je trouve, ne n'y arrive pas complètement. Mais quand il touche du doigt les qualités, en l'occurrence pour moi la scène du stabaton, malgré le passage fan footage un peu pour moi la scène du stabaton arrive parfaitement à faire quelque chose, parce qu'elle capte le mélange de passion extrêmement sincère pour l'objet Scream en tant que tel, à savoir le côté mais on a été bercé par ça, on est trop content de les revoir, let's go, et en même temps le cynisme un peu dégoulinant de mais c'est quoi le rapport qu'on a à ça? Et là, pour le coup, et je finirai sur ça avant de te laisser reprendre, évidemment, c'est que pour le coup, je pense qu'il y a un rapport extrêmement différent entre les Américains et nous par rapport aux tueurs en série. Et en témoigne ouais. Dahmer et tout, et je sais que moi, c'est quelque chose qui m'inquiète, qui me questionne un peu, on va dire, ce rapport-là, alors que nous, on n'a pas de questionnement à avoir outre mesure, dans le sens où connais pas. C'est bizarre à dire, mais les tueurs en série français, on en a quelques-uns, mais... T'as Fourniret, t'as... Et surtout, ils ont jamais été élevés en objet de pop culture. Ça a toujours resté des faits divers, glauques, sinistres, effrayants, oui. Ce qu'ils doivent être. Là où aux États-Unis, on sait que c'est quelque chose qui est beaucoup plus CF, les costumes d'Hammer à Halloween au moment de la sortie de la série. Et là, par contre, c'est pas juste un regard de vieux de « les jeunes, ils n'ont pas conscience de... » Non, c'est que ça a été documenté, c'est avéré, il y avait des dizaines de milliers de personnes déguisées en Dahmer. Et mais là... tout comme t'avais des femmes au procès de Ted Bundy ou des frères Menendez... Oui, c'est exactement ça, et c'est en ça que... Qui était là, les chambres rouges. Mais voilà, et c'est en ça que, quand je vois le Stabaton, je trouve qu'il arrive à être... pas dans le regard vieillissant, pas dans le regard méprisant, mais à la fois dans la tendresse doublée de la méfiance, mais avec quand même plus de tendresse, pour ce truc de « Ah, c'est tendu, mais ce n'est que de la fiction. » Donc je sais pas comment dire, je trouve que pour moi, cette scène-là est très intéressante. Ouais, justement, double lecture aussi pour cette scène-là, c'est-à-dire qu'au moment dans le Stabaton où Gail va poser sa caméra vraiment devant l'écran, voilà, genre sous l'écran, devant le public, ouais. Déguisant Ghostface pour pas se faire cramer, elle le fait à quel moment du film ? Je sais plus. Au moment où... Non, au moment où dans le générique, c'est écrit « D'après le bouquin, les meurtres de Woodsboro » de Gale Weathers. Ah bah non, c'est ça. Là, pour le coup, il est plutôt... C'est plus dommage, mais c'est ça. Scream 4, il est sur deux pieds. Il est sur le bien vu, plutôt malin et très honorable de ta part. Et le « Là, vraiment, t'étais pas obligé. » Genre là, il aurait mieux valu que tu dises rien ou que tu fasses rien. C'est mieux. Parce que, tiens, pour moi, typiquement, le truc de Jill à la fin, c'est vraiment... En fait, je vois la note d'intention, mais je trouve ça hyper grossier. Quoi. Bah, et pour le coup, oui, c'est grossier. Balourd, oui, c'est balourd, c'est grossier, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de voir un mec de 65 ans qui a vu la télé-réalité, qui a vu l'émergence des réseaux sociaux, mais c'est sûr. Qui a vu que juste les gens partageaient leur vie sans qu'on leur ait rien demandé et sans que ça intéresse personne, juste pour une quête assez vaine du quart d'heure de gloire. Je suis totalement d'accord sur ça, mais du coup, pour moi, le seul problème, c'est que ce regard-là entre en conflit direct avec le fait que Scream est par nature, et l'est resté pendant toute la saga, un objet pop. Donc un objet qui, a fortiori, est plutôt destiné à des gens jeunes. Et du coup, je peux pas empêcher de trouver ça un peu moralisateur, le truc de « Vous les jeunes, qui voulez votre quart d'heure de gloire », tu fais « Ouais, mais tu fais ça dans un Scream ». Donc c'est un truc qui va être majoritairement regardé par des jeunes. Il n'y a aucun monde où quelqu'un voit ça et se dit « Ah, il a trop raison ». Non, je pense sincèrement que si t'as, allez, moins de 30 ans, tu vois ça, et tu te diras juste « Qui fait ça ?» Oui, évidemment. Et, mais c'est ça, c'est juste que je vois la note d'intention, et quelque part, dans le fond, je peux être d'accord, beaucoup de guillemets dans ça, mais pour moi, ça juste pas sa place dans un Scream. Et je trouve ça... Non, ça pourrait avoir sa place, mais pas de façon aussi grossière. Pas de façon aussi littérale. Mais après, en quoi c'est fondamentalement différent des personnages de Scream 1 qui ne parlent qu'en référence de film? Bah, pour moi, dans Scream 1, là, alors, il parle en référence de film, tu penses à Randy, du coup? Je pense à Randy, je pense à Billy qui arrive, qui entre par effraction chez sa meuf par la fenêtre en disant « Hey, l'exorciste !» Bah, en fait, je pense que Scream 1 avait le mérite d'arriver sur un terrain complètement vague. Et du coup, il y avait ce côté, on va poser une note d'intention, on va être très clair, on va parler de cinéma. On va parler de cinéma parce que ça n'a pas été fait avant, ça n'a pas été fait de cette façon-là, et on va le faire à fond, ce sera extrêmement clair. Je pense que c'est le cadre de sortie qui différencie ces deux-là. C'est que Scream 1, il y a ce truc de bah, tout était à faire, tout était à construire, ça n'avait jamais été fait, en tout cas de cette façon-là. On y va, on le fait, et on peut le faire à 100% parce que on pourra pas nous accuser de forcer, parce que on est les premiers à le faire. Donc ok, on peut être insistant, mais on n'est pas forceur. Scream 4 arrive avec quoi, beaucoup plus de bouteilles de bouteilles dans le ventre. Ouais, et Wes Craven a 4 ans de plus. Et c'est ça. Et en fait, et je me demande, alors c'est plus une question, dans quelle mesure est-ce qu'un réalisateur plus jeune avec un script similaire et Craven à la prod, ça aurait pas été genre, imagine si Bettinelli Olpin et Taylor Gillette là, qui ont fait 5 et 6. Mmh. Alors il faut retwister la réalité et les timelines. Hein. Mais imagine c'était eux qui avaient fait Scream 4. Tu prends le même casting, le même script de base, peut-être qu'ils le rebossent un peu. Tu prends le tout pareil. Et juste tu leur laisses plus de compte, tu leur laisses la liberté de réal et possiblement de réécrire quelques trucs. Je pense que alors déjà je pense je suis à peu près sûr que le 15 minutes de gloire ça dégage. Ou alors c'est refait de façon différente. Je sais que la dernière réplique elle est plus là. Ou alors quoique, il serait capable de la laisser. Je pense qu'il la laisserait. Mais pas de façon, pas en dernière réplique du film. Et je pense qu'il retravaillerait aussi un peu les dynamiques des personnages entre eux, déjà pour éviter le côté très littéral de descendre de bah moi je suis toi mais en plus jeune et tout ça. Mais surtout je pense qu'il diversifierait leur approche pour proposer quelque chose qui est non seulement pop et réflexif, mais qui également peut se poser en porteur de flambeau, ce qu'ils ont plus ou moins réussi avec le 5, parce que le 4, quelque part, tu vois qu'il a envie de donner le flambeau à quelqu'un d'autre, juste, bon, bah, ça n'a pas été refait pendant 10 ans après, quoi. Donc c'est pour ça, Scream 4, j'aime beaucoup le film, je préfère le regarder en me disant que c'est fait par quelqu'un d'un peu vieux, pour qui on a évidemment un respect et un amour énorme, plutôt que de le regarder au pied de la lettre en me disant, ah, il a trop raison, ce qu'il dit, c'est vrai, il dit des facts. Donc voilà, oh, bon, je pense qu'on n'a même pas parlé de My Soul to Take. Bon, quelque part, c'est pas grave, on parle juste de My Soul to Take. Est-ce que t'as une dernière note à ajouter sur ta déclaration d'amour totalement légitime et justifiée à Scream 4? Alors, globalement. Peut-être lui donner sa chance à la base, parce que j'ai l'impression que pas mal de gens pas l'oublient, mais skip un peu. Oui, alors bah, déjà ça, mais. Parce qu'il est bloqué peut-être entre la première trilogie et la deuxième en cours, donc peut-être que c'est pour ça. C'est ça, mais alors, je vais conclure vite fait en disant que. Alors, avec le recul, c'est peut-être le film où j'en ai le plus rien à foutre des persos. Ah ouais? Je pense même Kirby? Bah ouais, t'enlèves Kirby, Douai, Yale, j'en ai rien à foutre. Ça se tient. En fait, ça se tient parce que je réalise que même moi, j'ai retenu Rory Culkin, j'ai retenu Emma Roberts et j'ai retenu Kirby. Mm. Mais je sais que Emma Roberts, elle a un mec qui force un peu, mais j'ai même pas retenu son nom. Et je sais que Rory Culkin, bah, en fait, je les retiens plus par des caractéristiques narratives que par vraiment leur personnalité ou qui ils sont, ce qui est quelque part un peu inquiétant. C'est ça. Alors, c'est clairement un film où le métatexte prend le pas sur le film, tout simplement. Je sais pas. Parce que les meurtres sont quand même vraiment cool, en fait. Les meurtres sont vraiment cool. Alors, en fait, pour moi, le métatexte serait vraiment Freddy. Mais j'entends ce que tu veux dire. Je pense que c'est le seul Scream où le métatexte est aussi important que le film en tant que tel. C'est ça, parce que typiquement, j'en ai rien à foutre de l'enquête pour savoir qui est Ghostface. Bah, surtout parce que c'est cramé minute 2. Vraiment. Voilà. Mais. Revoyez le film et voyez notamment la façon de marcher des Ghostface. Et vous verrez que c'est plus ou moins cramé. Sauf. Je pense qu'il y a des cascadeurs plus que des acteurs, parce que la taille des Ghostface ne correspond pas toujours. Oui, je suis ce nerd. Ouais, surtout qu'elle a pas l'air très grande, quoi, Emma Roberts. Je pense qu'on lui met une bonne tête. Bah, je crois qu'un de ses seuls meurtres avérés, en plus du film, c'est celui où elle tue sa mère. Et elle la tue en passant le couteau par la boîte aux lettres. Oui, alors ça c'est marrant. Mais et par contre, pour le coup, juste, on a beaucoup discuté de discours et des possibilités du film. Oui. Si vous voulez juste voir un putain de slasher et possiblement un des meilleurs juste objets slasher de son époque, des années 2010, il est. Alors bon, est-ce que ça en dit long sur l'époque? Peut-être aussi, mais il est sans problème dans les 10 meilleurs slasher. Attends, Victor Crowley, Butcher, c'est les années 2010 aussi? Non, 2000. Ok, bon, il est sans problème dans les meilleurs slashers des années 2010. Mais sans aucun problème. Bon, après, la concurrence, c'est pas hyper rude, mais tranquille. Oh. Peut-être même dans le top 5, faudrait voir. Mais bah, je peux pas nier que j'ai un immense amour pour Scream 4. Enfin, Ça a été pendant longtemps ton préféré. Ouais, ça a été pendant longtemps avant que je Que redécouvre tu Scream redécouvres 1. le 1 C'est ça. et que tu vois la réplique sur l'exorciste et le meurtre du garage! Le meurtre du garage! C'est ça. Mais oui, je peux pas oublier cette journée d'été quand j'avais 11-12 ans dans le sous-sol de chez ma marraine où Scream 4 passait à la télé et où je l'ai découvert par hasard et où... Mais ça participe à forger. Bah, c'est ça, c'est ma découverte de Wes Craven, Bah, c'est c'est ma ça. découverte de Scream et alors, très clairement, j'ai un plaisir de visionnage quand je le vois qui vient beaucoup plus de la mise en scène de Craven, notamment bah, pour ses cadrages, tu parlais du... Bah, le meurtre en surcadrage, je trouve. Et surtout, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il permet de noyer toute une portion du plan dans le rouge, sans que ce soit grossier, sans que ce soit trop gore. Mais c'est 3 fois plus impressionnant. Bah, vraiment, c'est peut-être un des films de Craven où la mise en scène est la plus ludique à analyser, spécifiquement sur les séquences de meurtre. Et bah, où notamment un plan, enfin, les moments où Craven va vraiment exacerber le propos du film par la mise en scène, je pense notamment à ce plan où Jill, après avoir maquillé les meurtres en du coup meurtre où elle était la victime, s'allonge à côté de Sidney, et Ouais. où le plan est littéralement un miroir de Sidney et Jill. Bah ça, et puis même pour le coup toute la séquence avant où tu vois qu'elle va elle-même retravailler la scène de crime en se jetant à droite à gauche, en cassant les trucs, qui est plus ou moins, moi j'y voyais carrément un écho à la scène de fin de Scream 1, où on l'oublie, mais la maison à la fin de Scream 1, c'est un champ de bataille. Hein. Le 2, Oui. c'est un bordel. Et du coup, moi j'y pouvais pas. Je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'il n'y avait pas aussi un écho à ça, le truc de attends, c'était cassé dans Scream 1, il faut recasser dans Ouais. Scream 4 pour faire. Non, pour le coup, c'est un film qui. Je sais que j'avais l'air très critique, mais j'aime vraiment beaucoup le film. Il est peut-être dans mes 5 Craven préférés, 7 Craven préférés. Et pour le coup, notamment par ces échos qu'il fait à lui-même et à sa propre saga, où je trouve qu'il est particulièrement touchant sur le côté. Bah, je vais y arriver. Sur le côté, bah, je sais que je suis un vieux bonhomme qui aujourd'hui peut-être n'est plus dans son époque. Par contre, ce que j'ai créé, ça je le connais et ça je peux en parler. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est peut-être là où il est le plus juste. On a fini sur Scream 4? On a fini sur Frisson 4. Oh bah écoute, 2h58, on verra combien ça fera après le montage. Non bah écoutez, bah merci beaucoup à vous tous, évidemment. Suivez-nous, aimez-nous, envoyez-nous des commentaires ce que vous voulez, y a pas de problème. Et On va essayer de maintenir un rythme régulier aussi. Yeah! On y croit! On va essayer de maintenir un rythme d'un épisode par mois, Ouais. sachant qu'on sait déjà quel sera l'épisode du mois prochain. Oui, un indice, l'épisode juste avant celui-là. On n'en dit pas Non, plus. deux épisodes avant. Deux épisodes avant, oh mon dieu, je me perds. Indice, l'épisode de septembre. Voilà, 10 l'épisode de septembre. Que voulais-je donc dire avant? Oui, il y a des trucs qui sortent sur le site. Faut que j'envoie à tout. Enfin bref, je me suis un peu perdu, mais on va y arriver. Allez voir The Killer, qui ressort en salle, Oui. qui est ressorti en salle au moment où vous écoutez cet épisode. J'aurais fait un petit encart pour vous présenter le film au début de l'épisode, en espérant qu'il vous aura plu et vous aura convaincu d'aller le voir. Sachant que aussi dans les prochaines semaines, Histoire de fantômes chinois, la trilogie ressort en salle. Le premier en 4K, les deux suivants en 2K. Exactement, exactement. Et à toute épreuve, de John Woo sort en format physique 4K Blu-ray. Bientôt. Bientôt. Peut-être qu'on aura. On dit peut-être, on n'en dit pas trop, mais peut-être qu'il y aura quelque chose qu'on pourra faire autour. Donc voilà, bref, un immense merci à vous. N'hésitez pas à nous suivre, ça je l'ai déjà dit. Et puis voilà, on se revoit le mois prochain pour un épisode qui promet d'être peut-être un peu moins long, mais pas moins dense.